Ça commence bien. Bon, bonjour à tous. On commence déjà l'enregistrement sur un petit quoi. Mais ce n'est pas grave, hein. On a l'habitude. Hein. Qu'il est nul. Pardon ? Hein ? Donc, t'as dit quoi ? Qu'il est nul. Bien ce qu'il me semblait. Ouais, bah, j'ai l'habitude en même temps. Hein. Mais s'il n'était pas là pour m'occuper de la technique, cher monsieur. Bref, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour bande de poulpes. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est sympa les poulpes, hein, non ? Bonsoir. Paul le poulpe est mort il n'y a pas longtemps. Bonsoir. Oui, tellement, oui, ah, ça fait un petit temps maintenant. Oh, t'es à son âme. Hein. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer pour dire que Stetson est une grosse pute. Ça commence bien, merci pour les insultes dès le départ. Tu vas rebuter les nouveaux auditeurs. Grosse salope de merde. Je crois que je vais mettre voilà. Des bips pour éviter que les nouveaux auditeurs soient rebutés dès le début. Les nouveaux auditeurs, on les emmerde. Sympathique. Donc, la magnifique voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Chauve. Ah. Notre illustre Chauve, l'Apollon de ces lieux. Ah. Le seul qui a un physique de télé. Oui, tout à fait. Alors que les deux autres ont un physique de radio. Alors, en face de moi, avec un physique de radio, on va pas dire un gramme, mais on parlerait plutôt de physique limite. Limite. Je vous présente Stetson. Bonjour. Bonsoir. Stetson. Bonsoir. Oula, quelle voix ténébreuse. On a vu, il essaie de pallier le physique par la voix. Ouais, c'est parce que personne ne le voit. Hein. Ténébreux, mec, couille. Ouais. Et alors, vous avez, en toute simplicité, moi-même, Kirby. Je vais quand même me présenter, hein, je veux bien que les poditeurs nous connaissent. Bon, ben, bienvenue donc pour le numéro 6 du BGS. Enfin, il était temps, on va dire, parce qu'on a un petit peu loupé le mois de mars. Oh, on la faute pas, de Chauve. Voilà, on dira pas, j'allais dire, on ne dira pas à cause de qui, mais... Ah, mais si. J'ai une vie, moi. Hein. Parce que nous, on n'a pas une vie, peut-être. Non. Non. Enfin, toi, peut-être, oui, mais lui, non. D'accord. Les gens ne nous voient pas, donc ils ne savent pas de qui tu parles. Kirby, peut-être, mais Stetson, non, il ne va pas de vie. Il se lève à 20h, déjà. Oui, c'est vrai, j'en témoigne, il est difficile de l'avoir pour des enregistrements aussi, parce que monsieur change d'horaire comme de chemise. Ouais, écoute, bah, change pas souvent de chemise non plus. Il met jamais de chemise, donc... Bon, Il change pas souvent de slip non plus. N'importe quoi. Alors, pour ce BGS-ci, on va, comme d'habitude, donc, commencer par un petit sujet. Donc c'est Stetson qui s'en occupe cette fois-ci. Stetson, de quoi vas-tu nous parler ? Reproduction des grenouilles en milieu hostile... Hivernal. D'accord. Homosexuel de surcroît. De surcroît. D'un documentaire sur Senna, qui s'appelle Senna. Oh. Sur Ayrton Senna, oui, peut-être. Ça. Ah bon, il y a d'autres Senna. Oui, enfin avait... Senna. Ah non, mais il y a son neveu qui est en Formule 1, il y a oui, mais non. Qui était. Il y a eu un Senna dans une télé-réalité, je ne sais plus laquelle aussi. Ayrton Senna qui est mort à Imola en 94. Les gens vont se dire... Je ne sais pas parler belge. Et je viens de dire quoi ? Donc en fait, ouais. les gens j'ai vont dit 94 dire... ou 94. Ouais. Les gens vont se dire qu'ils parlent de Secret Story, parce que ça y est, je vous rappelle, c'est dans Secret Story qu'il y avait un Senna. Donc Stetson nous fait un sujet sur Secret Story. Ouais, bravo. À cause de ses chaussures. Parce qu'il a des chaussures de tapette, merci Chauve de le préciser. À 238,5€. Et ensuite, on embrayera sous ma petite affaire à la con en passant. Je pense que vous allez aimer surtout Chauve. C'est musical. D'accord. Tu vas découvrir un artiste. J'imagine, ouais. Hors du commun. Et ensuite, on embrayera sur un débat. Donc, le débat aujourd'hui a pour thème les adaptations au cinéma. Donc, on parlera de adaptation, de remake, de suite, de reboot, de tout ce qui s'ensuit. De reboot. Et on terminera par un petit jeu par Monsieur Chauve. Tout à fait. Qui est, tu veux peut-être nous dire le contenu du jeu, de quoi ça va causer Ça se rapprochera de questions pour un champion, le célèbre jeu télévisé de Julien Lepers. Et je. Ouais. Je tâcherai de faire en sorte que ça soit le meilleur jeu du BGS jamais produit à ce jour. Même si Sweet Kirby était. Merci. Sympathique en son genre. Ça va être difficile, mais tu relèves le défi. Je relève le défi. Je prends la main, Jean-Pierre. Que se passe-t-il si on n'est pas d'accord et que c'est le meilleur c'est pas un meilleur peu du chaud. Merci. Ah, c'est facile quand tu fais les jeux pour qui gagne. Vous vous arrangez avant. Je me suis démerdé pour que ça soit très équilibré et que bien chacun sûr, ait une chance égale de gagner. Je le fais à chaque fois, mais t'es tellement nul que tu perds à chaque fois. Non, mais c'est facile, vous donnez les réponses avant. Bah oui, bah bien sûr. Bien j'ai sûr, terminé sûr. Ce truc-là à 16h50 tout à l'heure. Mais je vais on a déjà du mal à se voir simplement pour enregistrer, alors si en plus on doit se voir pour ce genre de choses... Même pour notre relation incestueuse homosexuelle, on n'a pas le temps. Incestueuse ? Ouais. Vous êtes quoi en fait ? Demi-frère. Okay. Merci, Chauve. On a la même maman, mais pas le même papa. Voilà, donc les auditeurs sont au courant maintenant. Et ensuite, est-ce que la maman est au courant? De quoi? Est-ce que votre mère est au courant que vous êtes demi-frère? Bah oui, mais c'est la même, connard. Je répondrai même pas, ça vaut pas la peine. Donc bref, on embrayera, pour revenir un petit peu au sujet, parce que là, les gens vont un peu se demander dans quoi ils sont tombés ce soir. Les gens les emmerdent. Merci Chauve. On parlera pour terminer, on fera un petit en vrac comme d'habitude, où on parlera de ce qu'on a vu, aimé ou pas aimé récemment, ce qu'on a testé, joué, lu, peu importe. Un peu de tout en fait pour terminer calmement ce magnifique BGS qui, je l'espère, sera celui de la gloire. Bon. À nous les femmes, enfin surtout à Stetson. Ouais, parce que nous on est casés, on peut pas dire ça. Vous êtes déjà comme des moutons en famille. Pardon. Si on veut, bon. Rien à répondre à ça. C'est une chose. Voilà. Moi je dis merde. Exactement, je pense que c'est un peu la même chose. Allez, en route. Bon, oui, en route, je pense. Donc vous êtes chauds les enfants? On est parti? Vous êtes chauds, Boulette? Est-ce que Mathis est chaud ce soir? Est-ce que Mathis est chaud ce soir? Est-ce que le BGS et les auditeurs sont chauds ce soir? Est-ce que le BGS est enregistré à Baptis? Ah bah... Avec l'accent belge, Baptis. Bon allez, vous êtes chauds, Stetson, tu es chaud? Mathis est chaud ce soir? Stetson? Non. Mathis est chaud ce soir, Stetson est chaud ce soir. Stetson. Après ce magnifique jingle fourni par le site gobarbara.com, au passage, un peu de pub. Hein. Tu fais ça, pute. Bah, c'est pas. Non, c'est parce que j'ai été chez eux. C'est un système où tu tapes un mot, tu sélectionnes une langue et ils te refait un mix de la chanson avec le mot que tu as souhaité et la langue que tu as souhaité. D'où ce petit jingle, Stetson. Je trouvais que pour une fois, tu méritais un jingle autre que trou de balle masqué. Des choses un petit peu. Hein. Un jingle sérieux, quoi, on va dire. Sérieux, voilà. Oui. Ouais, si on veut, quoi. Un jingle rythmé qui donne envie de t'écouter. Envie de ça lui a pas donné t'entendre. Envie, je crois. Envie bon, donc on va commencer par ton sujet alors. Donc ce soir, tu vas nous parler de Ayrton Senna. Oui, enfin d'un documentaire sur Senna. Ah, tu parles pas de. Bah, Senna. Si, je parlerai un tout petit peu de Senna, mais principalement du documentaire. D'accord, par l'intermédiaire du documentaire de, ouais. De Ayrton Senna. Ok, vas-y Stetson, alors nous t'écoutons. Ouais, donc c'est un documentaire qui a été diffusé l'année dernière au Grand Prix du Japon. Et à ce moment-là, il a été pas mal assez bien reçu par les Japonais, mais on n'en a pas trop entendu parler jusqu'à ce qu'il soit diffusé à Sundance au mois de mars de cette année. Je crois que c'était en mars. Dans janvier, Sundance. Ouais. Je crois. Bon, peut-être janvier alors. Hein. Et donc, il a gagné le prix pour meilleur documentaire là-bas. Et il a été très bien reçu par la presse à ce moment-là. Il est prévu d'arriver en Europe début de l'été. Mais il est déjà sorti en DVD et en Blu-ray au Japon et au Brésil. Et donc, j'avais pas envie d'attendre cet été pour le voir. Même si j'irai clairement le revoir au cinéma, mais donc ça parle de David Senna. Ah, il va carrément sortir au cinéma. Ouais, en principe, dans quelques cinémas, hein, pas. Oui, non, je me doute bien pas. Ça va pas aller à Kinépolis, hein, ou à, je sais pas trop les autres en France connus, mais ça va pas aller dans les grandes chaînes, quoi. Ce sera un film. Pour les Belges ici. Ouais. C'est un podcast belge aussi. On emmerde les Français. C'est un petit film indépendant, quoi. Enfin, un documentaire indépendant. Sauf Draven, parce qu'il est sympa. Spécial dédicace à mon ami Draven. Un connard, celui-là. Tu ne le connais même pas. Bah si, c'est un trou du cul. Non, même si tu nous écoutes, c'est pas vrai, Chauve, t'as un petit plaisantin. Et donc... Ça parle de... ça commence à parler de sa vie à peu près quand il vient en Europe pour faire du karting. Et ça suit la rivalité entre lui et Prost dans la fin des années 80, début des années 90, jusqu'à sa mort à Imola. Et si on... Belle partie de l'histoire de la F1, d'ailleurs. Ouais, une des meilleures parties de la F1. Ouais, très intéressant. Avant que ça ne devienne. Là, ça va mieux ces années-ci, mais. La dernière année de Senna, quand il meurt, l'année avant, en 93, C'était le début de des aides électroniques. Donc Benetton avait eu du traction control et quelque chose qui stabilisait les roues, qui a été interdit en 94 quand Senna est allé chez Williams pour essayer de gagner un titre. Il a perdu en 93 contre Prost, qui était revenu après une année de pause chez Williams. Et quand ils ont retiré la voiture qui était faite pour ça, est devenue complètement instable. Et il a eu énormément de mal dans sa dernière saison de contrôler la voiture qui faisait du survirage et du survirage dans les tournants en changeant sans raison. C'était vraiment pas une bonne voiture. De toute façon, c'est vrai que moi j'ai continué à suivre. Pour moi, la F1, ça s'est vraiment arrêté entre guillemets après après le duel, le célèbre duel à Hakkinen-Schumacher. Après cette période-là, pour moi, la F1 s'est un petit peu arrêtée pendant quelques années. Ça a repris un peu, mais c'est pas la même chose. Non, voilà, maintenant ça a repris et je recommence à suivre, mais c'est pas la même chose. Quand on voit les images, il faut être fan de F1 pour apprécier ces moments-là, mais quand on voit des images de. Donc c'est la première fois que la FIA accepte de. Elle a donné au à Asif Kapadia, le réalisateur, un accès à des vidéos d'archives. Et c'est aussi la première fois que la famille de Senna donne un accès à des vidéos d'archives d'eux, des vidéos de Prost aussi qui n'avaient jamais été vues. Donc il y a plein d'informations qui étaient inconnues avant et qui ont été remises dans le documentaire. Et quand on voit les images de course de cette époque-là où il y avait des dépassements tout le temps, si on est fan, on peut pas ne pas apprécier. C'est ça qui était bien à l'époque. C'était beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins d'électronique, il y avait beaucoup moins d'aide au pilotage. Il n'y avait pas d'aide électronique. Même pas. Ça commençait en 93. Entre guillemets, c'était vraiment du sport. Quoi. Ils y allaient à fond et c'était la personne qui. C'était. La voiture avait une importance parce que. La voiture a toujours une importance. C'est logique dans tous les sports automobiles. Mais à l'heure actuelle, la voiture a une encore plus énorme importance. Un très bon pilote qui va aller... Maintenant, il y a moins d'aide qu'avant. À la grande époque de Schumacher, par exemple, Schumacher n'a jamais conduit sans aide. Maintenant, ça redevient, mais voilà, la période après Hakkinen où Schumacher a été champion pendant je ne sais plus combien d'années consécutives, n'importe quoi. Il était champion, c'est peut-être un bon pilote, mais parce qu'il avait la voiture qui fait que... Senna a toujours pensé que Benetton n'avait pas retiré le traction control dans la Benetton de 94. Et que c'était une des raisons pour lesquelles il n'arrivait pas à être compétitif avec lui. Et après, de toute façon, les aides sont revenues graduellement. Donc, c'est possible que Schumacher n'ait jamais conduit sans aide, ou s'il l'a fait, c'était pendant une année. Quoi. Et voilà. Et maintenant, on voit le résultat. C'est différent. Il a pris une pause. et puis, la Mercedes, ce n'est pas une très bonne voiture maintenant. Mais la grande époque de Senna sur McLaren Honda était vraiment passionnante. C'était vrai sport. Puis le duel, c'est peut-être un des meilleurs duels du sport en général. Tu pouvais, avec une voiture peut-être de moindre, un peu moindre puissance, tu pouvais quand même arriver à faire quelque chose. Sa première année en F1, il a plu à Monaco. C'est relativement au début du documentaire, il remonte ça. Donc sa première année en F1, sur sa première course à Monaco, il a plu énormément et il arrivait à remonter. Il était parti de la 13e place. Et il lui manquait 2-3 tours avant de dépasser Prost, mais dans une voiture vraiment, vraiment pourrie à l'époque, comme une HRT maintenant, quoi. Une Tallman. C'est une très vieille équipe qui n'existe plus, mais bon. Il allait dépasser Prost, il lui reprenait une seconde au tour ou deux secondes au tour. Il allait dépasser dans 2-3 tours. Et Prost a demandé à ce que la course s'arrête. Et le président de la FIA, Prost était un pilote très politique quand même, beaucoup plus que Senna qui détestait tout ça. Et Prost est en français, la FIA est en française. À l'époque, J'ai eu peur que tu dises autre chose. Prost est en français. Non, c'est un connard. Voilà, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose comme ça. Prost est en français. Mais il aurait raison pour une fois. Je n'apprécie pas Prost, donc. Je ne me souviens pas avoir déjà apprécié un pilote français. Très honnêtement. Sébastien Bourdais était pas méchant. Sébastien Loeb est sympa aussi. En rallye. Tu prends un rallye. Mais il a voulu venir en F1, mais. Ouais, mais bon, c'est un duo en rallye. Allez-y et son célèbre bac à gravier. À l'époque, le président de la FIA, c'était Balestre, qui est parti un an avant la mort de Senna. Et il a toujours été pro. Proprost, pour faire un... Et souffrir un petit jeu de mots. C'est joli, Proprost. Et donc, il a fait arrêter le Grand Prix. Proprost n'a pas compris comment il pouvait arrêter le Grand Prix. Il arrivait à conduire sous la pluie, lui, ça lui posait pas de problème. Et il a toujours pensé qu'il lui avait volé cette victoire-là, qui aurait été sa victoire avec une voiture vraiment... Et puis, comment il a réussi à faire arrêter la course? Il pleuvait vraiment énormément. Ouais. C'était peut-être mérité que la course s'arrête, mais lui, il n'a pas compris comme ça. Mm-hmm. Ça devenait dangereux. C'est dangereux de conduire sous la pluie, de toute façon, en F1. Mais... Et donc, sa deuxième année, ouais, il est passé chez... C'est pas avec l'idée de pluie artificielle que ça va arranger les choses. Hein, mais la pluie, ça, c'est sympa. Ouais, tu vois les vrais pilotes. C'est sympa, mais moi, la pluie artificielle, je ne suis pas du tout pour. Il y a des circuits où il y a de la pluie artificielle, mais ils ne sont pas utilisés en F1. Le circuit de Bernie Ecclestone a un système comme ça. Oh mais, enfin, je trouve que personnellement, bon, de la F1, c'est une grosse connerie. C'est dangereux, et l'intérêt pour moi de la pluie, c'est justement qu'elle soit totalement imprévisible. C'est casser de voiture. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, tu l'es, et je vais pas dire que c'est un bonheur, parce que c'est dangereux pour les pilotes, mais c'est tellement... Pour le spectateur, c'est tellement une expérience, c'est tellement autre chose que... C'est dommage de la gâcher avec de la pluie artificielle où tu es sûr qu'à un moment ou à un autre elle va arriver parce que le circuit peut en diffuser. Quoi. Enfin, c'est très difficile à mettre en place. Je vois pas comment ils peuvent faire ça en essayant de justifier. La deuxième année, il a changé pour aller dans une écurie un peu meilleure. Il est allé chez Lotus, qu'il a gagné quelques victoires à ce moment-là. Puis il a vu que Lotus ne suffirait pas. Lotus était sur le déclin à ce moment-là. C'était déjà une écurie qui. À l'époque, ils étaient encore bons, mais elle allait vers le bas, quoi. Ils n'étaient pas mauvais, mais par après... Et puis, il a été chez McLaren, qui était avec Ron Dennis à l'époque. Enfin, Ron Dennis est parti il n'y a pas très longtemps chez McLaren. Ça fait 2 ans, 3 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Et Ron Dennis a toujours été pour avoir une idée d'avoir 2 très bons pilotes. Il a refait la même erreur, entre guillemets, parce que ça lui a coûté cher avec Prost et Senna. Il a refait la même erreur avec Hamilton et Alonso. Et il aime bien avoir 2 très bons pilotes qui fassent la compétition entre eux, mais c'est pas vraiment idéal en F1. Et donc, il a rejoint Prost. Il faut toujours un second couteau qui accepte un peu de sacrifier ou d'aider le... Même si c'est pas vraiment toujours très sportif et toujours très toléré, d'aider, entre guillemets, le champion, quoi. La tête de gondole. C'est joli, tête de gondole. Oui. Et donc il a rejoint McLaren Honda à l'époque, pas McLaren Mercedes, en 88 il me semble, oui, et avec Prost comme coéquipier. Au début ça se passait bien, puis au fil du temps ils ont une 88 je confirme. La rivalité entre eux a grandi. Senna voulait gagner, voulait battre Prost. Prost était beaucoup plus calculateur. Et dans les grands duels du sport, moi c'est deux des personnages les plus intéressants, c'est vraiment deux opposés dans leur manière d'être, un beaucoup plus instinctif et un autre beaucoup plus calculateur. Donc il y a toujours eu des fans de Prost qui n'aimeront jamais Senna à cause de ça, mais bon, j'ai du mal à voir comment on peut être fan de Prost, hein, personnellement. On est en français. Oui, voilà, je pense que c'est la seule raison qui justifie d'être fan de Prost. Donc un connard. Je ne le comprends pas non plus. Il y a eu un événement qui est dans la saison, je crois que c'était en 90, ou au démarrage de Suzuka, Prost. 90, oui. C'était en 90 celui-là. Parce qu'il y a eu une page Wikipédia sous les yeux pour m'aider. Parce que l'année d'avant, il y a aussi eu un crash à Suzuka, mais on en parle souvent moins que le premier, alors qu'il est important historiquement. Non, c'est 90. Donc 90. Senna avait demandé au commissaire de course de lui assurer que la pole serait du bon côté de la piste, du côté de la racing line, quoi, où il y a beaucoup plus de grip. Et au dernier moment, Balestre a changé pour mettre la pole de l'autre côté. Il jugeait que c'était complètement injuste. Et il a dit, dans tous les cas, je serai premier après le premier tournant, ou je serai plus dans la course, enfin, quelque chose à peu près dans l'idée. Forcément, vu qu'il avait beaucoup moins de grip, ils ont eu un crash. Le crash résultait que Prost ne pouvait plus gagner le championnat parce qu'il fallait qu'il finisse la course. Et donc voilà, ça s'est fini là. Prost a été parlé aux médias en disant que c'était dégoûtant comme attitude ce qu'il avait fait. Mais bon, il a été clair et il a jugé qu'on lui avait volé la pole au final. Il aurait préféré être deuxième si on lui avait dit que c'était que la pole allait être sur ce côté-là de la piste. Et l'année dernière, à Suzuka... Il s'en foutait de sa position, c'était vraiment... il aurait préféré qu'on lui dise, quoi. Peu importe comment il aurait fini la course. Il ne dit pas qu'il aurait fini premier, nécessairement. Il voulait... Tu cherches à avoir une pole, on te dit que la pole sera du bon côté. Les pilotes de F1 savent bien où est le bon côté de la piste. Oui, ça, et ils jouent sur... Ils savent tout, ils jouent au centimètre près parfois. Voilà, donc s'il avait su, il n'aurait pas cherché à avoir la pole probablement. Et il s'est senti volé de la pole. Mais en plus de ça, historiquement, le Grand Prix de l'année d'avant, il y avait eu un crash aussi entre lui et Prost. Où à ce moment-là, la situation était inversée. Si Prost, si Senna sortait, il ne pouvait plus gagner le championnat. Et c'est vers le dernier virage de Suzuka qui va vers la droite. Prost et Senna est rentré dans un gap à l'intérieur. Prost lui est revenu dedans. Ils sont tous les deux crashés. Senna avait réussi à redémarrer avec l'aide des commissaires de piste. Qui ont poussé sa voiture et qu'il est allé par la voie d'échappatoire quoi, sur le côté. La FIA a justifié que c'était interdit dans les règles de faire ça. Il a eu une pénalité, quoi. Ben, il a été. La FIA a dit que c'était interdit de faire ça. On lui a annulé son Grand Prix et on lui a volé on lui a retiré sa licence, sa super licence, pendant 6 mois, mais c'était à la fin de la saison. Et. Ron Dennis n'était pas du tout content de ça. Il a montré plein de vidéos qui montraient la même situation où le pilote n'avait eu aucune sanction. Mais donc voilà, c'est le même problème. Balestre, une FIA française et un président de la FIA français et Prost qui veut râler pour ça. Et donc le fait qu'il y ait eu cet accident-là, ça pousse un petit peu. On comprend un peu mieux la réaction de Senna. L'année d'après, à la pole, où il a encore eu l'impression d'être volé. Et donc, ça justifie un petit peu son geste, un peu plus. Ça, c'était deux vraiment moments qu'on parle beaucoup dans la carrière de Senna. On parle un peu moins, c'est même pas dans le documentaire, ça m'a un peu surpris, mais pendant les qualifications du Grand Prix de Spa, je crois que c'était en 92, Eric Coma, un pilote français, a eu un accident et le premier sur la scène était Senna. Et il est sorti de sa voiture pendant les essais, c'est ça? Ouais, pendant la qualif. Donc oui, il perdait pas la course, mais bon, n'empêche, sortir sur une piste où il y a d'autres F1 qui roulent, quoi, pour aller couper le moteur de Coma pour pas qu'il prenne feu et le maintenir stable avant que les secours arrivent. Et Eric Coma a dit que ça lui avait sauvé la vie que Senna fasse ça. Donc il y a toujours deux opposés de Senna, hein, où il ira au crash s'il faut. Ouais, qui a d'un côté un compétiteur, même à l'extrême. Et de l'autre, un côté très humain. Et puis... Quel bel homme. Comme moi. Donc en 93, il n'a pas du tout fait une bonne saison. Enfin, il a fait une bonne saison, mais pas dans ses critères, quoi. Parce que Williams avait mis en place le traction control et les aides électroniques. Et il ne pouvait pas y gagner une seconde au tour, donc c'était impossible pour lui de rattraper ça, quoi. Et donc ça, c'était son avant-dernière saison. Il a réussi quand même à gagner le Grand Prix du Brésil. Je crois que c'était cette année-là, mais je ne suis plus sûr à 100%. Si tu peux vérifier. Alors que sa boîte de vitesse était bloquée en 6e vitesse. C'est au Grand Prix du Brésil. C'est, je crois. Et donc, il a dû faire pendant peut-être une dizaine de tours, bloqué en 6e. À la fin du Grand Prix, il est tombé dans les pommes pendant le tour. Parce qu'il arrivait, il était trop fatigué, quoi. Ses muscles étaient. En même temps, déjà rien que conduire une F1, même à l'heure actuelle, avec tout leur. Enfin, actuelle un peu moins, avec leur système électronique, c'est déjà crevant. Si t'imagines en plus, bloqué en 6e. Et donc, mais bon, il voulait vraiment gagner. Il voulait rentrer et en même temps, il voulait gagner. Donc, c'était son Grand Prix, quoi. C'est là où il a reçu son truc de Fangio, son trophée. Je ne sais plus, non. Je crois que c'est dans cette année-là qu'il a reçu un trophée des mains de le célèbre Fangio. Et je passe des moments du documentaire, hein, qui est vraiment excellent, mais Ça, c'est les points principaux, on va dire. Pour arriver, je suppose, à l'année fatidique. Bah, voilà, l'année de la mort, où il a finalement signé chez Williams après assez longtemps quand même de discussion entre eux, parce que Prost avait un contrat qui disait... Donc Prost était revenu en 93 chez... Ouais, Prost était revenu en 93 chez Williams après un an de pause, parce qu'il avait été viré de chez Ferrari en ayant critiqué la voiture. On ne critique pas une Ferrari. Ce n'est pas du tout apprécié chez Ferrari. Comment on peut critiquer cette femme? On peut critiquer sa voiture, qui est une mini orange tapette, mais de PD. Ça, c'est un autre débat. Ça, excuse-moi. Et donc, en 94, il signe chez Williams. Prost part de chez Williams en demandant à Williams de payer son contrat, parce qu'il avait un contrat de 3 ans, où la seule règle, c'était qu'il ne pouvait pas avoir Ayrton Senna comme coéquipier. C'était la seule chose qu'il avait demandé. Donc Williams est d'accord, et Prost est parti de la F1 à ce moment-là. Il est pas revenu après. La Williams, qui était censée être bien avec les aides électroniques, est devenue pourrie quand la FIA a dit que toutes les aides devaient être enlevées des voitures. Donc c'est d'une voiture extrêmement stable, extrêmement facile à conduire, elle est devenue complètement instable et pas du tout développée pour être conduite sans aide. Donc il a eu du mal à conduire cette voiture pendant toute... Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Il était sur... Dis-moi, c'est vraiment si j'ai une bêtise, parce que j'ai un gros gros doute sur ce que je vais dire, mais il était avec Schumacher, non? Non, Schumacher était sur Benetton. Il était avec Damon Hill. Damon Hill, oui. Ah ben, j'ai dit une bêtise. Alors, Williams, qui au final a réussi à remonter la pente, mais Senna s'attendait à venir dans une voiture qui pouvait gagner un championnat, et il s'est retrouvé dans une voiture où il devait aider les ingénieurs. Ah non, ouais, il n'était pas Schumacher, mais... Oui, non, d'accord, mais Schumacher... Oui, ok, ça va. Schumacher était derrière lui au moment de son crash... à Imola. Oui, il mettait la pression. Ouais. Et donc, il s'est retrouvé dans une voiture pas du tout faite pour lui, où il devait se battre avec la voiture, où il devait aider les ingénieurs, même si il a toujours aidé les ingénieurs, mais c'est pas ce qu'il s'attendait de cette saison-là, quoi. C'est peut-être la première fois où il a fait une mauvaise décision en changeant d'équipe. Il aurait peut-être dû rester chez McLaren, parce que l'ambiance chez Williams ne lui plaisait pas, et l'ambiance d'une équipe à l'autre peut être fort différente. Il y a des Alonso, ça a été très clair que dans l'histoire récente, Alonso n'a pas du tout apprécié ça chez McLaren, parce qu'il n'était pas assez chouchouté par tout le monde. Il aimait beaucoup mieux être chez Renault. À mon avis, il est très bien chez Ferrari pour le moment, mais... Oui, je pensais. Chaque pilote a besoin d'un environnement un petit peu... Et chaque pilote a encore plus besoin de croire dans sa voiture et de pouvoir être confiant avec sa voiture pour faire le mieux qu'il peut, quoi. Et malgré tout, malgré cette voiture-là, il arrivait quand même à faire des courses. À Imola, il avait quand même réussi à faire la pole. Il essayait de retenir Schumacher derrière lui. Et, pour resituer déjà à ce Grand Prix-là, pendant les qualifications, il y a eu le premier mort depuis très longtemps. C'était pas un pilote très connu, c'était Roland Ratzenberger. Un Autrichien. Ça m'étonnait aussi qu'il sorte un nom comme celui-là, parce que. Et c'est, je saurais plus dire. C'était sur Wiki, peut-être qu'il a écrit, mais je sais plus depuis combien de temps il y avait pas de mort en F1, mais ça faisait longtemps. Pour cette génération-là de F1, c'était la première mort, et ça a enchaîné sur la mort de Senna le dimanche. Et il n'y a jamais eu vraiment d'explication de ce qui s'est passé. Quelques petits trucs bizarres avec comment la voiture a été gérée, les boîtes noires de la voiture. Les boîtes noires ont été données à Williams avant d'être données à la FIA, alors qu'en principe, elles doivent être données à la FIA. La voiture a été récupérée par Williams et a été détruite. Le moteur a été rendu à Renault. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi c'est arrivé. Ça peut être une erreur du pilote. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est la colonne de direction qui a cassé, parce que Senna avait demandé à le directeur, je crois que c'était Paul Head, mais je suis plus sûr, de lui rallonger sa colonne de direction, mais ils n'avaient pas eu le temps d'en... construire une nouvelle. Rallonge ma colonne de direction. Ils n'avaient pas eu le temps de construire une nouvelle, donc ils avaient coupé et rajouté un petit morceau et ressoudé. Et certains pensent que c'est pour ça. D'ailleurs, Paul Head a été accusé. Moi, je suis pour cette théorie-là, en tout cas. Il a été jugé coupable de... Je ne sais plus le terme juridique, mais bon, enfin, d'avoir aidé à tuer quelqu'un. D'avoir fait une faute, d'homicide involontaire. Ouais, ou quelque chose comme ça. Et, mais bon, il a été jugé 13 ans après. La loi italienne dit qu'il y a prescription après 7 ans dans ce cas-là. Donc, il n'a jamais été en prison pour ça. Mais de toute façon, une erreur comme ça, ça ne mérite pas d'aller en prison. Ils savent bien les risques qu'ils font. Oui, en même temps, les pilotes sont quand même conscients un minimum que c'est toujours voilà, donc, le fil du rasoir et que... Et puis, c'est Senna qui a demandé à faire ce changement-là, donc si, c'est ça. Même en F1, il suffit d'un mécanicien qui fasse... Ils ne doivent pas, mais qui fasse une toute petite erreur et ça... Tu peux pas... Enfin, je trouve pas que juger coupable quelqu'un pour une erreur comme ça soit... Enfin bon, dans tous les cas, il n'a rien eu pour ça. Et... Il y a plusieurs... Enfin... Sa mort est dans un tournant relativement facile. J'ai oublié le nom du tournant, c'est Tumberello ou quelque chose comme ça. Et sa mort ressemble... Tamburello. Ça ressemble un petit peu à l'accident de Massa, dans le sens où c'est parce que quelque chose lui a touché la tête. Trois morceaux lui ont touché la tête. Mais généralement, c'est ça. Je veux dire, les fins qui vont s'encastrer simplement dans les pneus, qui vont... C'est rare que ça fasse vraiment de gros dégâts. À l'époque, ça faisait quand même des dégâts. Mais maintenant, beaucoup moins. Quoi. Même, c'est quand même excessivement rare. Tu l'as dit toi-même, ça n'arrivait pas. Ouais, il y avait des crashs régulièrement, c'est pas pour autant qu'il y avait des morts. Non, les morts, par contre, même après, il y a quand même eu des crashs où. Maintenant, quand on voit le crash de Kubica il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quelques années à Montréal, qui était énorme, il n'a même pas eu un os cassé. Quoi. Schumacher avait eu la jambe cassée. Mais donc. Il a pris quelque chose dans la... Quelque chose est rentré dans la visière, quelque chose a cogné son casque. C'est souvent ça, c'est souvent les éléments extérieurs qui font que, par malchance... Bah voilà, c'était... Il est mort ce jour-là. Et... À ce moment-là, il avait plein de records qui ont été battus depuis par Schumacher. Mais bon, la plupart des pilotes, même de nos jours, continuent à penser que c'est le meilleur pilote. Même Schumacher, le seul moment... Schumacher a pleuré à un Grand Prix. Dans une conférence de presse. C'est le seul moment où il a été un petit peu émotionnel. Celui qui donnait l'interview. En même temps, il est allemand, faut pas lui demander trois niveaux là. Je sais, je vais dans le stéréotype aussi. Non, mais les Allemands, bah. Celui qui donnait l'interview lui a demandé ce que ça lui faisait d'égaler le record de Senna sur les victoires. C'était la 41e victoire de Schumacher. Et il s'est mis à pleurer. Il a jamais reparlé de ce qui s'était passé. Et Hakkinen, c'était Hakkinen et son frère sur le podium. Et le frère de Schumacher, Ralf. Il y a pas de... Enfin, peut-être que Hakkinen a un frère, mais pas en F1 en tout cas. Hakkinen aussi n'a pas voulu parler parce qu'il a jugé que c'était pas très professionnel comme attitude. Et Ralf savait pas trop quoi faire et puis il a parlé un petit peu, mais c'est une scène assez mémorable. Vous ne connaissez pas Ralf Hakkinen, c'est le frère. Excusez-moi, continue. Ouais, non, mais voilà, ça commence avec. Le documentaire couvre ça un petit peu comme trait de sa vie. Bête question, hein, mais est-ce que le documentaire se termine sur l'accident et sur la mort? Ou est-ce qu'il parle un petit peu non, de, il parle après, il parle de la après, fondation, de tous ces trucs-là Il parle de la fondation, mais dans les crédits, quoi. Il dit ce qui s'est passé. Il parle de ce qu'il a fait pour le Brésil hein, pendant sa carrière, toutes les donations, ce qu'il a créé, mais c'est plus centré sur sa carrière sportive, on va dire, même s'il parle un petit peu de ses relations avec sa famille et tout ça. Ça finit, ils expliquent un petit peu, il y a toute la fin est sur son enterrement, quoi. On voit les images de Sao Paulo, c'était là où il est né, hein, pas à Angers. Attends, j'ai... C'était une blague. Je sais qu'il est brésilien. Donc, les dernières images, c'est autour de... Wow. Oui, pardon. On est en plein de la stéréotype depuis tout à l'heure. Les dernières images sont sur à Sao Paulo, autour de son enterrement. Et voilà, c'était un très beau documentaire. J'imagine, rappelle peut-être... Enfin, ici, t'as fini le... Oui, bah je... Il y a eu d'autres parties dans le documentaire, mais bon, ça c'était... Oui, c'est pour penser à portrait, de toute façon, avec le temps qu'on a... Tout le monde connaît un petit peu Senna, hein, déjà. Mais juste pour nos auditeurs, rappelle peut-être le nom du documentaire, s'ils veulent le trouver. Senna. Tout simplement. Ouais. Ah, et le réalisateur, c'est Asif Kapadia. Wow. Il y a un doux nom là, oui. Encore. Anglais, indien anglais. Oh, quel beau mélange. Donc pour le moment, bon, c'est seulement disponible au Japon, Brésil. Mais normalement, ça devrait sortir chez nous. En tout cas, c'est chargé quelque part. Hein. Ouais, mais c'est illégal, on peut. Donc si vous avez un copain, si vous avez un copain au Brésil qui veut bien vous envoyer un Blu-ray ou un DVD, qui vous envoie une copie privée de Blu-ray. Copie privée. N'hésitez pas. En principe, il est censé sortir en France et en Angleterre fin juin, début juillet. Ça pourrait être intéressant à voir au cinéma. Moi, j'irai le revoir au cinéma, mais il y a des super. Enfin, les images, plus si on est fan de F1, parce que c'est des images de course. Alors que je trouve que le documentaire peut être vu par n'importe qui, parce que Senna, c'est quelqu'un. Parce que bon, HD, tu dis qu'il est disponible en Blu-ray, parce que tu l'as téléchargé en HD, c'est pas bien, mais voilà. Mais c'est vrai que bon, ça reste des images d'époque. Donc, ouais. Mais est-ce que il y a des interviews Il y a quand même des interviews actuelles de personnes qui l'ont connu. Il y a des interviews de trois commentateurs sportifs. Il y a des parties qui sont en brésilienne, des parties dans une langue que je n'ai même pas reconnue. On dit en portugais. En portugais. Sous-titré forcément. En brésilienne. C'est toi la brésilienne quand même. Et il y a des images d'archives sur Prost et sur d'autres pilotes. Ouais, franchement, c'est un documentaire qui me... Ouais, non, mais si autant le documentaire pour les images de course, je pense que c'est plus pour les fans de F1. Mais le documentaire en lui-même, pour Senna, n'importe qui peut le regarder. Si un jour tu me vas aller voir au cinéma, tu me fais signe. Je pense que je viendrai avec plaisir. Je chauffe peut-être un peu moins. C'est un peu moins à ton... Moi, j'adore le biopic et les documentaires. Ouais, j'adore les documentaires aussi. Alors, tu viendras bien avec nous. J'aimerais bien que... On va se faire. Je sais pas trop... J'ai oublié un peu comment marchent les règles pour les Oscars, mais il mériterait clairement d'être nominé l'année prochaine. Bah, il serait nominé en film étranger, alors je suppose. Documentaire, non. Hein, s'il y a des... Oui, catégorie 2. Parce que le documentaire de Banksy, je pense qu'il est jugé comme britannique. Une autre question pour différents auditeurs, ça peut peut-être au sein des chauves aussi. Même si entre guillemets on n'est pas fan de F1, est-ce qu'on peut quand même apprécier le documentaire sur une vie relatée de quelqu'un qui a marqué entre guillemets son je trouve que oui, mais faut quand même être un petit peu attiré par Senna. Faut savoir qui est Senna, hein. Même si je doute que peu de personnes ne savent pas qui est Senna. Parfois, dans des documentaires ou des biopics, tu connais pas du tout l'histoire de la personne, mais tu vas te prendre de passion. J'ai pas d'exemple en tête, mais tu vas aimer ça parce que c'est bien réalisé, bien fait, et ça va te permettre de t'intéresser à un domaine. Il est excessivement bien fait, il est très très bien réalisé. C'est difficile à dire si tu n'aimes pas du tout le sport auto, peut-être que ça va vraiment énerver d'avoir des images de F1. Si tu es indifférent et que... Oui, t'as quand même beaucoup d'images et d'explications sur la F1. Mais il y a des images d'archives où il... Non, pas tant que ça, mais il y a des images de course, quoi. Donc... si on est anti-sport auto, c'est peut-être pas le meilleur film. Si on est indifférent et que ça ne gêne pas, bah alors oui, je pense que oui. On peut essayer pour découvrir un petit peu le personnage et l'époque. Il y a quand même plein de gens qui ont apprécié Senna et qui ont arrêté de regarder. Faut pas juger la F1 à ce qu'elle est maintenant, quoi. La F1 d'avant était vraiment différente. Donc, ça s'éclaire. C'est plus ça. C'était vraiment pas du tout comme maintenant, quoi. C'était beaucoup moins politique déjà. Même si ça l'était déjà trop pour... trop à l'époque, c'est encore pire maintenant. Voilà. Eh ben, c'était parfait tout ça. Chauve, une question. Quelque chose à dire ? Non. Non, c'est le genre de truc qui me plaisait encore bien. Voilà, un avis de quelqu'un qui, je vais pas dire, n'est pas. Tu as quand même regardé de la F1, t'es quand même. Mais de quelqu'un qui est un peu indifférent maintenant à ce sport, ça t'intéresserait quand même. Tu pourrais découvrir. Pas pour l'aspect cinématographique, oui. Et puis même, je regardais la Formule 1 à cette époque-là. Ouais, voilà, je me rappelle. T'es peut-être pas le meilleur exemple. Je me rappelle quand il s'est crashé. Moi aussi. Je regardais le Grand Prix quand il s'est crashé. Après, c'est passé dans tous les journaux. Dans tous les... Ouais, par contre, on peut dire qu'il n'y a plus de morts en F1 depuis. Il y a eu des gros blessés, mais. Massa est le plus gros blessé dernièrement. À l'époque, le médecin qui était dans la safety car, Sid Watkins, était fort ami avec Senna, et quand il est mort, la FIA l'a appointé comme un genre de directeur de sécurité, quoi. Et énormément de changements sécuritaires en F1 viennent de lui. Bah on peut voir que maintenant, le crash comme Kubi, personne n'aurait survécu à l'époque et il a rien eu, quoi. Le crash de Massa, c'est plus le vraiment pas de chance. Quoi. Le crash de Massa, tu peux pas le prévoir, il y aura jamais un système de sécurité qui est élevé à l'alcool de pomme de terre. C'est parce qu'il travaille dans le bâtiment. Et ouais, attention, élevé à l'alcool de pomme de terre. En plein dans les stéréotypes. Hein. À peine. Le crash de Massa, il n'y a aucun système de sécurité qui pourra l'empêcher, c'est pas de chance. Et... Oui, ça, malheureusement, ça arrivera toujours. Il y aura toujours des pas de chance, et ça, tu ne peux pas l'empêcher en F1. Les deux seules morts en F1. C'est quand même c'est le sport automobile déjà le plus rapide, il faut être le plus précis, donc la moindre petite erreur, le moindre petit écart peut faire que... Il y a eu des morts en GP2, il me semble que c'est en GP2, il n'y a pas longtemps, mais c'est un petit peu dans... Voilà. Le pilote s'est pris un pneu dans la tête en fait. Donc, GP2, j'avoue que c'est un truc que je. Un pneu Un pneu d'une autre voiture. Un peu dans le même style que le crash de Massa, c'était un peu avant le crash. Je me demande si c'est pas le même week-end que le crash de Massa en fait. Donc, Week-end maudit. Parfait. Voilà, bah donc. Un petit mot pour conclure peut-être, Stetson, pour conclure. Je le conseille à presque tout le monde, on va dire. Presque. Voilà, donc si vous êtes vraiment indifférent et vraiment opposé à... Opposé, si on est vraiment opposé à la F1. Si vous détestez ça, ne regardez pas. Sinon, indifférent, passionné, peu importe, foncez, allez voir ce document. Superbe. Parfait, merci pour la conclusion. Ben voilà, maintenant on va passer une petite info à la con pour détendre un petit peu l'atmosphère. Mm-hmm. Je pense qu'elle va plaire à Monsieur Chauve. Oui. Et puis après, on envoyera sur le gros débat. C'est parti. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Oups, voilà, donc décidément, je n'arrive pas à arrêter les jingles aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, on va envoyer une petite info à la con pour détendre un petit peu l'atmosphère, hein, parce que ça fait du bien de temps en temps de détendre un petit peu l'atmosphère. Alors, je vais vous parler très rapidement d'un artiste qui va plaire à Chauve parce qu'il est canadien. Oh! Ouais, n'est-ce pas? Non! Si, il est canadien. Il s'appelle Normand Lamour. Oh. Alors, ça va, on sait que t'es fan de Justin Bieber. Ta gueule, toi. Avant de lancer, il faut quand même savoir que c'est une personne qui, au Canada, a été récompensée après un moment parce qu'il est passé dans des émissions humoristiques à force de faire des titres. Ah, pas forcément, comme vous allez il est canadien. Attends, écoute. Comme, il a fait beaucoup de titres, comme vous allez entendre, donc à force, il a été recruté par une émission humoristique et a même reçu une récompense pour la meilleure chanson humoristique. Wow. Mais il faut savoir qu'en réalité, cet homme, et la personne qui a reçu la récompense à sa place ce jour-là, a dit, il ne fait pas ça pour l'humour. C'est sérieux, c'est un chanteur sérieux. Il a quand même 2000 titres à son actif, selon ses dires. Comment il s'appelle ? Et sorti 12 albums. Il s'appelle Normand Lamour. Mm-hmm. Et alors, je vais vous faire... Ne tape pas dans... Laisse-moi faire. Ah, je vais te faire écouter tout de suite la chanson que je préfère de lui, qui s'appelle Le Petit Pinson. Dans le buisson. Le petit pinson dans le buisson. Le petit pinson dans le buisson. Écoutez. Chantez ma chanson. La porte était ouverte. Il m'écoutait chanter dans le buisson. Le petit pinson, le petit pinson, il m'écoutait chanter, chanter. Et en plus, le pire, c'est qu'il a 80. Alors, je vais vous mettre une autre chanson. 80 ans. Attends, justement, je vais vous mettre une autre chanson en fond, le temps de vous expliquer un petit peu le personnage. Je vous mets la poignée de porte en fond. J'ai vu qu'il avait fait une reprise de Poker Face. La poignée, puis la poignée. Alors, trouver. Il s'est fait connaître beaucoup sur internet par les reprises de Poker Face de Lady Gaga. Tu vas nous passer ça? Y avait... Écoutez. Voilà, on va s'arrêter là. Parce qu'en plus, il y a la chorégraphie et le clip et tout avec. Oh, ça doit être sublime. Ah oui, non, c'est magnifique. Et donc, il s'est fait connaître sur internet suite à ça, fait un petit peu le buzz. Et alors, vous pouvez le retrouver sur son site officiel normandlamour.com. Mais je crois que personne n'ira. Bah, si, moi, je veux. Alors, sur son site, pour le moment, il n'y a rien. Il annonce que le site va arriver. Il y a juste deux petites, je ne vais pas dire des interviews, mais deux petites vidéos, en fait, où il parle un peu de ce qu'il fait, de ce qu'il a déjà fait. Irame. Je vous conseille vraiment de faire des petites recherches sur Normand Lamour. Ça vaut vraiment le coup d'oreille. Ne fût-ce que pour entendre un petit peu ce qu'il a fait. Vous invite à suivre également, hein, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont sorti. Il a 2000 chansons dans les cartons. Je vous laisse avec. Il est même sur Twitter, hein, attention. Ah oui, non, il est in, hein, il est à la mode. Reconstruisez au suite. Voilà, ben donc je vais vous laisser. Dedans avec tous les Canadiens. Je vais vous laisser avec la meilleure. Ah, tu vas nous laisser que dalle. Le petit pinceau dans le buisson. Ah, ouais, c'est quand même la meilleure pour terminer cette rubrique. Le petit pinceau dans le buisson. Le petit pinceau dans le buisson. Écoutez. Chanter ma chanson. La porte était ouverte. Il m'écoutait chanter dans le buisson. Le petit pinceau. Le petit pinceau. Il m'écoutait chanter ma chanson. Le petit pinceau. Il se demandait où est-ce que j'avais appris ça, chanter comme ça. Le petit pinceau, il tendait l'oreille. Le petit pinceau dans le buisson, il se demandait bien comment est-ce que je faisais pour chanter comme ça. Normand Lamour, comment est-ce qu'il fait pour chanter avec amour? Le petit pinceau dans le buisson. Voilà, ben donc maintenant, c'est au tour du débat, du magnifique, du grand débat. Vous êtes chaud, vous êtes prêts à débattre, vous êtes prêts à affûter les arguments, prêts à contre-attaquer, à répliquer, à objection, votre honneur? Moi, oui, mais vu que je vais débattre avec un taliban, je m'attends pas à grand-chose. Avec Stetson, ça va être dur de lui faire admettre qu'il peut avoir tort. Ça, c'est vrai. Bah, j'ai jamais tort. Ah, voilà. Non, en plus, vous avez dit vous-même que... Un débat, pas le premier débat sur la VO, mais on a eu un débat après où ça... Ouais, t'avais été mesuré. Tu vois, c'est vrai, faire des efforts dans la vie. Il faut reconnaître que ça t'arrive de temps en temps. Alors, le thème de ce débat... Votre mauvaise foi. Non mais... Je vais vous donner l'intitulé, parce que non, c'est qu'un intitulé, hein, ça va être très vaste après. Pas mère. Les adaptations au cinéma... On relève même plus, quoi. Hollywood non. En panne d'idées. Point d'interrogation. Magnifique, n'est-ce Kitch. Pas Kitsch. Moi, je le trouve sexy, moi, ce petit... Ce qui n'est peut-être pas le bon, mais bref. Donc bon, ben, je vais vous parler simplement, essayer d'aborder un peu tout ce qui est reboot, remake, adaptation, suite, c'est-à-dire des années après, au cinéma, pour essayer de voir un petit peu si Hollywood ne serait pas parfois, enfin surtout les grands studios, un petit peu parfois en panne d'idées et obligé d'aller vraiment jamais un petit peu ailleurs pour trouver des concepts. Jamais. Enfin déjà que on est tous plus ou moins d'accord, ça promet. Pas que ce soit mauvais, hein, mais bon, on en discutera alors, dans le débat. Voilà, ben, on va commencer par une première chose. Selon vous, c'est une question très vaste que je vais poser là, les adaptations à répétition au cinéma deviennent-elles lassantes? Est-ce que vous en avez marre? Est-ce que vous trouvez que ça fait un petit peu trop? Mais qu'est-ce que tu appelles une adaptation? Alors, je vais citer, justement, je vais prendre par thème, ce que j'ai réparti ici, en citant quelques exemples. Donc le premier thème, ce sont les comics au cinéma. Parce que ça, c'est la grosse déferlante depuis quelques années, et ça continue, ça n'est pas prêt de s'arrêter. Je vais juste vous citer quelques films à sortir, pour vous montrer un peu l'étendue de la chose. Donc on va avoir ici pour les comics DC, Green Lantern qui va sortir très bientôt. Ouais. Il va y avoir un nouveau Green Lantern. Bah, je ne connais rien, donc continue. Il va y avoir, avoir un nouveau Batman. Ça tu connais. Dark Knight, oui, ça tu connais. Alors nous allons voir chez Marvel, alors là c'est pour moi le pire exemple on va dire, mais non, ça devient le pire exemple. J'ai vu, je peux me permettre, vas-y. Wonder Woman qui ils vont en série, sortir. Oui. C'est en série, pas en film. Mais ouais, c'est ça a l'air bien qu'il aussi. Bah, Wonder Woman en même temps. Ça a failli être annulé, puis c'est revenu. Ouais. Alors, donc, je disais, les films Marvel, ils vont sortir ici, il va y avoir Thor et Captain America. Et surtout, c'est les prémices du projet Vengeur. Donc, pour te situer, Chauve, les Vengeurs dans l'univers Marvel, c'est simplement plusieurs super-héros, qui, un peu comme la Justice League chez DC, je sais pas si tu connais. Bah, super-héros. T'as vu Iron Man? Non. Et alors, le principe, c'est qu'il y a dedans, il y a Iron Man, Hulk, Captain America, Thor, Ant-Man, dont le film a été apparemment annulé d'ailleurs, parce qu'il va y avoir un film Ant-Man, l'homme fourmi, hein, tout à fait, Ant-Man. Oui, c'est bon. Parfait. Et donc, le but de Marvel, puisque dans les comics, tous ces super-héros-là qui avaient leurs comics à part entière, se sont regroupés en une espèce de ligue pour combattre les méchants. Et le but de Marvel, c'est, à travers les différents films, d'arriver à faire coordonner tous les univers et à réunir à la fin tous ces super-héros-là dans un seul et même film sur les Vengeurs. Mm-hmm. Donc vraiment, comment pousser le vice commercial à fond pour faire du fric et pour faire plein de... En même temps, dans Iron Man 2, c'était bien géré. Mais justement, j'allais dire, ça on verra dans le débat, Iron Man 2, c'était pas mal géré, parce qu'à la fin, après le générique, effectivement, il y avait une... On découvrait des agents du SHIELD qui allaient sur les lieux d'un soi-disant crash et qui trouvaient... C'était tard, non? Ouais, c'est ça. Donc ça a introduit... Vraiment, en plus, après tout le générique, non, il me semble. Ah oui, c'était bien après. J'étais tout seul dans le ciné. Ma femme a râlé parce qu'elle me dit « Mais non, il n'y a rien après le générique. » Je dis « Si, moi, je vais sortir. » Et le garde est venu, il se demandait pourquoi j'étais toujours là, tu vois. Moi aussi, les gens sont venus nettoyer, ils me regardaient avec un air, ils passaient l'aspirateur. Et en fait, après 10 minutes de générique, tu as cette petite scène, effectivement. Mais c'est vraiment long, hein, t'as vraiment... Il faut le savoir. Ouais, il faut le savoir. Et alors, bon... Toujours dans les comics, mais un petit peu en dehors de ces univers-là, il va également avoir, à mon avis, ça va être une belle bouse, Conan le Barbare, avec Jason Momoa qui jouait dans Stargate Atlantis. On en a discuté juste avant avec Stetson de Stargate, qui, je ne sais pas si tu as vu la bande-annonce. Non. C'est une bande-annonce où en gros tu ne vois rien, tu as de la fumée, et tu vois Jason Momoa et d'autres personnages faire des mouvements avec des épées, des armes. Mais ça, de toute façon, c'est pas tellement mon délire, Conan, non, personne. Ah, je ne dis pas que c'est un délire, mais voilà. Non, non, mais c'est pas ce que j'apprécie, donc même si c'était bien... C'est l'aspect comics, et il y a également, ça c'est les aspects adaptations qui sont à venir, mais il y a également le fait que Marvel, enfin c'est pas Marvel qui l'a décidé, mais il y a le reboot de X-Men et de Spider-Man. Donc après tous les films qu'on a eu, oui, on a eu trois films Spider-Man, trois films X-Men. Recommencer la série. Quatre films Spider-Man. Et ils ont décidé de recommencer la série à zéro avec totalement un nouveau réalisateur, des nouveaux comédiens, un nouvel univers. À un moment, t'es un petit peu obligé de faire un reboot parce que les acteurs veulent plus venir. X-Men, ça va être X-Men First Class, donc ça va être vraiment la jeunesse des X-Men en fait. La jeunesse, Charles Xavier est jeune, t'épargne tous les détails, mais c'est vraiment revenir à l'origine et à quelque chose d'autre avec totalement un autre univers, d'autres acteurs et une autre histoire. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect comics, donc déjà une première chose, l'aspect comics. Oui, ça fait un peu trop déjà. Ça fait un peu trop, c'est un bon résumé. Un avis peut-être, Stetson? Il y en a des très bons. Hein. C'est comme tout, il y en a des très bons, il y en a des très mauvais. Quoi. Ils vont aussi refaire Daredevil, qui était affreux le premier. Je suis une des rares personnes qui a aimé le premier Daredevil. Je pense que tu viens de faire peur à tous les auditeurs. Est-ce que le justicier de Seattle, vendeur de comics le jour et super-héros la nuit, on va en faire un film? C'est lui dont on a parlé. Ou est-ce qu'il va en apparaître dans un... Non, je ne pense pas. Bah, qui sait, hein, comme ils sont lancés là, peut-être. Non, il y en a des très bons. Hein. The Dark Knight. Justement. Iron Man était excellent aussi. Plus simple, mais... À mon avis, il y a deux choses dans les adaptations comme ça. Il y a, pour moi, les réalisateurs qui s'intéressent vraiment à un projet, une histoire qu'ils aiment, un comics par exemple. Les premiers Spider-Man. Voilà, Sam Raimi adorait Spider-Man et s'est investi dans le projet. Et ils aiment cet univers, donc ils s'y investissent et ils mettent leur touche. Et il y a d'un autre côté les commandes de studio qui voient que ça marche et décident de produire en masse différents films. Et ça nous donne des choses. Ouais, Spider-Man, t'as sûrement une commande de studio quand même. Oui, mais Sam Raimi voulait le faire. Voilà, il voulait... Ils n'ont pas engagé un réalisateur. Parce que ici, je crois que c'est pour les reboots de X-Men et Spider-Man, les nouveaux qui vont arriver, c'est le studio qui a décidé de faire ça. Et pour faire vite, parce que pour situer un peu l'histoire, hein, s'il n'est pas de bêtises, c'est Sony qui a les droits pour le moment. Je crois. Et comme Marvel était racheté par Disney, ils ont peur que Disney, via sa filiale Columbia, décide de produire les films. Mm-hmm. Donc, vu qu'ils doivent faire ça très vite, ben, ils ont décidé, voilà, on reboot tout, on recommence à zéro, on prend quelqu'un de nouveau. Et parce que Sam Raimi ne voulait plus, ne voulait pas le refaire. Et on prend quelqu'un de nouveau, et ils ont vraiment, c'est le studio qui a décidé, et ils ont débauché n'importe quel réalisateur, et le premier qui accepte, ben, on peut y prendre. Je schématise. En simplifiant voilà. Très largement. Mais en gros, c'est ça, pour arriver à être les premiers dessus, ne pas que Disney ne prenne pas le pas. Ben, donc, mm-hmm. À mon avis, premières images qu'on a vues de X-Men First Class, honnêtement, ça risque de ne pas être fameux. Enfin, je ne sais pas si c'est donc tu les as vus, mais. Non. Mais il y en a certains que j'aime bien, mais déjà quand c'est trop flashy, j'aime bien le style de The Dark Knight. Iron Man, c'est parce que Robert Downey Jr. est tellement bon que. Ah, moi j'aime bien, Iron Man c'était vraiment très bon, mais tu prends Dark Knight et Iron Man, mais il y a aussi, moi, pour moi, c'est les deux cas où c'est vraiment. Ça peut être ancré dans la réalité, ça peut être quelque chose de réel qui se produit. Ouais. Thor, par exemple, j'ai plus de mal à voir comment ils vont réussir à faire de cet univers kitsch quelque chose de. C'est ça le problème, il y a plein de super-héros qui sont vraiment très kitsch. Hein. Daredevil aurait. Enfin, moi je maintiens que c'est très mauvais, le premier Daredevil. J'ai bien aimé, je dis pas que c'est un bon film. Mais ça a un potentiel d'être sympa, hein, pourtant. L'idée est pas mauvaise, quoi. Moins kitsch, il a pas de super-pouvoir. Oui, non, il y a des. Voilà, les super-héros. Les X-Men, ça peut être une évolution logique. Mais il y a. Voilà, Thor, c'est un dieu, quoi. Donc, il y a un moment. Comment arriver à faire. Hulk aussi, j'ai du mal, c'est beaucoup trop kitsch, quoi. Oui, ça aussi, il prévoit un reboot. Et il prévoit pas une série aussi Je ne sais pas. Par contre, un film, ils en prévoient un pour. Justement, pour les Vengeurs, pour pouvoir l'intégrer dans les. Dans mm-hmm. les futurs Vengeurs. Donc là, c'est vraiment. Pour moi, les Vengeurs, c'est le cas qui me déçoit un petit peu parce que les films Marvel, jusqu'à présent, honnêtement, Iron Man, je sais pas si vous avez vu Iron Man. Non. Tu n'as pas vu Iron Man? Non. Non, c'est bien pourtant. Mais franchement, tu devrais. Les deux sont bons. Mm-hmm. Honnêtement. Donc voilà, les films Marvel pour moi étaient bons jusqu'à présent. Le 1 est mieux. Là, mais le bon. Fait de pousser vraiment dans l'exploitation de licence et aller jusqu'aux Vengeurs, entre guillemets, ils se mettent une contrainte, ils s'obligent à aller jusqu'aux Vengeurs et c'est dommage. Parce que ça gâche un petit peu certains univers qui pourraient être intéressants et ils en imposent d'autres qui pour moi ne devraient pas ouais. être adaptés. Sinon, il y a eu des trucs comme, on peut dire, Sin City aussi, hein, c'est une adaptation de comics. Oui, ça fait très cité, bon. Sin City, oui, qui était très bon, effectivement. Par contre, est-ce que Sucker Punch, c'est une adaptation de comics? Sucker Punch n'est pas une adaptation. Pourtant, moi, j'ai voulu aller le voir et j'ai vu les critiques et ça m'a. Il y a beaucoup de mauvaises critiques. Hein. Oh, ça m'a démotivé d'aller le voir. Je me suis dit, ça va pas être un bon film, tu vois, ça va être un truc brainless, quoi. Mais il se prend genre 20% sur Rotten Tomatoes. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non, ça fait mal, quoi. Et alors, j'ai oublié de citer aussi, dans les... un peu en dehors des grandes maisons, il y a Kick-Ass, qui est sorti il y a longtemps, qui était sympathique. Ouais, qu'on a envie d'aimer plus que ce qu'on on l'aime. Alors, je l'aime bien en comics, mais c'est vrai que le film est un peu plus... Et il y a le 2 qui devrait débouler. Et j'ai un trou, aide-moi. Un film qu'on n'a pas aimé du tout, avec une façon de filmer très spéciale, qu'on avait discuté dans le podcast. The Green Hornet. Non, c'est adapté d'une série, ça. Mais quelque chose contre le monde, j'ai oublié. Scott Pilgrim, merci, chouette. C'est ça que je pensais, en fait. Kick-Ass, j'ai beaucoup aimé, c'est Scott Pilgrim, j'ai mélangé les deux dans la tête. Ouais, Scott Pilgrim, c'est celui-là qu'on avait envie d'aimer, mais que, oui, effectivement. Mais non, Kick-Ass, c'était super fun, en fait. Oh non, il était fun, oui, mais j'ai préféré encore une fois le comics, quoi. Ouais, mais bon, alors, c'était marrant. Bon, pour continuer, parce que le débat est un peu long, je vais continuer dans les différents thèmes qui peuvent être abordés. Après, on a la... Il n'y a pas seulement que le comics qui est adapté au cinéma. Maintenant, les producteurs américains se lancent dans la bande dessinée franco-belge. Ah, mais Tintin, oui. Alors, il y a le Tintin de Spielberg, tout à fait. Ah, ça, c'est le plus gros... Ouais, il y en a d'autres. Qui va arriver. Il y a l'Argo. Il y a l'Argo Winch, il y a Astérix qui va revenir, sous deux formes différentes d'ailleurs, il y aura deux films Astérix. J'ai vu God Save Britannia. Voilà, il y a celui-là qui va bientôt arriver, ça me fait un petit peu peur, ça va être dans la veine des Jeux Olympiques et autres. Et il y a aussi une version Astérix version 3D qui va être faite par Alexandre Astier, le domaine des dieux, qui lui sera peut-être un peu plus sympathique à mon avis à voir. C'est fait par Astier. C'est fait par Astier, logiquement, ça doit être bon. Et alors, bon, là, les BD, ma foi, ça passe encore bien que le Tintin de Spielberg. J'ai pas vu, mais moi j'ai un doute. Il fait Le Secret de la Licorne et Le Trésor de Racamon Rouge. C'est les deux meilleurs. C'est les deux meilleurs, oui, je suis bien d'accord. Mais l'adaptation spielbergienne me fait un petit peu peur. Et alors, on a eu le très mauvais Adèle Blanc-Sec aussi. Oui, j'ai pas vu. Avec Miss Météode du Grand Journal. Miss Bourgoin, qui n'est plus Miss Météode. Non, mais bon, elle était à l'époque. Ben, si vous voulez voir, si vous voulez voir une paire de nichons, vous regardez, parce qu'il y a un beau plan nichon au moment. Sur Louise. À part ça, il n'y a rien dans ce film. Non, mais de toute façon, c'est le seul intérêt du film, Louise Bourgoin. Oui, exactement. Ben, en même temps, c'est du Luc Besson. Voilà. On sait ce que Luc Besson est capable de faire. Rien. Et alors, il y a Chauve, tu connais très certainement. Enfin, rien depuis longtemps, on va dire. Il y a apparemment Yoko Tsuno qui est dans les cartons. Oui. Alors, je ne sais pas si l'univers de Yoko Tsuno se prête spécialement. Sinon, il y a aussi eu science-fiction, quoi. Enfin, pas mal. L'adaptation d'un manga il n'y a pas longtemps qui était fort sympa. Manga juste après, justement. Okay. Je finissais avec les BD, là, et Stetson va trop vite. Bah, parce que c'est un film français que j'ai mélangé. On va se calmer aussi, les BD. Ça n'aura pas encore été trop loin, mais ça, on y sera vite. L'Argo est étonnamment sympa. Hein. Le 2 m'a bien plu. Le 1 était pas mal aussi. L'Argo, franchement, c'est... Non, je ne me rappelle plus, mais le 2 était sympa. Et à 13 qui arrive en série aussi, je ne l'ai pas cité parce que ça c'est pas du cinéma, c'est une série, Canal Plus qui fait ça. J'ai pas vu. En série, et alors il y a... Qui peuvent être sympas, mais... En série, en comic, on n'en a pas cité non plus, mais bon, il y en a. Quoi. Voilà, mais je m'axe vraiment sur le cinéma parce que si je dois commencer par les séries, on n'est pas sorti. Alors en manga, justement, parce que c'est ça d'en parler, c'est là que ça fait mal, parce qu'il y a de rares bonnes adaptations. Tu as sûrement parlé de Quartier Lointain, ce genre de choses qui sont excellentes. Mais qui n'ont... Si tu sais pas que c'est un manga, tu auras aucune idée Mais il y a 20th Century Boy, je trouve que tu connais peut-être, par l'auteur de Monster. Tous les trucs qui ont l'air japonais, c'est en général. Et le film est excellent, d'ailleurs. Mais tout ce qui est Taniguchi, adapté en film, mais il n'y a pas eu beaucoup. Tanaguchi Taniguchi. Bah. Quartier Lointain, par exemple, est excellent. Enfin, mais moi, je vais plutôt concentrer sur ce qu'on appelle un peu les grosses licences catastrophiques. On a eu Dragon Ball Evolution. Jamais vu non plus. Je suis forcé à le voir. J'ai eu du mal à me convaincre à le voir. Je l'ai vu, c'est une bouse. Catastrophique, c'est une horreur. Je ne sais plus lequel on avait vu. La version thaïlandaise ou coréenne. Un truc comme ça, oui. C'est bien kitsch dans un genre. Il y a eu un 2 d'ailleurs. Putain. Ils ont fait un 2, ils ont osé. Alors sinon, dans les à sortir, attention, accrochez-vous bien. Aïe. Alors, nous avons tout d'abord... Gun, je ne sais pas si vous connaissez celui-là. Le nom aussi. Avec le cyborg Ali, que James Cameron va adapter au cinéma. En 3D. Le faiseur de catastrophes. Cameron, quoi. Le faiseur de grands purement niveau technique, il n'est pas mauvais. Voilà, de grands spectacles, mais au niveau scénario et... À l'époque, sans parler de l'histoire, juste d'un niveau technique, Titanic était impressionnant. Ouais. Avatar, niveau technique, il est impressionnant. Ah oui, non. C'est pas lui qui... Qui quoi ? Des effets spéciaux non plus, hein. Non, mais c'est quand même lui qui a inventé pas mal de technologies 3D. Il est quand même fort intelligent. C'est lui qui faisait la caméra que la NASA voulait mettre sur leur Jeep pour aller sur Mars en 3D qu'ils ont annulé. Mais ça montre quand même qu'il sait de quoi il parle là-dedans. Ah oui, je dis pas le contraire. Je dis que ce film, c'est de la merde. Voilà, oui, niveau histoire, je suis complètement d'accord. Vu l'univers de Gun, mais l'histoire qui est développée là-dedans, la profondeur de cette histoire, ça me fait très peur. Ça va être un grand spectacle, mais j'ai un peu peur du résultat. Alors, il y a des trucs affreux comme l'autre Avatar, pas Avatar de Cameron. Avatar, c'était pas Avatar de... Ah, le maître de l'air. De Shyamalan, non, c'était de l'air. Ça, on n'en parle même pas. Voilà. C'est adapté d'un dessin animé, il allait venir après. Ah, ok, je croyais que c'était dans le manga aussi. Non, c'est un dessin animé, c'est américain d'ailleurs, Avatar. Ah bon. C'est en collaboration, en fait. Ok. Bon, dans les mangas, pour continuer, il y a Cobra. Vous connaissez sûrement Cobra, quand même. Vous l'avez aucune idée. Cobra. Qui va être fait par... Bah celui avec son bras, aussi que Gun, t'as jamais vu ça. Avec un bras, je suis pas du tout manga. Qui va être fait par Alexandre Aja. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce réalisateur qui est des pires réalisateurs de notre époque. Alexandre Aja. Il a fait La Colina des Yeux, Mirror et Piranha 3D. que des bons films. C'est tout de sur Wikipédia. Non, mais je connaissais de nom, mais j'aurais pu suggérer ces films. Ben, voilà. Ben, va voir, mais il me semble que c'est un réalisateur français. Ouais, c'est un français. Et il a fait Haute Tension, qui était assez bien. Après ça, il a enchaîné les films soi-disant d'horreur, mais qui sont des. Mais le problème, c'est qu'il est allé aux US, et à mon avis, ça lui a pas. J'ai vu La Colline à des yeux et Piranha 3D. Franchement, non, quoi. Ne regardez pas ça. Chers auditeurs, ne regardez pas. Moi, c'est pas mon délire, Haute Tension, mais bon, il paraît que c'était bien. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais après, non, pas vu. Mais c'est, ça doit être le problème d'aller aux US. Hein, mais justement, mais alors il va le faire aux US. Et alors, pour terminer, bon, un monument de la japanimation et du manga, vous devez connaître, sinon je ne vous parle plus. Au moins de nom, c'est Akira. Ouais, je connais. Stetson. Bah, je connais de nom, quoi. C'est une rassure. Et ben, la Warner, ils n'ont pas encore de réalisateur, donc c'est pour dire que c'est encore une commande de studio, a prévu d'adapter Akira et cherche actuellement un réalisateur pour s'en occuper. Ça va être bien, en plusieurs films, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une histoire. Il y a longtemps, Enfin, il y a peut-être une dizaine d'années, il y avait Ghost in the Shell qui avait été. C'est adapté d'un manga, ça, je suppose. Ghost in the Shell, oui, c'est. Bah, d'un animé. À l'époque, le 2. Le 1, ça va, j'avais bien aimé, mais le 2, c'est le premier film où je me suis endormi au cinéma. C'est en animation, tu parles, là, toi. Ouais. Oui, voilà, moi je parle des adaptations cinéma, vraiment. Là, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a beaucoup d'animes. C'était pas un manga Ghost in the Shell avant ? Non, c'était. Ah, okay. Non. Il y a beaucoup d'animations japonaises qui prolongent en film. Il y en a énormément, c'est parce qu'on les a pas chez nous. Moi je parle ici vraiment d'adaptations avec des mais vrais acteurs. Mais je croyais que c'était. En fait. Ah, ok. C'est vraiment des choses, oui, voilà, c'est avec des vrais acteurs. Et c'est là où ça fait encore plus peur. Alors, je vais essayer de vite finir cette liste quand même pour arriver vraiment au cœur du débat parce que j'en ai encore quelques-uns. C'est juste avoir rapidement votre avis. Si vous pensez que ça fait trop, ça fait peur, ça fait pas peur. Les jeux vidéo cinéma. Là aussi, on a eu quelques bonnes. Monopoly. Alors, effectivement, ça c'est pas un jeu vidéo. Mais c'est dans les. Mais c'est à venir. C'est une société, mais c'est. En... Alors. Bah, je serais curieux de le voir. Je vais d'abord citer des choses qui sont sorties. Il y a Prince of Persia, bien entendu. Moyen. Qui était. Très moyen, on va dire. Voilà. Un film d'action pour se vider la tête. Son actrice principale, il était sympa. Je me rappelle plus qui c'était. Il y a eu des Resident Evil, mais là, ça dépend lequel, mais il y en a qui sont catastrophiques. Mais j'aime bien les films de zombies, donc il y a le côté où je les laisse passer le un peu dernier, plus facilement. Le tout dernier, je ne sais plus son nom, Resident Evil. Apocalypse là, ou. Je ne sais plus, Afterlife. Ah, Afterlife, possible. Comme ça, c'est abominable. Je ne sais pas où ils ont été chercher ça. Où ils vont sur une île, là, ou quelque chose comme ça. Ouais. Sinon, il y a Silent Hill, je vais pas commencer à toutes les citer, parce que sinon, il y a eu Super Mario Bros. Aussi, si on veut vraiment approfondir, qui était une bouse monumentale. Mais alors, dans les films dont on parle à sortir, il y a eu. Tomb Raider, Street Fighter aussi. Il y a eu Tomb Raider et Hitman, j'ai oublié de les citer. La merde. Mais alors, dans les films dont on parle à sortir, je disais, il parle d'un film sur Crisis. Putain, t'es intelligent, toi. N'est-ce pas? Tu parles. Ah oui, il y a eu Doom, excusez-moi, j'avais oublié de. Il y a Gears of War, il y a pas un, ouais. Gears of War n'est pas. Oh, Gears of War serait plus. Il y a un petit peu plus de donc, scénario citer, que. Enfin, bon, jeux, scénario entre très gros guillemets. Je vais commencer à citer les jeux avec scénario, donc où il y a une potentialité de film quand même. Parce qu'après, vous verrez qu'ils veulent adapter des choses qui n'ont aucune potentialité de film. Monopoly, je suis curieux. Mais attends, il y a donc. Surtout que c'est Tony Scott ou il y a Crisis, donc je disais, ouais. Il y a Red Faction qui devrait être adapté au cinéma. Red Faction, il y a une histoire derrière quand même, mais bon. Il y a Castlevania. Castlevania, il y a une grosse histoire. Ça pourrait être sympa, mais ça va encore être une bouse. Mais voilà, c'est ça, tu te doutes bien que ça va être tout pourri. Mais avec une ambiance un peu genre Dracula de Coppola, ouais. Ça pourrait être génial, mais ce sera pas ça quoi. Il y a Infamous. Infamous, c'est sympa comme jeu, mais. Je cite des jeux. Infamous avec un bon réalisateur, il y a un énorme potentiel. Ouais, ce que je cite là, c'est vraiment ceux qui ont du potentiel. Bon, ouais, il y a quand même du potentiel sur celui-là. Duke Nukem, même si ça peut l'air lésion du jeu vidéo, il y a moyen de faire peut-être quelque chose d'un peu humoristique. Ça peut aussi partir très très mal. Hein. Ça peut partir très très très. Ouais. Ah oui, là, on est d'accord. Ouais. Metal Gear Solid. Ah, les jeux vidéo, ils sont à fond dedans. Hein. Ouais. De toute façon, c'est pas des films à la base. Hein. Ça va tourner à la Hitman, à la grosse bouse. Oui. Mass Effect. Excellent RPG, mais bon, trop vaste pour faire en film. Et quoi, tout ça va être adapté ? C'est des projets, oui. Oh putain. Splinter Cell. Warcraft. Warcraft, ça fait longtemps qu'ils en parlent. Ouais, ça fait très très longtemps. C'est, ouais, c'est si pas c'est sûr. Un genre de Seigneur des Anneaux, ça peut être sympa. Et alors là, si c'est genre Donjons et Dragons, le coup de cœur de Stetson, et que je pense que ça peut peut-être le faire, Heavy Rain. Heavy Rain, à la base, c'est censé être un film. Un scénario de mauvais film. Bah ouais. Donc ça fera un mauvais film. Bah ouais. Ah bah ouais. Ok, c'est juste pour savoir. C'est clair. Non, mais c'est pas un mauvais jeu. Hein. Je trouve qu'il a été tapé excessivement. Mais ça sera un mauvais film. Bah oui, parce que le scénario est potable en jeu. En fait, il n'y a pas de scénario de jeu qui sont... Il y a des ambiances de jeu comme Infamous qui se prêteraient super bien à un film. Parce que c'est un monde un petit peu ravagé. Et il a des pouvoirs liés à l'électricité. Pardon. Ouais. Mais Mass Effect, par exemple, je ne vois pas comment ils peuvent faire un film de Mass Effect. Quoi, c'est beaucoup trop vaste. Et Heavy Rain, c'est un bête film policier. Quoi. Mm-hmm. Donc le film policier que tu vois à la TV, tu vois, qui n'a jamais été sorti au ciné, bah, c'est la même chose que Heavy Rain. Et alors, je vais vous citer maintenant deux films, parce que je vais déjà citer un, même si c'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est un jeu de société. Deux films qui pour moi sont incompréhensibles. Trois films pour moi, c'est incompréhensible qu'on adapte des jeux vidéo, ces jeux vidéo-là en film. Il y a tout d'abord les Sims. Il y a les Sims, tout à fait. Oui. C'est un peu douteux, je vois pas exactement. Ouais, tu vois des gens qui tournent en rond et puis qui vont à la toilette. Et qui parlent en blanc. Mais c'est très amusant. Ça. Surtout que les Sims, ce que je comprends pas, c'est que c'est un univers que tu crées toi-même et c'est toi qui gères l'univers et qui. Donc comment est-ce que. Enfin, je sais pas. Comment est-ce qu'on peut adapter ça sur un scénario? Il y a Astéroïde, le vieux. Vous savez, le vieux jeu avec les petits vaisseaux où on bougeait, où on tirait vers le haut pour tuer les aliens. Et il y a, alors là, c'est moi, mon gros coup de cœur, ma plus grosse attente. Plaisante, bien entendu, Pac-Man. Ah oui, juste Pac-Man aussi. Bon. Alors, excusez-moi, je fais une petite. Monopoly. Un flashback. Un flashback, parce que j'ai oublié une chose dans les bandes dessinées et qui a sorti et dont on a déjà vu le trailer sur internet, c'est les Schtroumpfs quand même. J'ai complètement oublié de le citer celui-là. Vous n'avez pas vu le trailer? Non. Eh bien, vous le regarderez juste après le podcast, vous allez voir les Schtroumpfs, ils font peur. C'est horrible. Les Schtroumpfs sont effrayants. Franchement, tu vas halluciner. C'est d'un lait, mais je ne comprends pas. En fait, en plus, le pitch. Oh putain, les Schtroumpfs sont envoyés à New York par la poste de Belgique. Donc on envoie de Belgique un colis par la poste à New York, à une famille à New York, et dedans il y a les Schtroumpfs. Et donc ils se retrouvent dans notre monde réel, c'est l'histoire du film. Et ils veulent rentrer chez eux, mais il y a l'ignoble Gargamel qui est là à New York et qui essaye de les attraper. Un ignoble sorcier. Voilà, c'est le pitch du film. On va passer pour des cons. Et franchement, oh putain. Regarde les images, même Gargamel. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des Schtroumpfs, ça? Par contre, vu qu'on est sur les jeux vidéo, c'est pas une adaptation, mais il y a un excellent documentaire sur les jeux vidéo, c'est The King of Kong. C'est sur la rivalité de champions, entre guillemets, qui ont les ice cores de Donkey Kong et qui essayent de le garder. C'est vraiment très sympa. Si on aime le jeu vidéo. T'as beaucoup de documentaires conseillés. J'adore les documentaires. Fais-nous une liste sur le forum de documentaires. Sérieusement, fais-nous un topic avec des recommandations documentaires. Ça m'intéresse. C'est pas des Schtroumpfs, c'est des Toxico, ça. Ça fait peur. Je vous mettrai un lien sur le forum avec la vidéo. Alors, on continue très vite parce que sinon on n'aura pas beaucoup de temps. Comme c'est parti là. Enfin, c'est pas grave, on durera, mais bon. Après ça, je voulais parler aussi des séries TV adaptées en film. Là, on a eu énormément de grosses bouses. Hein. On parlera bien entendu de Starsky Hutch, Le Shérif Fais-moi Peur, de Drôle de Dame. Miami Vice. Voilà, il y en a énormément, je vais pas toutes les citer parce que. Bon, il y a eu des pas mal, Mission Impossible était sympa par exemple. Ouais, enfin. Le premier était sympathique, on va dire. Le premier. Ah oui, Mission Impossible. Oui, premier Mission Impossible. Je pensais à. The A-Team. Je sais pas pourquoi. Oh, du chien, oui, non, The A-Team, c'était pas. C'était pas top, c'était pas affreux non plus, hein, c'était acceptable. Voilà. Mais alors. Juste vous citer une adaptation de série TV qui m'a marqué énormément, qui s'apprête à arriver, qui m'a fait rire, c'est Dallas. Oui. Ils vont Dallas au ciné. C'est pour dire jusqu'où ils poussent quand même le vice et ils vont chercher des idées dans leurs derniers retranchements, dans les derniers. Alors ensuite, je vais très vite enchaîner. Les dessins animés. Donc là on a eu encore plus de bouse. Il y a eu Alvin et les Chipmunks. Il y a eu Yogi Bear. Vous connaissez Yogi Bear ou l'ours qui pique les pique-niques? C'était un dessin animé d'Anna Barbera. Il y a eu Scooby-Doo. Qui il y en a même deux d'ailleurs. Et alors il y a eu Vic le Viking, que peut-être pas grand monde connaît, mais. Oui, on connaît le nom. Petit dessin animé sympathique qui a été adapté. Donc voilà, pour ça on passe, c'est aussi une atrocité. Et on a encore à venir énormément. Et alors évidemment les romans, mais ça, la plupart, comme on discutait avec Stetson juste avant le sujet, la plupart des films sont. Adapté d'un roman, d'une nouvelle ou quelque chose comme ça. On va juste citer peut-être les grandes sagas, parce que bon, il y a les Harry Potter, les Chroniques de Narnia, ce genre de choses qui sont vraiment adaptées de romans à succès et à suite. Twilight. je ne voulais pas le citer, mais si c'était. C'est papier et cul, toi. J'avais pas envie de citer celui-là, mais je sais pas, j'ai pas eu le choix. Ah oui, t'as vu, parce que tu le connais, toi, Chauve, peut-être ouais. Aparté, qu'il voulait adapter Ravage au cinéma. Ah. Faut voir, ça peut peut-être. Faut voir. Qui ça, les Américains? C'est mon chien qui fait les siennes. Je vais donc lui ouvrir, donc meubler pendant ce temps-là, les enfants. Donc, Ravage, non, moi, je vois pas. Les Américains? Je suppose, il y a quelqu'un en dessous. Ah non, je ne savais pas. Mais c'est à l'état de projet, donc rien de confirmé. Exceptionnel comme c'est un bouquin, roman, je sais pas si tu connais Stetson. Non, c'est le René Barjavel. Il n'est pas de bêtises, hein, c'est René Barjavel. C'est ça, ouais. Et il prévoit aussi d'adapter Asimov, toutes les, ouais. Les sagas de la robotique. Dune qui devrait revenir aussi. Ouais. Mais bon. Ravage, c'est un futuriste, enfin, ça a été écrit dans les années 40, et il imaginait un monde. Où l'électricité est vraiment indispensable, mais plus que maintenant, même la bouffe, il n'y a plus de champs par exemple, même la bouffe est produite en usine, ils ont des petites machines volantes pour se déplacer, ils font des villes en hauteur, mais sur des kilomètres de hauteur. Et puis un jour, il y a l'électricité en tant que phénomène naturel disparaît d'un coup, et là c'est le foutoir pas possible, et okay. ça se développe là-dessus quoi. Mais ça décrit une société un petit peu totalitariste. Complètement. Enfin, c'était visionnaire, quoi, parce que c'était écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça fait réfléchir comme bouquin. Faire un très bon film comme ça peut faire un très mauvais. J'aime beaucoup, moi, l'anticipation. Mmh. C'est mon genre préféré. Alors, voilà, justement, la question à laquelle j'allais en venir est chaude, un petit peu débordé là-dessus. Pour vous, tout ce que je viens de citer, là, pour. Avoir d'abord, avant d'entamer vraiment le cœur du débat, un avis simple et rapide, ça vous fait peur ou pas forcément? Les adaptations de films, ça a toujours... Les adaptations d'un roman, ça a toujours existé, il y en a d'excellents. Je parle de tout ce que j'ai cité avant. De comics, ça peut être très bien aussi. De jeux vidéo, il n'y a jamais eu rien de bien, donc... tu vois un film qui est bon. Adapté de jeux vidéo Vraiment bon, quoi. Tu vois, pas juste acceptable. Que je sais. Donc toi, tu fais une différenciation entre... Enfin, tu fais pas une différenciation, mais c'est d'après l'expérience que tu en as. Mais c'est facile. Un roman, c'est déjà quelque chose de... C'est déjà une histoire. Il y a déjà une base très bonne, quoi, si c'est un bon roman, hein, bien sûr. Oui, tu vas pas faire de... Twilight ne saurait pas être un bon film en partant du roman. Il n'y a pas de miracle, quoi. A priori, non. Alors que les jeux vidéo, c'est... En général, des histoires assez basiques, quoi. Assez basiques parce que c'est le joueur qui les réalise et qui y participe, ouais. Donc le problème, voilà, c'est ça. Tu peux avoir un monde sympa du jeu vidéo, mais il faut créer une histoire autour. Alors, est-ce qu'il n'y a pas deux choses, deux réflexions qui me viennent dans ce que tu dis? Est-ce qu'il n'y a pas une part aussi que, de fait, le roman que tu lis, c'est quelque chose de déjà construit par l'auteur? Donc, quand on lit un roman, on est dans l'histoire de l'auteur. Tandis que dans un jeu vidéo, on développe sa propre histoire, parce qu'on est acteur de ça. Ça va dépendre du jeu vidéo, mais oui, un peu. Le problème du jeu vidéo, c'est que ce n'était pas justement ce fait-là. Que le réalisateur va avoir sa vision de l'histoire, la façon dont peut-être lui l'a joué, et donc va créer un film selon ses envies à lui, et que la personne qui aura joué au jeu vidéo n'aura peut-être pas la même idée. Je sais pas si c'est ça le problème des... Ça dépend si c'est un jeu avec plein de scripts, où tu fais... Où tu suis l'histoire, dans un jeu comme GTA. Ah oui, GTA, j'ai oublié de citer, qui parle d'un film, mais depuis très très longtemps. Et c'est, ouais. Par contre, il y a un film que quelqu'un a fait avec le moteur de GTA, donc en utilisant... Je l'ai, oui, j'ai vu ça. Je ne l'ai pas regardé en entier encore, parce que bon, faut être motivé quand même. Hein. C'est un vrai film, quoi, d'une heure, une heure 20, en utilisant GTA. Et il est pas mal, hein. Je l'ai ici, si tu veux, je te l'ai. C'est de Trash Master, pour ceux qui veulent... Franchement, c'est pas mal. De ce que j'ai regardé, je l'ai pris... C'est du jeu, rien que ça. Tout le jeu. C'est dans le jeu, oui. Il a mis genre 5 ans pour faire... Il a mis la voix... Ouais. C'est un voice-over, je suppose que c'est lui qui le fait, mais... Logiquement, je suppose. C'est vraiment pas mal. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, quoi. Mais donc, le jeu vidéo, bah, c'est, tu pars d'une... Il n'y a pas vraiment d'histoire, quoi. Il y a une idée de comment va se passer ton histoire. Et quand il y a une histoire, en général, ça va être des jeux de rôle qui sont beaucoup trop vastes à adapter en film, quoi. Donc, c'est ça le problème, à mon avis. Parce que les comics, on a cité principalement les comics, je veux dire les comics flashy, mais bon, par exemple, A History of Violence avec Viggo Mortensen, c'est aussi adapté d'un comic, quoi. Mm-hmm. Pourtant, à mon avis, la plupart des gens qui l'ont vu n'ont aucune idée que c'est adapté d'un comic. C'est comme The Walking Dead, hein. Tu vas pas dire que c'est spécialement adapté d'un comic. C'est vrai que c'est une nouvelle, c'est de la pelle à la base, c'est une... Je sais pas. Mais je pense que c'est une image qu'on a ici, mais l'image des gens des comics, c'est des super-héros. Ouais, alors que c'est pas du tout ça, quoi. Un comic comme... C'est parce que les deux grosses maisons d'édition dans le monde, c'est Marvel et DC, qui sont connues un petit peu partout, et ils font essentiellement des super-héros. Et aux USA, autant... Et aux USA, en Amérique du Nord, quoi. Ils vont avoir plus, les, on va dire, les graphic novels, que ici, on a du mal à les avoir, quoi. Et alors, au niveau du... Parce que là, c'est pour le comics... Ça s'améliore. Le comics, au niveau des adaptations, il y a aussi le fait que pour moi, le comics, c'est déjà, entre guillemets, peut-être un petit peu un film, dans le sens où on a déjà les images et le texte, et on a le déroulement par case qui peut... C'est presque une storyline. Oui, voilà, c'est peut-être adapté comme un storyboard directement, enfin, storyline en film. Tandis que le roman, il y a une chose aussi qui peut peut-être décevoir beaucoup, moi, qui m'a déçu, et peut-être vous aussi. Que tu t'attends à quelque chose de différent. Chose, ouais. Qu'on voit les moi, sur Le Seigneur des Anneaux, par exemple, quand je l'ai lu, j'imaginais les Hobbits de Dieu. Mais là, C'est vrai qu'il faut toujours lire le roman avant de... Bah, pas forcément. Mais forcément, justement, tu risques d'être déçu du film, alors. Oui. Dans ce cas-là. En même temps, moi, j'ai lu le roman avant de voir les films, et maintenant, quand je relis le roman, je vois les personnages du film aussi, donc c'est chiant. Voilà, justement, alors que... Mais là, on parle quand même d'une adaptation que, déjà, dans notre génération, on a quasi tous lu. Et que c'est vraiment une série qui a été importante. De quoi, on a quasi tous lu? Bah, Le Seigneur des Anneaux. Ouh, non. Pas dans notre génération, dans notre milieu. Dans notre style, quoi, si tu veux. Moi et lui, en tout cas, peut-être un peu moins toi. Les générations geekesques, on va dire. Putain, je l'ai lu 10 fois, quoi, Le Seigneur. Ouais, mais tu vois, c'est plus geek, quoi. Moi, je l'ai lu qu'une seule fois, hein. Et je dois avouer que Le Seigneur des Anneaux, je suis peut-être me faire beaucoup d'ennemis, mais ça a tendance à me lourder, moi. C'est long. Je le dis très honnêtement. Ça me lourde. Mais tu vois, c'est quelque chose que les fans sont fort passionnés. C'est une grosse histoire où il y a vraiment un univers qui a été créé, quoi. C'est pas un roman comme mais c'est pas dans le sens bête roman. C'est j'ai été voir. Ouais, voilà, c'est un univers. Il y a vraiment des codes que c'est peut-être plus difficile à. Enfin, il a quand même fait un super boulot, hein, ouais, pour l'adapter. Il a fait un très bon boulot. Et les premières images de The Hobbit donnent envie. Parce que ça a l'air fort sympa aussi. Et le livre était fort sympa. Limite, j'ai préféré. Ah, bah. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est plus un livre pour enfants. Ouais, le ton est un peu plus. Ouais, c'est plus léger. Plus... Donc, moi, je l'ai bien aimé parce que c'est plus léger. Ça se lit. Ça se lit beaucoup plus vite. Parce que Le Seigneur des Anneaux, il faut quand même l'avaler. Quoi. Après un moment, ça devient un peu vaste. Et moi, mais j'ai donné un mois pour le lire. Quoi. Tous les soirs, je le lisais. Pour finir les trois, je mettais un mois. Quoi. Je le lisais tous les ans. Ça fait 2-3 ans que je l'ai arrêté. Dans ce qui m'a déçu dans le film, c'est les ajouts qui n'étaient pas dans le livre. Ça m'a vraiment énervé. Moi, à l'inverse, ce qui m'a énervé, c'est des choses qui n'étaient dans le livre et qui n'apparaissaient pas dans le film. Oui, mais ça, tu peux le... C'est impossible. Hein. Par exemple, moi, ça m'a énervé qu'ils ne reviennent pas au village. Tom Bombadil, par exemple. Oui, mais c'est pas du tout hollywoodien comme ça. Oui, mais ça aurait été... Ça t'a pas manqué. Ils n'ont pas tourné pour la version longue. Non, du tout. Rien. Mais un simple exemple, c'est Tom Bombadil, par exemple, sur le premier film. Mais ça aurait été difficile de le... C'est une longue scène. Mais il n'est pas dans la version longue. Non, je pense pas. C'est deux gros mots. Je dois avouer, je n'ai vu qu'une fois. Mais tu vois que quand ils reviennent au village, Hobbit qui dégomme. La graine. Charcou, il s'appelle ce mec. Ouais. Je me rappelle plus des noms. Hein. Putain, c'est vieux, là. Pas Gandalf, l'autre. C'est très bien résumé. Saruman. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui. Le grand méchant. Pas le grand méchant. Le deuxième méchant. C'est pas du tout une fin qui convient au cinéma, quoi. Parce que t'as l'apothéose avec le... Mais je trouve que c'est dommage... T'as tout qui retombe. C'est un petit meurtre aussi, de bas étage. C'est ça aussi un problème, pour recentrer un petit peu le débat, c'est aussi peut-être un problème, justement, des adaptations, c'est que souvent, ce sont des studios qui sont derrière, qui font des commandes en se disant « ça a marché en livre, ça a marché en comics, ça a marché en jeu vidéo, ça a marché en film, on va amener les spectateurs ». Mais ils veulent, comme tu dis, le happy end hollywoodien. Ouais, mais je pense pas que ce soit le cas dans Le Seigneur des Anneaux. Je pense qu'il a dû faire des sacrifices, mais il a quand même pu faire ce qu'il voulait. Hein. Ah, peut-être pas Le Seigneur des Anneaux, mais je veux dire, en général, j'essaie de repartir sur en général le débat, mais c'est peut-être aussi c'est les studios qui sont derrière, qui font peut-être que... qui réclament le fameux happy end hollywoodien, leur dose de scène d'action, la dose de... et ça nuit un petit peu aux univers. Bah, même avec les oublis et les ajouts, je trouve que c'était quand même, ça restait excellent quand même. Ouais. Ah, Seigneur des Anneaux, oui, donc clairement. C'est excessivement dur à adapter quand même. Ouais, ouais, il a fait un boulot. Il n'y a rien à dire. Dans le 2, il y avait les scènes avec la fille, que j'ai oublié son nom maintenant, ça va me revenir. Ah, Rowan. Ouais. Les scènes qui ont. Ouais. Franchement, je trouve qu'elles apportaient rien et que. Ouais. Ça, c'était le plus gros défaut, je trouvais, mais bon. Avec le manque du retour au village, mais bon, ça, je peux comprendre pourquoi ils l'ont pas fait. Donc. Alors, on va peut-être juste envoyer, alors, parce que je vois le timing qui s'écoule longuement. C'est que c'est un débat qu'on pourrait parler des heures, et qu'on pourra peut-être rediscuter en approfondissant, mais j'ai encore d'autres thèmes à aborder. Je voulais juste faire une distinction ensuite, savoir si pour vous, donc là, on a parlé des adaptations purement, donc ils prennent une idée de base qui est dans un jeu vidéo, un comics, peu importe, et ils la portent au cinéma. Est-ce que pour vous, c'est le même principe que de reprendre un vieux film et d'en faire une suite des années après ? Est-ce que ça revient au même principe de prendre l'univers et de repartir Alors, sur... Je commence. Est-ce qu'une adaptation, c'est la même chose qu'une suite ou un remake ? C'est la même chose qu'une suite ou qu'un remake. Donc est-ce que c'est le même principe de prendre une idée d'un autre univers, donc là ils prennent des idées de comics, manga, peu importe, ils les portent au cinéma, de prendre un vieux film par exemple et de le refaire à l'heure actuelle. Donc par exemple, ils vont, pour citer des exemples concrets de ce que je veux dire, ils vont ici nous faire Scream 4 qui devrait bientôt sortir. Ouais. Ils prévoient, donc il y a eu Wall Street 2 récemment, ouais. Et Terminator 4, ouais. Etc. Indiana Jones qui devrait encore revenir d'ailleurs, ah. Apparemment. Mais il a 65 ans. Après la dope du cadre déjà. Alors il y a. Après la dope du dernier. Ils ont prévu de faire un SOS Phantom 4, un Men in Black 3 ou un Independence Day 2 avec Will Smith en président. Oh merde! Oui, il aura été élu président entre temps et les aliens reviennent. Uh-huh. C'est ça le pitch en gros. Est-ce que pour vous c'est le même ce genre de suite, on va dire, des années après, ça revient au même que de faire une adaptation? Est-ce que c'est le même procédé et... C'est du cas par cas. Je sais pas juger. Un remake, c'est une suite, c'est pas la même chose déjà. Parce qu'une suite. Ouais, non, mais ça c'est évident quoi. Mais non, c'est pas la même chose. Une adaptation, tu pars d'un roman. Les meilleurs films, c'est souvent des adaptations. Quoi. Cette année, The Social Network, c'est une adaptation. Qu'un remake, ce ne soit pas la même chose qu'une suite, oui. C'est mais évident, c'est, pas ouais. Ça que c'est pas juste ça, mais je trouve pas du tout que ce soit pareil. Hein. Ah non, j'ai été voir Winter's Bone. Mais c'est une adaptation d'un roman, pas très connu. Ouais. Et c'est excellent aussi. Quoi. Mais alors justement, les adaptations de romans, c'est, je trouve, contredisez-moi hein, si je me trompe, mais j'ai l'impression que souvent c'est. À part les adaptations de romans, ça donne souvent des choses. Mais les adaptations de romans, c'est les films, quoi. La plupart des films, ça va être une adaptation de romans. Non, mais beaucoup. La plupart, si. Les romans se basent sur un univers beaucoup plus. Mais c'est vrai que tu cites les gros films qui sont sortis actuellement. Black Swan, ça vient d'une nouvelle. Social Network, d'un roman. 127 heures, ça vient d'un biopic aussi. D'un biopic. De. Ben, c'est d'un roman. Enfin, non, pas d'un roman. D'une histoire, vraie. Ouais, de voilà. Biographie, enfin c'est pas vraiment une biographie, mais enfin. Bah si, c'est ce qui lui arrivait donc. Voilà, c'est vrai que, mais on a l'impression que les adaptations de romans sont beaucoup plus réussies souvent, je vais dire, que. Bah, l'univers du roman est beaucoup plus complet et posé qu'une adaptation de jeu vidéo par exemple. Ouais, puis il y a plein de romans que tu connais pas aussi. Une demi-page, quoi. Avec aucune psychologie dans les personnages en général. Donc forcément, ça donne un autre résultat. Quoi. Puis un jeu vidéo, il faut voir quel jeu vidéo est adapté. La plupart du temps, c'est des spectaculaires. Donc tu vas en prendre plein les yeux et encore. Et derrière, tu n'auras pas de scénario. Donc, C'est aussi la différence du jeu vidéo, c'est qu'il n'y a pas de jeu vidéo indé. Enfin si, maintenant il y a des jeux vidéo indé, mais c'est deux jeux plus basés sur le gameplay que sur l'histoire. Tu ne vas pas adapter Limbo, par exemple. Je ne vois pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils font Angry Birds au cinéma? Non, il faut déjà un partenariat avec une série. Un film qui sort. Non, en fait, Angry Birds, il y a Rio qui est sorti, un film d'animation, et ils ont fait une version Rio d'Angry Birds, ils incluent les personnages, et ils vont faire un petit mix entre les deux, truc social média, cross-média. Mais pour, donc, juste pour mettre un dernier mot sur les romans, c'est aussi que les romans, de la plupart, tu les as pas lus. Il y a plein de nouvelles qui ont été adaptées que t'as pas lues avant d'aller voir le film, donc pour toi, c'est une histoire fraîche. Mm-hmm. C'est juste qu'ils sont basés de quelque chose, ils sont inspirés de quelque chose, mais... Intéressant, effectivement. Genre Winter's Bone, j'ai jamais lu si je résume, le roman avant. Pour toi, Chauve, les adaptations romans sont vraiment quand même à considérer à part, sont plus souvent de qualité que le reste. Ouais. Pour toi, Stetson, ça vient souvent du fait que les romans, on les a pas forcément lus, alors que le reste, on a soit entendu parler, soit lu quelque part. Bah, déjà, quelque en tant que joueur, t'as quasi joué à tous les jeux qui vont être adaptés, quoi. Oui, mais tu... Mais justement, pas forcément joueur non plus, pour le public, voilà, pour le public ouais, qui ne joue pas. Je sais pas si ça joue, mais en même temps, comme j'ai dit avant, il n'y a pas d'histoire dans les jeux vidéo, donc comment tu veux adapter King of Fighters ou Street Fighter? Mm-hmm. T'as rien à adapter, quoi. Ouais, c'est pour ça que je disais que l'univers du roman est plus cool. Bah ouais, voilà, c'est clair. Je suis d'accord. Mais en gros, c'est toujours une histoire de culture. T'as le spectateur moyen, au QI relativement limité, qui va aller voir les adaptations de jeux vidéo. Qui va les apprécier, et le cinéphile un peu plus cultivé, un peu plus... Encore que je pense que... On peut aimer les deux, hein, mais en ayant... Ouais, les adaptations de jeux vidéo, je pense que la plupart des gens n'aiment pas, quand même. Les trucs comme Prince of Persia, ça doit passer. Mais Doom, par exemple, je pense que la plupart des gens qui ont vu Doom, ils sont sortis déçus, quoi. Ouais. Justement, est-ce que, aussi, oui, cette adaptation-là, ça... J'avais oublié. Leur but aussi, c'est parfois bouffe. D'attirer le public qui, à la base, a joué au jeu, qui, à la base... C'est aussi, ils réfléchissent peut-être à ça à la base. Oui, bah, c'est clair. C'est pas forcément. Moi, j'ai vu Doom au ciné, hein, donc je fais partie du problème. Et tu n'as pas honte? Ah, bah, c'était très mauvais, mais bon, je m'en doutais que ça allait être très mauvais. Mais bon. Ouais, j'ai vu ça avait été le cinéma qui était pas terrible. Donc, voilà. Ça, voilà. Je pense que les films comme Prince of Persia ou Resident Evil, ça passe parce qu'ils sont juste au niveau d'être acceptés par le grand public, tu vois. Mm-hmm. Et... Ouais, c'est un film d'aventure, quoi. Tomb Raider aussi, tu vois, c'est pas mauvais. C'est la merde aussi, c'était un sous Indiana Jones, quoi. Ouais, mais c'était pas mauvais au point que même les gens... Tomb Raider, il y avait une chose quand même, non, c'était le seul film, gros hollywoodien d'action où tu voyais pas l'actrice à poil dans une scène. C'est vrai, en plus, c'est un des seuls du style où tu vois pas au moins un plan où elle est à moitié à poil. Elle l'avait pas dans la piscine à un moment? Non, c'était dans un autre film avec elle, ça, sûrement. Ouais, enfin bon. Différent rire. Alors, pour conclure ce débat, j'ai encore juste deux petites questions à vous poser. Est-ce que pour vous, il y a une différence? Parce que moi, en réfléchissant au débat, j'ai fini par la faire. Entre ce que j'appelle, je n'ai pas vraiment trouvé le terme exact, mais film à licence et adaptation. Donc je m'explique. Pour moi, il y a une différence entre un film à licence, donc on en a parlé tantôt, un film à licence, donc dans le sens où des producteurs ou une grosse boîte va se dire: tiens, ça a du succès dans son domaine, ça pourrait faire un truc bien boum boum, plein d'action partout qui explose, ça peut plaire au public, on va l'adapter, on va chercher un réalisateur, ou un réalisateur qui, ou un scénariste, peu importe, qui a lu un roman, qui a lu un comics, qui a vu une série, qui a adoré cet univers-là, et qui décide de le porter à l'écran en l'adaptant, en le modifiant à sa sauce, en faisant quelque chose de plus personnel, avec son ressenti par rapport à cet univers-là. Moi, je préfère largement le deuxième. Mais pourtant, il y a bien cette distinction-là, ouais. Existe, quoi. Elle est vraiment bien présente. Bah, mais c'est pas juste présent, enfin, c'est présent dans tout le système hollywoodien. T'as les films de commande et les films que le réalisateur veut faire, quoi. Donc, voilà. Ouais, donc pour vous, ça existe bel et bien, et d'office, là. Ça se reporte sur les adaptations. Il n'y a rien à faire, on le sent, quoi. Quand le réalisateur est là parce que. Mais c'est pareil pour les remakes, on va dire. Qui fait son film pour payer ses factures, en général. Il y a d'excellents remakes. Il y a des remakes qui sont mieux que l'original. Et... Si tu as un exemple, je vais voir. Ah. Bah, Hit, par exemple, c'est un remake. C'est un remake d'un très vieux film. Je saurais pas. De battre mon cœur s'est arrêté, c'est un remake d'un film d'Harvey Keitel. Dawn of the Dead, le remake est mieux pour moi que pour prendre des trucs un peu moins. Ouais, là je connais. Parce que de Batman, arrêté, j'avoue. Même si, entre une bonne critique. Funny Games, c'est un bon remake aussi, même si l'original était très bon aussi. Après, il y a des remakes affreux, hein. Vertigo. T'en citais énormément. Ouais. Vertigo, qui a repris Vertigo? Je pense bien Vertigo. Et Psycho, pardon. Ah, là, c'était même pas. C'est encore autre chose, c'est même pas un remake parce qu'il a refait exactement le même plan. Bah, Funny Games. C'est Gus Van Sant ou. Ouais, si. On peut parler d'un remake quand même. C'est un remake d'un type particulier parce que je l'ai vu. Mais Funny Games, c'est le même plan. Vraiment, il a repris exactement le même plan. Quoi, tout oui, d'accord, mais c'est quand même un remake. Comme c'est une réadaptation, je dirais. Enfin, je sais pas. C'est une réadaptation, si tu veux. Mais il y a plus récent, il y a True Grit. Ouais. Qui a un remake également. Très bon remake. Et tu vois, il y a des remakes. Scarface, hein, c'est un des premiers remakes. Mais là, on parle vraiment remake là, tu parles de remakes de vieux films qui ont été remakés. Je parle plus ici d'adaptation de d'autres univers. Ah, mais ouais, je parlais de remake là. Mais trouve-moi une adaptation d'un, univers, d'un autre univers que le cinéma, d'un comics, d'un dessin animé, de, peu importe, d'un jeu vidéo, qui est meilleur en film que ce qu'il était. Ça, c'est impossible à dire. Ça n'existe pas, c'est impossible, c'est des univers différents, donc ils ont été conçus pour un univers à la je parle vraiment de remake. Mais voilà, moi quand je te demande de te citer, c'était dans cette optique-là, effectivement. Donc les remakes, ça peut être bien, les remakes que le réalisateur a envie de faire, c'est très bien. Le remake parce que le studio décide qu'il faut refaire le remake, parce que ça leur rapportera de l'argent, ça c'est le même problème que les films à licence et les films que le réalisateur a envie de faire, quoi. Et alors, pour clôturer ce débat, je vais poser une question. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec l'attitude de la phrase, mais je vais la poser. Est-ce que pour vous, donc, mes adaptations, on est d'accord, elles existaient de tout temps, il y a des bonnes, des moins bonnes, on vient d'en discuter. Mais est-ce que pour vous, à l'heure actuelle, c'est pas devenu un petit peu quelque chose de récurrent et une grande facilité pour les studios qui n'ont plus envie de se fouler ni de prendre trop de risques en lançant des choses dont le succès n'est pas nécessairement éprouvé et qui font de plus en plus d'adaptations par rapport à avant. Bien sûr. Je sais pas si c'est vraiment si différent d'avant. Moi, je suis d'accord avec Fredson, je pense pas que ce soit si différent d'avant. Chauve, peut-être explique pourquoi tu penses que... Je pense qu'on a plus l'impression que c'est le cas pour le moment. Mais je suis pas sûr que c'est vraiment. Avant déjà. Avant, dans les années 50. Est-ce qu'il y a plus d'adaptation Est-ce que pour toi maintenant les studios ne se foulent plus Non, il y a toujours eu des films. Ils font juste des films, des adaptations en se disant ça a marché donc ça marche au cinéma. Il y a toujours eu des films spécialement faits, plein même pour apporter de l'argent, pour avoir, mais maintenant il y a encore plus de sources disponibles pour refaire. Pour recréer des films, donc il y a des jeux vidéo, il n'y avait pas avant. Alors il y a plus. Contredire ton argument, il y a plus de sources, mais il y a plus de films aussi. Mm-hmm. Il y a plus de choses qui sortent qu'avant. Donc proportionnellement, pour moi, c'est pas différent d'avant. Il y a toujours eu ces remakes, il y a toujours eu des aspirations d'univers, il y a toujours eu. Je trouve que ça se remarque plus maintenant. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce qu'on est dans un âge où la communication est beaucoup plus présente? C'est ce que je pense aussi. Ça se remarque plus parce qu'il y a plus un battage médiatique. Je voulais dire que ça se remarque plus parce que dès que t'as un produit culturel à succès, tu peux t'attendre automatiquement à ce qu'il soit. Et est-ce que c'est pas aussi parce qu'on voit plus les produits d'origine? Avant, on avait peut-être pas. Il y avait un film qui sortait, on savait peut-être pas que c'était. Oui, c'est comme je disais, de Batman Cœur s'est arrêté, vous aviez aucune idée que c'était un remake parce que. Probablement personne n'a vu le film. On a tellement accès à plein de médias, on entend tellement parler de plein de choses qu'on sait maintenant qu'il y a un matériau d'origine qu'avant on ne le savait pas. C'est peut-être simplement ça. Mais pour moi, la proportionnalité. Ouais, sans doute. Reste la même qu'avant. Je trouve que c'est plus flagrant maintenant. Que ce soit pour quelques raisons. N'importe quelle raison, mais je trouve ça plus flagrant maintenant. D'accord. Alors. Je ne vois pas ça s'améliore. La phase finale de ce débat, je vais vous demander une question que je pose également à nos auditeurs. S'ils ont envie de venir commenter, que ce soit sur le site ou le forum, qu'ils n'hésitent pas. Est-ce que vous pourriez me citer une seule adaptation à venir que vous attendez? Vous attendez avec impatience et vous vous dites « Ah, ça pourrait être bon. J'attends de voir, j'ai hâte. » Vous scrutez les bandes-annonces. Ravage. Ah, mais j'ai peur. Tu m'as fait de le citer, mais t'as peur. Logique. Je suis curieux vraiment de voir Monopoly. Difficile à dire comme ça, mais. C'est plus pour déconner, c'est comme moi Pac-Man. Je crois me souvenir que c'était par Tony ou Ridley Scott, je sais plus, un des deux. Et je suis curieux de voir le résultat. Que pour citer, c'est pas du tout dans un domaine qu'on a dit, mais j'ai vu le film Lego récemment, c'est une catastrophe. Je l'attendais pour rigoler, parce que j'adore les Lego, mais c'est une catastrophe. Stetson, est-ce qu'il y a une seule adaptation que tu attends particulièrement? Dark Knight Rise, The Hobbit. Darkness, oui, surtout la suite, c'est pas vraiment une. The Hobbit, alors, si tu veux. The Hobbit. Ouais, effectivement, The Hobbit, c'est vrai que. Il y en a sûrement d'autres, mais. Le problème, c'est comme je disais, il y a des. Winter's Bone, j'avais aucune idée que c'était un roman avant d'aller le voir. Il y a sûrement des films comme ça que je vais adorer. Et que je ne saurais pas que c'est un roman avant d'aller le voir. Et qui sont sûrement en projet maintenant, mais voilà, quoi. Donc. Après, il y a des daubes qui vont sortir. Il y a Halo qui devrait sortir en 2012. Ouais, j'avais cité Halo. Dans les adaptations qui ne sont pas une suite et que de gros trucs, quoi, je dirais que c'est The Hobbit qui me paraît. Et que je pense qu'il sera bien en plus. Alors, moi, les deux que vous venez de citer, donc Ravage et The Hobbit, entièrement d'accord. Enfin, j'attends aussi, effectivement, Ravage surtout. J'attends de voir ce qu'ils peuvent en faire. Et alors, je vais peut-être vous étonner, mais moi, il y a une suite que j'attends énormément, une suite d'un vieux film, on va dire. Mais c'est plus le côté nostalgique des geeks ici qui parle. C'est SOS Phantom, Ghostbusters 4, que j'attends de voir quand même. Ouais. Malgré toi qui as une certaine impatience. Voilà, donc, mais faites-nous part aussi de vos remarques sur ce débat. On va vous ouvrir un topic dans la salle de débat du forum. Dans les commentaires, n'hésitez pas à poster si on en a oublié, s'il y a des choses que vous attendez de voir, que vous avez envie ou qui vous font peur, ben, n'hésitez pas, on est là pour discuter aussi après le podcast. Donc maintenant, ben, vu la durée de mon débat, je crois qu'il est temps d'enchaîner. Oui. Hein? Donc on va passer sur une petite interlude à la con pour détendre l'atmosphère et on enchaînera après directement alors sur le jeu de chauffe. Ah. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Décidément, j'arrive pas à arrêter les génériques à temps aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais assez catastrophique. Bon. Pour un futur certifié Pro Tool, franchement. Merci. Je ne parle pas de ma vie privée, s'il te plaît. Et c'est même pas encore ça. Bref, deuxième info à la con, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère entre tous ces bons gros sujets bien grassouillés qu'on a pris aujourd'hui. Je vais vous parler, donc Stetson, tu l'as déjà entendu parce que je t'en ai parlé, mais j'avais envie de la citer quand même ici. De cet homme, ça se passe à Londres. Mm-hmm. Je trouve beaucoup d'infos à la con qui se passent à Londres, d'ailleurs, passage, ou en Angleterre. Ils sont très forts, les Anglais, dans le style. Donc, de cet homme, si tu veux à Londres, je vais commencer par là. À Londres. Il y a des Anglais. Il y a des Anglais. Je vous dirai exactement, pas, il y a pas qui. C'est à l'extérieur de l'England's Bristol Zoo, donc le zoo de Bristol. Il y a un énorme parking qui peut accueillir 150 voitures ou e-bus. Un énorme parking. C'est pas très grand, 150 voitures. Mais pendant 25 ans, il y a les frais de stationnement qui étaient gérés par un homme, apparemment c'est agréable, qui percevait pour chaque voiture 1,4 livres et pour les bus 7 livres. Donc chaque fois que quelqu'un arrivait, bah, il faisait payer, logique, hein, jusque-là. On est bien d'accord. Ça reste, c'est pas cher. Il faisait payer. Une livre et demi. Oh, mais voilà, mais c'est des tarifs de jour de parking, c'est très fréquent. Ouais. Sauf qu'un jour, l'homme ne s'est pas présenté. Donc le zoo qui gérait le parking a appelé la municipalité en disant « Tiens, l'homme que vous nous avez envoyé aujourd'hui ne s'est pas présenté à son travail. » Et là, la municipalité a dit « Mais et l'homme, on n'a envoyé personne. » Mais ça faisait des années. Ah oui, ça faisait 23 ans. Le zoo lui explique que ça fait 25 ans. Le zoo lui explique que ça fait 25 ans qu'il y a quelqu'un qui vient travailler et que ça a été envoyé par eux. Et la municipalité lui répond « Mais non, c'est vous qui avez embauché cette personne. » Donc en fait, personne n'avait embauché l'homme, oh, putain, et pendant 25 ans, ce mec-là, tous les jours, venait au parking et empochait tous les billets des gens qui stationnaient. Waouh. Donc apparemment... Et vous savez pourquoi il n'est pas venu? S'il a gagné assez d'argent, sûrement. Bah non, il pourrait être mort ou... On ne sait pas, non, on n'a pas plus de détails. Donc apparemment, il aurait, selon les estimations, pendant 25 ans, il aurait gagné 560 livres par jour. Donc, je ne sais pas si quelqu'un fait faire la conversion, parce que je ne l'ai pas sous la main. Euros. Combien 700 euros. Combien t'as dit 525 ah ouais, 560 par jour pendant 25 ans. Donc ça fait 1 euro. Ouais, 700 euros. En supposant qu'il ait travaillé 7 jours sur 7, cela représente plus de 8 millions d'euros en euros embauchés. 634 euros, mais bon, ça dépend un peu. De... Donc à mon avis, ce brave homme a touché un peu le pactole et a décidé d'aller courir une retraite dorée sur une île ou de s'expatrier. Sans vouloir casser ton histoire, hein, c'est juste parce que je viens de le lire. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être un... Un fake, une légende urbaine. Un fake, ouais, c'est... peut-être, je ne sais pas. C'est un hoax, que c'est un mythe urbain. Ah, qui sait. C'est possible, mais ce serait joli. C'est possible, mais voilà. Ça fait plaisir, hein. De toute façon, il n'y a personne qui a perdu là-dedans. Oh, oui, bah oui, c'est vrai qu'au final, voilà, il n'y a pas... Juste le zoo qui a perdu 8 millions d'euros. En... Ouais, mais bon, ils vivaient sans, donc ouais, c'est que ça ne leur posait pas problème. Voilà, quoi. Ils pensaient peut-être que c'était la municipalité qui, je suppose, subside un petit peu, donc qui empochait le... Et la municipalité pensait que c'était le zoo qui empochait pour payer l'homme. Voilà. Tant mieux pour lui. Si c'est arrivé, tant mieux pour lui, si c'est pas arrivé, c'est marrant. Et voilà, au final, personne n'est vraiment perdant. On ne sait pas qui a gagné quoi, mais à mon avis, si l'histoire est vraie, lui, s'est fait un beau petit paquet de fric, en tout cas. Voilà, ben donc on va sur ces bonnes paroles et cette belle histoire de ce brave homme, on va passer au jeu de notre ami Chauve. Tout à fait. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Questions pour un Chauve. Bonsoir, bonsoir. Beau jingle, beau jingle. J'ai préparé ça tout à l'heure, je me suis dit que... Dans mon dos, il m'a fait un enfant dans le dos. C'était léger, j'ai fait ça à la va-vite. Oui, j'imagine. Donc, le jeu d'aujourd'hui un peu plus développé que d'habitude, j'ai pas fait un blind test à la con. Parce que moi c'était pas développé la dernière fois. Si, mais par rapport au mien, ce sera pas un blind test à la con. J'ai développé ça. Donc on va se baser sur le principe de Kupuk. Question pour un champion. Kupuk. Kupuk. PUC, Kupuk. Kupuk. D'accord. Question pour un champion. Kupuk, moi je préfère. Il n'y a pas de U, mais oui. Donc nous aurons dans le coin gauche, moi je suis au centre. 105 kilos pas encore, de gras et de cheveux blonds. Kirby. Et de... Ouais, attends, applaudissements quand même. Où est-ce qu'ils sont les applaudissements? Ils sont là. Bravo, merci. Oh, bravo. Et à ma droite, nous aurons 102 kilos de gras et de... Cheveux bruns. Et de cheveux bruns. Et Stetson. Bon, alors pour Stetson... C'est ce que je vais te faire, ça. Ouais, donc, je vous explique le principe. Ça va durer sans doute un peu plus longtemps que d'habitude. Enfin, c'est un peu plus complet. Le jeu va se diviser en trois phases. Que j'explique, donc, basé sur le principe plus ou moins adapté par mes soins du... Le principe, c'est, si je peux me permettre, le principe. La phase 1, je gagne. La phase 2, je gagne. Et la phase 3, je gagne. On est au BGS numéro 6. Je pense que Stetson n'a organisé qu'un jeu, donc il y a eu 5 jeux jusqu'ici. Stetson a 0 victoire pour 5 défaites. On verra s'il arrive à renverser la tendance. Je me suis démerdé pour que ça soit très équilibré. C'est ce qu'ils disent, mais ils trichent avant. C'est bon. Ça, ouais. Donc, on verra. Je ne vois pas ce qui pourrait expliquer d'autre mes résultats. Donc, 3 tours, disais-je donc, 3 étapes. Mauvais perdant. Que je vous expliquerai au fur et à mesure. On va commencer par la première, c'est la plus petite. Premier tour de jeu que j'ai appelé le premier round. Alors, je vous explique le principe. 3 questions vont vous être posées alternativement. C'est joli comme phrase. 3 questions vont vous être posées alternativement. J'aime bien. Oui, donc 3 questions chacun. Ouais, laissez le monsieur parler. Et il y en a qu'un qui répond. J'aime bien la tour. À la fois. Une question cinéma, une question jeu vidéo, une question série. On peut même pas... Non, toutes les questions sont prêtes. Tout est préparé. Ne discutez pas. En cas d'égalité, il y aura une question subsidiaire à la con. Sur un sujet aléatoire que j'ai choisi déjà. Tu veux que je te pose un. Permettra de vous départager. Tu veux que je te mette un décompte en fait ou... Non, ça ira. Parce que j'ai un tut. Ça ira. D'accord. À la fin de ce premier tour, le vainqueur ne conservera pas les points qu'il a gagnés pour le résultat final, mais à la place, il gagnera d'autres avantages que je vous dévoilerai au début de la deuxième phase. Ouh, des avantages. Donc, des faveurs cheval. Non, pas vraiment, des faveurs pour le jeu. Là, je vous rappelle donc que c'est chacun votre tour, donc si la question ne vous est pas adressée, vous ne répondez pas. Il n'y a pas de limite de temps, donc réfléchissez, vous avez le temps de réfléchir, mais vous n'avez droit qu'à une seule proposition, si celle-ci est la mauvaise. La question est ratée. Donc je vais commencer par demander à Stetson, le loser officiel du VGS, honneur au perdant donc. Questionnaire A, questionnaire B. Questionnaire B. Questionnaire B. Première question. Dans quelle série joue le dernier vainqueur de l'Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique? Je peux mettre un peu de musique en fond, parce que s'il réfléchit un petit peu, oui, tu peux mettre de la musique. Mad Men. Non, c'était Breaking Bad. Ah ouais, Brian. Kiki, questionnaire A. Breaking Bad, c'est excellent. Ouais, mais j'ai tenté Mad Men. Pour nos auditeurs, mieux que Mad Men. Ouais. C'est chiant, Mad Men. Non, mais bon. C'est un scandale. Oui. Mais moi, je choisis questionnaire. Quel film a récolté le plus de nominations aux derniers Oscars? J'hésite, mais je pense à Black Swan. Non, froid. C'était le discours d'un roi. Une speech. Speech. 11 ou 12 j'ai hésité entre les deux. J'ai hésité entre les deux. 0-0. Deuxième question, Stetson. Le film True Grit, on va dire à la française, a été réalisé par un célèbre duo de cinéastes américains, lequel? Joel et Ethan Cohen. Un point parfait. Oh putain, oui, il est facile. J'ai eu King's Speech, c'était facile. Mais j'ai hésité entre les deux. Kirby? Non. Oui. À quelle série l'acteur Matthew Fox doit-il essentiellement sa célébrité? Matthew Fox. Facile. À fond. Ça va pas me retomber, tu vas voir. Je vais mettre un peu de musique parce que comme j'ai le temps, je vais réfléchir. Mmh. Il triche là, c'est bon, là. Non, non. Je mets un peu de musique. Tu lui laisses combien de temps? Je suis sûr que je le sais en plus, quoi. C'est pas du tout, on a pas 3 minutes, non? Bah oui, mais je vais pas retourner dessus. Parce que je le sais, mais... Matthew Fox. Allez! De toute façon, ça sert à rien de faire du jeu, mais je suis sûr que tu vas pas me faire du jeu. Je vais pas la pièce qui va faire du jeu. Tu veux que je donne la réponse? Je vois, mais... Mais non, parce que je sais que c'est pas ça. Tu sais que j'ai en tête, je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Non, je sais laquelle c'est, donc c'est juste que le nom ne vient pas. Et tu veux taper une règle, je sais que c'est pas ça. Ouais. Donc putain, c'est extraordinaire. Ça m'énerve ce genre de jeu, je tombe pas dessus. Ça m'énerve parce que je le sais. Vous allez me le dire et je vais tout de suite. Ah oui. Moi je laisse tomber. Écoutez, je laisse tomber. Pas de proposition, rien du tout. Prison Break, allez, je sais bien que c'est pas ça. Lost. Voilà, merci, voilà. Putain, je le sais. C'est facile, je le sais. Je les ai vus tous et non. Toujours un zéro. C'est pour ça que ça me frustre ce jour-là. Mais le questionnaire là, les points à gagner ne seront pas repris. Mais il va y avoir des avantages, il va y avoir des faveurs sexuelles pendant qu'il répond aux questions. Effectivement. Troisième et dernière question pour cette personne. C'est ça, il va avoir une pipe sur la table. Un nouvel épisode des Sims est sorti la semaine dernière. Ah, moi je sais, moi je sais, moi je sais. Sims Medieval. Ah merde, je sais, mon frère. Deux points pour Stetson. C'est bon, j'ai perdu. Dis tout de même ma dernière question pour voir. Un nouveau Max Payne sortira en 2011, lequel? Ah ouais, je n'ai qu'une idée, je ne suis pas du tout le Max Payne. Tu veux dire juste le numéro? Ah, le numéro! Bah, peut-être quoi, au 3 là? Ouais. D'abord, c'est je sais pas s'il y a un sous-titre ou quoi, mais alors ça, j'aurais pas su quoi. C'est le troisième en tout cas. Non, Lost, je m'en veux là. Franchement, je le savais en plus, mais ça me répondait pas. Donc, pas de question subsidiaire, Stetson a remporté. Je suis nul et c'est tout, il faut bien l'avouer. Nous passons donc à la deuxième manche, le 4 à la suite. Ça m'excite. Vous connaissez le principe du 4 à la suite? Mais tu peux nous le rappeler. Tu veux parler du jingle avant de... Pourquoi pas? On remet le même? Ouais. Allez, le 4 à la suite alors. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de questions... Pour une fois que John Hamm ne termine pas l'émi, il faut que je me plante, tu vois. Le son est revenu, j'ai remis ton micro. Ah bah désolé. C'est trois fois de suite que le mec de Breaking Bad est... Il est nommé, mais il est non, pas... Non, il a gagné. T'es sûr qu'année d'avant, il a gagné? Ça enregistre, t'as les ordres. Ouais, donc, deuxième tour, le 4 à la suite, je vous rappelle le principe. On se fait prendre le vote par 4 hommes à la suite. J'ai fait 4 sujets. Bang, bang! Je peux expliquer? Oui. Et après, tu vas perdre et tu vas pleurer. Boukake. C'est du boukake. Oui, je l'imagine un peu. Ça veut dire douche en japonais. Oui, avec la douche en japonais. Bon. Oui, allez. En français, on peut traduire par spermidouche. Oui, oui. Merci au capitaine. Enfin bref, allez-y. Donc, pour le 4 à la suite, il y a 4 sujets comportant chacun 10 questions que je vais vous poser en 1 minute 15. En fait, si je peux me permettre, tu avais dit que tu ferais Julien Lepers, mais ça ressemble pas trop à Julien Lepers. Oui, non, je vais pas faire Julien Lepers. Si je le perds, c'est « Oh, ouais !» Si tu fais un 4 à la suite, je le ferai. Donc. Donc, 10 questions sur 4 thèmes. Par exemple, je te pose une série de questions, Kirby. Tu réponds bon à une question, t'as 1. Si tu rates la suivante, tu redescends à 0, mais ton score est enregistré à 1. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah oui, c'est après, le but est de te répondre consécutivement. Consécutivement, au plus possible. Voilà, sinon, si on se trompe, on descend zéro, à 0. Mais ton score est enregistré. Et on doit repartir de 0 pour monter dans les... Et pendant combien de temps, tu as dit? 1 minute 15. Je vais essayer de respecter. Il y a 10 questions, donc faut pas trop se tromper. Si tu veux, j'ai un chronomètre sur le PC ici, je peux le lancer. Oui. On va m'accuser de tricher, mais... Mais bon, je... J'ai un programme qui s'appelle chrono. Quand je le dirai. Ça. Donc pour ça, c'est OK, votre principe. Mmh. OK. Juste 75 secondes. Ben, je vais starter. D'accord. On verra quand il sera... La suite des explications. Le vainqueur du premier round, Stetson, va avoir 2 faveurs. Il y a donc 4 sujets de questions. Il va avoir droit à une pipe. La première faveur, c'est que dans les 4 sujets de questions auxquels j'ai donné des noms bizarres qui fait que vous ne pourrez pas savoir de quoi il parle. Est-ce qu'il y a la liste qui s'inscrit au bas de l'écran pour les auditeurs? Tu vas voir. Je vais lui donner les 2 qui, a priori, sont les plus favorables pour lui. C'est la première faveur. Il faudra choisir, pas forcément dans les deux, mais dans les quatre. Il n'y a pas de piège, hein, je dis en fonction de vos connaissances et de vos intérêts, ce qui vous convient le mieux. Deuxième faveur, il pourra obliger Kirby à choisir un sujet que Stetson lui-même a choisi dans les quatre. Donc il choisit en fonction de mes conseils et après il peut t'imposer un sujet. Ensuite, Stetson re-choisira un sujet dans les deux restants et toi, forcément, j'aurai le dernier. T'auras le dernier. Donc c'est le gros, il choisit lui-même qui répond à quoi. Voilà, pour résumer. Parce qu'il a gagné la première. Ouais, ça va. On additionnera vos scores et ils vous serviront de base pour la troisième phase du jeu qui commencera après la deuxième phase. Comme c'est juste. Je vous donne les quatre titres de sujets. Il y a la série Grand Sage, la série Ado Boutonneux, la série À la Suite, qu'est-ce que c'est que c'était, et la série Serial Killer. Alors, je te conseille pour toi la série des deux séries de questions, Serial Killer. Et la suite. Bon, je dirais Ado Bouton. Ouais. J'aurais pris à la suite, moi, plutôt. Ouais. Donc je vais déjà prendre Serial Killer. Avec tu... Killer. Et Nikki et Kirby, tu lui. Je vais lui donner Grand Sage. Grand Sage. C'est pas de bol parce que c'est ce que je lui aurais conseillé. Et ensuite, tu prends quoi? Après, on verra. Probablement les deux. Donc tu as pris Serial Killer ? Ouais. Serial Killer. Ok. Donc tu as compris le principe. Il faut que j'enchaîne les réponses bonnes. On peut bientôt. Donc combien de temps, tu as dit ? 75 secondes. D'accord. Donc si tu ne sais pas, tu peux dire je passe. Et on reviendra après, une fois que tu auras fait le tour des questions, on reviendra dessus après. Et si on dit je passe, je ne retombe pas à zéro, donc. Ou je retombe à zéro ? Ah si, tu retombes à zéro. Voilà, vous voyez tous les deux le chronomètre, c'est bon ? Ouais. Ouais. On va y aller. Tu es prêt ? Ouais. Kirby, chronomètre, prêt ? À ton top. Top ! Quelle série a pour sujet la criminalité dans la ville de Baltimore ? The Wire. Juste. Quelle série a pour nom un personnage historique mais fictif du 1er siècle avant Jésus-Christ ? Je passe. Mon nom est Léo Dagan. De quelle série française suis-je un des personnages principaux ? Kaamelott. Je... Jesse Pinkman, de quelle série vous venez Breaking Bad. De... Romancier désabusé, amateur de drogue et d'alcool, de quelle série Californication. Ouais. Quelle série a pour sujet principal la vie d'une petite ville après une catastrophe nucléaire? Jericho. Oh, il est à 4. 4 à suite. Un petit peu d'applaudissements. C'est quoi celle que j'ai raté? Tu peux me dire la réponse, hein. Une série appelant un personnage historique, mais avec Spartacus. Et 4 à la suite, Stetson. Tu mets la barre haut, là. Est-ce que Stetson va remporter son premier jeu ? Peut-être. Sinon, il y avait mon nom et le même qu'un quartier de la ville de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi Serial Killer ? Parce qu'il y a la série dedans. Oh, putain. Ah ouais, mais c'est comme l'émission d'Hallociné, en fait, sur les séries. Elle s'appelle Serial Killer. Ah, je sais pas. J'ai pas du tout pensé à ça, quoi. Bah, moi non plus, je m'attendais à des films style Seven et non, tout ça, en fait. Même, des questions, une question, je sais pas, je suis expert en tâches de sang et en même temps criminel la nuit, je suis. Non. Des trucs comme ça. Non, c'est fait exprès pour vous induire en erreur, sinon c'est pas drôle. Ça, c'est pas marrant. Il y avait aussi Rick Grimes, le héros d'une série MC. Et MC, laquelle ? Rick Grimes ? Walking Dead. Ouais. Quelle série a pour ancrage principal la ville de Dillon au Texas ? Friday Night Lights. Dans quelle série peut-on croiser Calamity Jane? Deadwood. 4 pour. C'est chiant, j'aurais su répondre aussi en fait. Celle sur Kaamelott était. Kaamelott, j'ai vraiment tapé. Il a glissé. Oui, il a tapé la gueule, j'ai vu, il a du bol. Donc j'avais oublié de préciser avant. Que ça s'arrêtait à 4, parce que moi j'avais continué. Non, que c'est la série Serial Killer, c'était sur la série télévisée. Non, ça s'arrêtait à 4, ça il l'avait dit. Hein. Ouais, bah j'ai pas fait attention. Je m'attendais comme à continuer. Comme pour un champion, le 4 c'est le maximum, donc voilà. On va enchaîner sur Kirby. Si je vais faire un 4 à la suite. Qui a donc, qui s'est donc vu imposer par Stetson la série Grand Sage, que je lui aurais de toute façon conseillé. Ça me fait peur quand même. Peux nous la dire série Grand Sage concerne les jeux vidéo sortis avant l'an 2000. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi ça va parler, de quelle compagnie. On va voir. On va voir. Tu veux que j'appuie ? Ou ça non ? À ton top. Prêt ? Je suis prêt à ton top. Top ! Dans quelle célèbre série de jeux vidéo incarne-t-on un militaire blond, musclé et sexiste ? J'ai un trou passe. Quel est le nom de l'héroïne de la série de jeux vidéo originellement développée par Eidos ? Lara Croft ? Oui. Dans quel jeu incarne-t-on un docteur du nom de Gordon Freeman ? Half-Life ? Oui. Comment s'appelle le créateur de la série des Civilization ? Sid Meier. Oui. Dans quel jeu peut-on incarner une race dénommée Terran ? Starcraft. T'as hésité avec quoi là ? 4 ! Suite. Un petit peu d'applaudissement quand même, je m'auto-congratule. T'as hésité avec quoi sur Starcraft ? Starcraft, non, j'ai pas hésité, mais le nom ne faisait pas souci. J'ai Warcraft. Tu me dis les dernières pour le fun ? Ouais. La première. Duke Nukem. Duke Nukem, oui, ça le vient, mais j'ai eu un doute. La suivante. Dans quel jeu incarne-t-on BJ Blazkowicz ? Alors là, par contre, c'est idée. Pas Grand Roman 2 ? Wolfenstein 3D. Oh, j'aurais pas su. Je n'ai jamais joué. Quel célèbre jeu de la fin des années 80 a été développé par Maxis ? La fin des années 80, Maxis. Les Sims ? SimCity ? SimCity. Dans quel jeu incarne-t-on le gardien maléfique des souterrains d'un donjon ? J'ai joué un peu à celui-là. Dungeon Keeper. Le jeu Keeper, merci. Quel célèbre personnage de Mortal Kombat utilise la glace et le froid dans ses combats ? Ah, Sub-Zero ! Et une salope, de quel studio de développement John Romero est-il l'un des créateurs ? Désolé, mais juste un truc. ID Software. Mm-hmm. Juste un truc. Je sais pas si je vais le faire, j'en peux rien. Kirby. Wins. Fatality. Désolé, mais Sub-Zero, voilà. Tu savais pour Romero ? Ou t'aurais bloqué ? J'aurais bloqué. Les autres, je savais. Bon, jusque-là, oui. Moi, il y en a une que j'ai pas su. J'ai oublié la cassette. Mais... Avec SimCity, t'as pas su. Et ouais, avec Dungeon Keeper, t'as pas su. Dungeon Keeper, j'aurais aucune idée. Half-Life, ça, je savais. Gordon Freeman. Freeman pour revenir au débat d'avant, il va y avoir un film Half-Life qui est prévu aussi. Ouais. Ça, par exemple, c'est un film qui peut être bien parce qu'il y a un bon univers, une bonne histoire. Mm-hmm. Ça peut être sympa, oui. Mais non, bon, toujours à voir comment ça va être fait, évidemment. Bon, ben on a 4 points tous les deux là, suite, c'est chaud. Mais donc ça veut dire que. Tu as le choix entre Ado Boutonneux et à la suite. Mais tu déconseilles Ado Boutonneux à lui. Je ne dis plus rien. Tu ne dis plus rien. Il a 10 ans, il fallait retenir. Moi j'ai retenu. Ah non, je sais ce qu'il me conseillait. Ce que je lui demandais, c'est est-ce qu'il y en a un qui déconseille. Moi je ne dis plus rien. Je vais prendre ce que tu conseillais. Hein. C'est-à-dire Ado Boutonneux. Ado Boutonneux. Vu que c'est fort différent de. Ce sont les jeux vidéo sortis après l'an 2000. Oh, ce sont créneaux, là. Ah ben oui. C'est trop facile pour lui. Là, il a gagné d'avance. Ah, ouais, c'est pas dit, c'est pas dit. Moi, je fasse aussi un 4 à la suite sur le suivant. Je pense que le suivant peut te convenir aussi. Ouais. C'est vrai que Grand Sage, ça allait, en fait. Grand Sage, j'ai bien fait de pas le prendre. Ça m'étonne que tu n'aies pas parlé des Anno, des Moins Maintenant, ce genre de choses, d'ailleurs. Mais... Au moins, Anno, de Moins Maintenant, c'est peut-être moins connu, mais la série des Anno, t'aurais pu en parler. T'as parlé de civilisation aussi de meilleur à parler même. Attends. Ah. Bon. Cette sonne, chauffe quand vous êtes prêt. Donc, Ado Boutonneux, le jeu vidéo sorti après l'an 2000. T'es prêt ? Ouais. Top. Attends, stop. Excusez-moi, je n'ai pas ri, c'était le chronomètre, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Voilà, on peut repartir. Vous êtes prêts ? Top. Top. De quel jeu Altaïr est-il le héros ? Assassin's Creed. Ouais. Dans quel jeu se balade-t-on dans la région de Tchernobyl ? Stalker. De quel jeu Niko Bellic est-il le héros ? GTA 4. Qui est John Marston ? J'ai oublié. Je passe. 3. De qui Luke Triton est-il le jeune assistant ? Je passe. Quel jeu développé par Rovio Mobile est probablement l'un des plus célèbres sur smartphone ? Cité l'un des deux successeurs de Phoenix Wright dans la série des Ace Attorney. Des deux successeurs ? Oui, il y en a deux. Je sais. Je sais pas. Je passe par. Dans le dernier épisode de la série des Anno, dans quel siècle nous trouvons-nous ? Je sais aussi. 16e. De quel célèbre jeu Human Revolution va-t-il être la suite ? Deus Ex. Ah. Quelle série de jeux développée par Peter Molineux en est maintenant à son 3e épisode ? Fable. Oui, c'est fini. Il n'y a plus de questions. Ah, mais non On repasse au début. Sauf que je vais te voir. John Marston. John Marston. Il est à 2, là. Ouais. Il est à 3. Ouais, à 3 au maximum. Là, il est à 2 maintenant, mais il a fait 3 d'automne. John Marston. Red Dead Redemption. Oui. De qui Luke Triton est-il le jeune assistant ? Je sais pas. Je sais pas. Si t'es l'un des deux successeurs. Mais ça change rien, j'arriverai pas à 3. Stop. 3. Alors, Luke Trayton, l'assistant du professeur Layton. Pas joué à professeur Layton. Le dernier anneau, si je ne me trompe pas, c'est 1404, pardon. Le 15e. Ouais, c'est là qu'il y avait le piège. Ah, mais il a peut-être pensé à 1701, qui était l'avant-dernier. Mais... Il y a eu 1602, 1503, 1701, mais non, 1404. Et le successeur de Phoenix Wright, c'était Miles Edgeworth ou Apollo Justice. Apollo Justice, j'aurais cité l'autre, je ne connaissais pas, mais Apollo Justice, ouais, j'ai joué. 3 donc pour Stetson. Ah, j'aurais peut-être fait mieux que toi, en fait. Je pense. Bon. Parce qu'il y a deux jeux DS, en fait. Peut-être, ouais. C'est les jeux DS qui t'ont perdu. Bah, les jeux DS m'ont cassé mon rythme. Mais en même temps, c'est vrai qu'il ne peut pas non plus prendre que du PC. Il a dit après 2000, donc c'est vrai qu'il... Il n'y a pas de... Mais tu aurais pu voir quand même Xbox, PS3, des choses comme ça. Écoute, je fais mon jeu comme je l'entends. C'est chaud qu'il mette de son jeu, tout à fait. Bon, donc il faut que je fasse 4 pour gagner. Questionnaire. C'est quoi, rappelle-moi le thème. À la suite, je n'ai pas encore dit le thème. Ce sont les franchises de films qui comportent 2 épisodes ou plus. Ouais, j'aurais préféré ça, je crois. Ah, ouais, à mon avis, cette scène aurait bien. Bon, on va voir, ça dépend en quel film, mais ça peut être pas mal. Donc, toujours le même principe, 10 questions, blablabla. Ouais, blablabla. Quand tu veux. À ton top. Top. Dans quel film apparaît Gizmo? Gremlins. Paul Verhoeven a réalisé le premier épisode d'une célèbre série de films, laquelle? Ah merde, j'ai un trou. Je le sais en plus. On va passer parce que ça sert à rien. Je le sais. Dans quelle série de films Laurence Fishburne joue-t-il un des rôles principaux? Je le sais, putain. Matrix. Quel film faisant partie d'une série a relancé la carrière de Marlon Brando? Pardon. Sidney Prescott est une célèbre héroïne. Dans quelle série? Oui. Si je dis Robert Englund, à quel film pensez-vous? Ah merde. Allez, je le sais, à 3, là, je suis presque. Robert. Englund. Oh putain. 28 jours plus tard. Non. Je sais, mais. Robert Zemeckis a réalisé les 3 épisodes d'une célèbre série de films. Ouais. Une série de 3 films a remporté 17 Oscars entre 2002 et 2004, laquelle? Ah ouh. Le Seigneur des Anneaux. Oui. Quel super-héros Tobey Maguire incarnatif? Spider-Man. Christopher Nolan a réalisé les 3 derniers épisodes qui suivent. Batman. La réalisé 2 épisodes. La réalisé avec 2 épisodes. Oh, on s'en fout. Mais j'ai compris la question, donc voilà. Ben, applaudissements pour moi, alors, dans ce cas-là. 4 Merci. Merci. C'était limite, hein. Rappelle-moi juste un truc, parce que là, je me suis chié dessus de l'avoir loupé. La deuxième question, s'il te plaît. Paul Verhoeven a réalisé... Starship Troopers, ça. Robocop. Ah ouais, Robocop. Robocop. Je le sais... Merci, je le savais en plus. Putain. Ça m'a énervé, Robocop. Surtout que, après, Gremlins, Gizmo facile et les autres suivantes qui est... Voilà. Dommage. Donc, mais bon. Et c'était quoi, Robert Englund? Freddy. Ah ouais, Freddy. Ouf-ti. Fait très très longtemps. Mais j'aurais eu du mal aussi. Très très longtemps. Mais après, Robert Zemeckis, bon, Retour vers le futur, c'est ma saga. Ouais, ça s'est passé tout seul. Film, bon, c'est ma jeunesse, j'ai adoré ça. Enfin. Voilà. Et le Seigneur des Anneaux, c'était facile, ça m'a étonné que tu... Le Seigneur des Anneaux, en fait, j'ai eu un doute, parce que quand il a dit 3 films, 17 Oscars, je me suis dit, why? Je vois pas de suite. Et puis j'ai réfléchi 2 secondes, et pendant que je disais ma phrase, je me suis dit, bah en fait, le Seigneur des Anneaux, il a rapporté plein. Tu l'as trouvé, celui-là, je sais plus. Ouais, il l'a trouvé. Donc je me suis dit, bah t'es con ou quoi? C'est... J'ai mis le temps, mais je l'ai trouvé. Donc voilà, bah... Donc... Je suis vainqueur pour cette manche, alors. Oui. Ah! Peut-être ça, j'ai dit. Ça ne servira peut-être pas à grand-chose, vu que... Ah, merde. C'est simplement, tu commencerais la dernière manche avec 8 points, tandis que Stetson la commencera avec 7 points. Donc, Ah, on garde les points comme ça, ok. Je l'avais dit au début. Hein. Mais j'ai cru qu'on gagnerait 1 point pour avoir 4. Bah, c'est déjà ça. Hein. Donc ça ne se fait jamais qu'un point d'avance, mais bon, c'est toujours ça. Ah, ouais, ça peut jouer un point. Hein. Alors, troisième et dernière phase du jeu, le face-à-face. Alors... Ça va être un peu plus laborieux qu'à la télé, hein, parce qu'à la télé, ils ont un espèce de sablier pour... Oui, il triche, il a Wikipédia. J'ai Wikipédia sur Bryan Cranston. Donc, sur le face-à-face, je vous pose une question. Jusque-là, on a compris. Ok. Et au fur et à mesure que je parle, je vous donne de plus en plus d'indices. Et on n'a pas compris. Ah si. Non, ça va, je rigole. Je donne des indices vagues au début. Je rigole. Ouais, d'accord. La question est divisée en 4 temps. Si vous répondez très vite et sans beaucoup d'indices, ça sera 4 points. Un peu moins vite et un peu plus d'indices, ça fera 3 points. Beaucoup d'indices, 2 points. Tu notes quand même les points pour étirer les abords? C'est ça? Ouais, bah c'est votre chat. Ça va. Mais maintenant, à la télé. télé, on voit une espèce de sablier qui descend les numéros, ça, il n'y a pas. Oui, donc quand on proposera, quand je terminerai. On propose au plus vite. Oui, ouais, mais quand je, c'est chacun votre tour. Très bien. Continue. Merci. Quand je terminerai une portion de questions, on va dire, je laisserai un blanc d'une seconde où vous aurez le temps de donner votre réponse. Et après, j'enchaîne, je désigne. Ah, quand tu termineras, par exemple, quand tu termineras le niveau de 4, au niveau des 4 points mm-hmm. d'indice, tu laisses une seconde de battement. Une seconde, un peu plus quand même. Après, c'est à l'autre de répondre. Parce que vous avez chacun deux périodes. Ah oui, on choisit si... Ah, tu fais comme dans un vrai. Oui. En plus. Donc, il faut choisir la main. Choisir si on prend la main ou pas. Oui, voilà. Celui qui prend la main, tu poses, puis tu laisses une seconde. S'il ne répond pas, tu me donnes au suivant. Je montre l'autre du doigt et c'est à l'autre. Les auditeurs ne vont pas voir que tu montes du doigt, mais non, ils vont comprendre le principe. Voilà, ils comprendront le principe. L'intérêt aussi pour toi d'avoir gagné le deuxième tour, c'est que donc, tu as un point de plus que Stetson et que tu choisis pour toutes les questions si je prends la main ou si je la laisse. Tu la laisses. Je rappelle aussi que, par exemple, si tu prends la main, tu es dans la série des 4 points. Si je la laisse, je vais passer les 3 points. Si tu donnes une mauvaise réponse, le reste du 4 va à Stetson, plus le 3 comme... Comme dans Question pour un champion. Vous avez déjà eu Kupuk, donc c'est bon. Je pense que tous nos auditeurs ont vu Question pour un champion. S'ils ne l'ont pas vu... Ils n'ont qu'à regarder. Ils n'ont qu'à regarder. C'est ça que... Ou on pourrait faire un bref rappel des règles, mais je crois que Chauf vient de le faire avec brio. Ça ne fonctionne pas, tant pis. Je vais chercher un... Meublé. Meublon. Meublon. Faut un petit coup. Moi aussi. Merci. Oui, parce que nous sommes des geeks préhistoriques. Nous avons des bics. Voilà, on tape pas au clavier, on écrit avec des bics. Et des petits calepins, machin. On utilise du papier, on tue des arbres. Voilà, on est des geeks pas écolo pour un sou. Ouais. Il faudrait un iPad hein, quand même. Donc là, je vous préviens, il n'y a que 6 questions. En fait, je t'ai pas mis la musique pour lancer cette... Pas grave. Non, tu n'as pas. Il n'y a que 6 questions, donc il ne faut pas vous laisser distancer. Ouais. Bah, de toute façon, je vais gagner, c'est tout. C'est écrit dans les... Non, c'est sérieux. C'est écrit dans les règles du BGS. Tu dois perdre tous les jours. Tu le sais, c'est ça. C'est comme ça. Tu n'as pas le choix. C'est dans les règles tacites. On commence ? Quand tu veux. Question numéro 1, Nikki, tu prends Kirby, tu prends la main. Tu ne dis pas le thème avant, je décide. Si, je vais le donner. Ah, vas-y alors. Ah, mais après qu'il ait choisi s'il prenait la main ou pas. Ouais. Normalement, il donne le thème avant de choisir. Non, je donne pas le thème. Ah, si, dans l'émission, il donne le thème et en fonction, on prend la main. Je donne pas le thème. Oh, mais c'est dégueulasse. Le principe stratégique. Et la stratégie du jeu, c'est ça. C'est qu'il donne le thème et en fonction, on décide si l'autre prend la main ou tu pas. Tu veux l'indice ? En fonction de nos conséquences. Avant de prendre la main, la laisse. Ouais. L'indice ? Bien sûr. Anthropomorphe. Ah, c'est joli. Ça fait penser à Twilight, tu vois pourquoi. Je vais... Ouais, pour le premier... Je vais laisser Stetson prendre la main. Donc, quand je fais un battement, ça passe à l'autre. Donc vous avez une seconde pour vous manifester et me donner la réponse, sinon vous n'avez plus le droit de parler, c'est l'autre. Et s'il donne une mauvaise réponse, automatiquement, ça bascule sur moi. Vous êtes prêts ? Question numéro 1, sur votre écran. Indice. Indice en bas de votre écran. Anthropomorphe. C'est prêt ? Allons-y. Vas-y, Stetson. Hein. Stetson, vous avez un. Top ! Animal mesurant 1 mètre et pesant 35 kilos, je suis né au début des années 90 et suis d'origine japonaise. Un de mes meilleurs amis est un renard. Mondialement connu, mes aventures ont été vendues à plus de 45 millions d'exemplaires depuis le début de mon existence. Mascotte de la société qui m'emploie, j'ai succédé à ce poste à un dénommé Alex Kidd. Sonic. Merci. Quand même, un petit peu plus d'applaudissements. Tu l'as dit, mais... Je l'ai dit au moment où tu avais enchaîné. Je me suis laissé le temps de 3 pour être sûr. Je l'avais entendu, c'était une dizaine, mais je me suis dit que je laissais écouler les 3 et répondre à la fin, histoire d'avoir le point assuré, quoi. Un plombier moustachu est mon grand rival officieux. En réalité, mon plus grand ennemi est un scientifique roux à moustache. Ah, tu finis là. Capable d'atteindre la vitesse du son à la seule force de mes jambes. Mais c'est joliment fait, j'aime bien. Ouais, c'est bien fait. Je suis. Si je peux me permettre, pour les auditeurs, tu t'es chié. Ouais, c'est ce que je me dis, quoi. Vous voyez que. Pour l'imaginer, là, tu dirais du contenu. Hein. Pour faire ces questions-là, parce que les autres, c'est des questions, quoi. Donc, t'as pris les questions. Mais là, pour séparer le. Ouais, les indices faciles, c'est comme ça. Il y a un travail derrière. Chapeau, je me suis bien amusé. Question numéro 2, donc Alice. Avec ces points, nous sommes à 11 pour Kirby. Je vais gagner. Et 7, comme d'habitude. Stetson. Question numéro 2. Indice, par avant. Oui, vous prenez la main. Qu'est-ce que c'est que ça? Anthropomorphe en même temps. Par avant, oufti. Waouh, quoi. Tel que tu lui as demandé des indices, il les décide. Allez, là. Allez, je vais changer, je vais prendre la main. Voilà. C'est risqué, je vois. Surtout par avant, ça ne suffit pas du tout. Gary, vous êtes prêt? C'est pour le sport. Vas-y. Indice, votre autre écran. Par avant. Top, série télévisée divisée en 88 épisodes de 45 minutes, j'ai été créée par des scénaristes américains au début des années 2000. Plusieurs fois récompensée par des Emmy Awards et Golden Globe, notamment pour la qualité d'interprétation de mon acteur principal, ma diffusion a été stoppée en novembre 2008. De type policier, je me fais remarquer par ma subtilité, notamment en ce qui concerne l'ambiguïté entre les bons et les méchants. Michael Chiklis interprète mon personnage principal, The Shield. Le du nom de Mackie. Je suis The Shield. Ouais. Donc, mais que 88 j'étais quasi. C'est ce que j'allais dire au premier. J'ai lu beaucoup de Wikipédia. Moi aussi, j'étais sûr qu'il y avait beaucoup plus que ça. En fait, j'étais sûr qu'il y avait plus que 100 et je pensais à The Shield. C'est ça. Ça m'a envoyé. Je me dis 88, mais c'est pas possible. Écoutez, je me prends peut-être. J'ai vu ça sur Wikipédia. Non, c'est possible. Wikipédia, science. Bravo à Stetson, malheureusement, un seul point. Ouais. C'est déjà ça. Hein. 11 points pour Kirby, 8 points pour Stetson. Bon, des mini applaudissements pour Stetson. Deux doigts. Question numéro 3. Indice. C'est bien ça, 88. BBC. Oh, si je lui laisse la main, il va la voir, BBC. C'est pas un dish. Si je lui laisse la main. Je vais tenter, je lui laisse la main. C'est ça, nous avez la main. Indice. On voit d'autres écrans. BBC. Les Français, pardon tout. Ici, non. Les Indiens, oui. Les carottes sont cuites. Je le répète. Vas-y, excusez-moi, je m'arrête. Top. Univers de fiction. Je suis né en Angleterre à la fin des années 70. Adapté par la suite sous diverses formes, je suis considéré comme culte par de nombreux geeks et autres trous du cul de la même. Doctor Who. Ouais, facile. Hein? Doctor Who. Non. C'est pas ça? Hein? Ah merde, je croyais aussi. Le numéro 4 est terminé, donc ça passe au numéro 3. Oui, tout à fait. Comme normal. Je suis notamment connu de nos jours par mon adaptation au cinéma, aussi en livre, où mon dernier tome est paru en 2009. J'ai été également adapté à la télévision, en bande dessinée, etc. Je mets en scène plusieurs personnages. Non. Mickey, vous avez la main. Kirby, vous avez la main jusqu'à la fin. Je mets en scène plusieurs personnages haut en couleur et très différents, évoluant tous dans un monde de planètes, de vaisseaux spatiaux, etc. Écrit Star Trek ? Non. C'est américain, Star Trek, quand même, donc... Cette sonne. Oh si, je crois que j'ai l'illumination. Reste... Oh non, c'est ça, je vois. Écrite par Douglas Adams sous ma première forme, à savoir un feuilleton radio, je suis. Je sais pas. Ah oh, mais si, Douglas. Ah oh, putain, je sais en plus. Kirby. Mais quand je peux prendre la main. Ah non, bah, c'est pour le sport. Ah, c'est pour le sport. C'est fini là. Mais c'est le guide du voyageur. Non, c'est pas ça. Si. Le guide du voyageur. Il y a une série de ça. H2G2. Ouais. Ouais, il y a une série. Ah, je savais pas. Il y a une radiophonique, il y a eu un roman, il y a eu. Mais Douglas, c'est Douglas Adams. Mais je savais pas qu'il y avait une série. J'ai compris série TV. C'était... Il y a une série TV ou bien Je crois. Hein. Je sais bien qu'il y a eu plusieurs romans. Ouais, mais... Il y a eu plein de choses. Plein de romans, okay. Des séries de feuilletons radio. Douglas Adams, je me rappelais de son nom. Mais... Lire, donc, de fils de Douglas Adams, oui. Mais c'est ça que je dis. Si c'est ça, je me pends. Je me pends, effectivement. Parce que pas c'est de point pour cette question. Il y a un ventilateur, tu peux te pendre. C'est pas assez solide, c'est moi qui l'ai installé. 11 points pour Kirby, 8 points pour Stetson. Passons à la question numéro 4, il n'en reste que 3. Indice, colère. Ouh, Kirby. Raisin. Je vais prendre première. Indice. Pour le sport, je fais une fois sur deux. En bas de votre écran. Les indices, ils veulent rien dire. Je vais faire comme le fou qu'on voit dans les vidéos. Regardez sur les bêtises YouTube. Un cinglé, question pour un champion. Ah putain, je l'ai vu, oui, en cherchant les... Chaque fois qu'il donne des réponses, qu'il hurle, qu'il tape sur le buzzer. Il saute dans tous les sens. Tu iras voir après Bastien, question pour un champion. Oh non, il est complètement malade. Hein. On dirait qu'il va frapper quelqu'un. Mais c'est ça. Bah, cherchez Bastien, question pour un champion sur Internet, vous trouverez. Indice. En bas d'autre écran. Raisin, colère. Kirby, vous prenez la main. Bien sûr. Et t'habites avec. Excusez-moi. S'il vous plaît. Top. Acteur britannique, je suis plus précisément né au Pays de Galles en 1974. Je commence ma carrière au théâtre et dans la publicité, puis j'obtiens mon premier rôle en 1987 sous la direction de Steven Spielberg. Le Smith Nielsen, c'est pas ça. C'est un Canadien déjà. Je sais. Nielsen. À coup de. Désormais confirmé comme un grand nom à Hollywood, je n'hésite pas à me métamorphoser complètement pour les besoins d'un film. J'ai notamment perdu 28 kilos pour un seul tournage. J'ai joué aux côtés de grands acteurs et sous la direction de célèbres réalisateurs, ce qui m'a finalement valu un Oscar et un Golden Globe en 2011 pour le meilleur second rôle masculin. C'est pas lui que je pensais, j'arrive pas à considéré par beaucoup comme le meilleur interprète de Batman, je suis... Putain, pourquoi je trouve pas son nom ? Christian Bale. J'accepte. Sur le gong. Sur le gong. Je le savais dès que j'ai eu ma main, mais... C'est avec les 28 kilos perdus... Ah, je comprends pourquoi colère, maintenant. Oui, quand il a pété une crise... C'est les 28 kilos perdus qui tombent sur la voie. Ouais. Ouais. Les indices, c'est lointain, hein. C'est quand il a pété une crise... C'est le principe. C'est pour ça qu'une fois je prends la main, une fois pas, parce que... Ouais. Non, mais ça m'énerve de pas avoir trouvé son nom plus vite, parce que j'étais sûr que c'était lui. C'est le principe de ces jeux-là, tu t'énerves parce que tu... Tu sais, moi, juste avant le G2, je savais... Ouais. Ça m'a échappé à un mot près, quasi. Donc, et toi non plus, tu le trouvais pas alors que tu savais qui c'était. 1 point pour Stetson, pour Christian Bale, 11 points pour Kirby et 9 pour Stetson, en général. Il reste 2 questions. Ah, c'est serré. C'est serré. Donc, question numéro 5. En 10, tu es les coins de Carmen. Oh. Et ben pour le chili, je vais prendre la main. Parce que j'aime bien le chili. Ça se voit. Indice. Je rigole. Ah, très grand. Tu es comme ça. T'es prêt ? Tout à fait. C'est pas parce qu'on est dissipé que. T'écoutes pas. Top anti-héros de série télévisée, je suis d'origine américaine. Mes caractéristiques principales : égoïste, manipulateur, profiteur, égocentrique, possessif, grossier, xénophobe. J'ai eu droit qu'à ça ? Sadique, raciste, machiavélique, paranoïaque, antisémite, sexiste et cupide. Dr. Rose, au hasard. Mes plus grands ennemis sont les juifs, les roux, les hippies, les pauvres. Oh, je sais. Oh. Bah, ben, elle est facile avec celle-là. La dernière, c'est facile. C'est Cartman. Eh oui. Oh putain. J'ai pas du tout. Elle était courte. Mon quatrième, mes quatre points étaient très très courts. Oui, c'est clair. Mais avec ça, bonne chance. Tu peux le redire le début ? Juste les 4 points. Anti-héros de séries télévisées, je suis d'origine américaine, mais par mes caractéristiques principales, 2 points, et puis. Et puis c'est tout, ça passait à l'autre. Ah bah oui. Limite, il y a des pièges, hein. Anti-héros de séries télé, il y en a beaucoup. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit Doctor Who. Ouais, je m'attendais à un Dexter aussi au début. Mais Chili, je vois pourquoi, mais non. L'épisode où il fait bouffer les parents. Messieurs. Excellent épisode. 11 points pour Kirby, 9 points pour Stetson. Dernière question. Donc il faut que Stetson marque 4 points. Au moins 2 points. Oh, 2 points. Pour faire un match nul. Ah oui, c'est 9-11. Et là, ma question subsidiaire à la con du premier tour pourrait ressortir. Et là, vous allez chier parce que ça n'a rien à voir avec rien. Oh. Et analyse quand même pour que je prenne la main ou pas ? Zerg. Ah, ça va parler. Non, évidemment, ça va pas parler de StarCraft. Attends. Si je prends la main, je me plante sur 4, il réussit sur 3, il a gagné. Ouais. Si je lui donne la main, il va d'office se planter sur 4, j'aurai 3, il aura 2 autres à égalité, donc j'ai plus de choses. Je lui donne la main. Je lui donne la main. Alice. Je t'en peux peut-être dire, parce que s'il réussit 4, s'il réussit 4, il a gagné. Zerg. S'il rate 4, c'est maximum égalité. Top franchise de jeux vidéo américaine, je suis toujours existante et mon premier numéro a vu le jour en 2006 sur Xbox 360 et PC. Je me situe dans le style shoot'em up avec une vision à la troisième personne. Mes deux premiers épisodes ont été vendus à des millions d'exemplaires et le troisième, initialement prévu pour avril 2011, sortira finalement à l'automne. Mon scénario assez simpliste met en scène une coalition d'humains impliqués dans une guerre de survie contre un envahisseur extraterrestre et dénommé Locust. Gear of Swords. Ouh, Gear of Wars, pardon. J'avais dit que maximum ça faisait l'égalité et ça fait l'égalité. Édité par Microsoft, mon héros se nomme Marcus Fenix. Je suis Gear of Wars. J'ai vu un père s'y fait. Je suis. Je suis. Mais c'est pas celui-là. Donc égalité, qu'est-ce qu'on fait ? 11 points partout. Eh bien. C'est les champions là, le combat des titans. Tu savais ? À la dernière, oui. Locust, c'est ce qui m'a permis. Oui, voilà. Après, un Locust, mais à part ça... Parce que j'ai hésité avec Coalition d'Humains, je me suis dit, c'est peut-être Halo, mais ça doit pas être Halo. Messieurs, je suis désolé. T'as pas prévu de question subsidiaire ? Si, pour le premier tour, une question subsidiaire à la con, d'ailleurs, je l'ai souligné. Je sais quelle que je l'ai écrit. Question subsidiaire à la con, c'était pour vous départager au cas d'égalité au premier tour. Donc tu vas penser... Donc je suis désolé, ça n'a rien à voir ni avec le cinéma, ni avec les séries télé, ni avec les jeux vidéo, ni avec rien. Sport, c'est un blind test. C'est une question à la con. Wow. Alors, t'es mieux parti. Vous allez devoir. C'est trop gentil. Il n'y a pas de vitesse. Vous me donnez chacun votre réponse, vous réfléchissez. Celui qui me donne la réponse la plus proche Ah, c'est la bonne réponse, ou éventuellement la bonne réponse en tapant dans les coches, aura gagné le grand jeu d'aujourd'hui. Je vous préviens, ça n'a rien à voir avec et on rien. On propose, c'est le premier qui propose, on n'est pas... On propose tous les deux, je crois. Oui, vous proposez tous les deux. Oui, mais je veux dire, par exemple, s'il va proposer un truc, je ne peux pas proposer la même chose. Donc non. C'est qui propose en premier? C'est le premier qui propose. Celui qui propose. Que... Okay. Bah, prenez le temps de réfléchir quand même, il n'y avait pas de limite de temps. Attention, ne triche pas sur Wikipédia, Stetson, je te vois. Lève les mains. De toute façon, tu verrais si je dois taper, vu que je tape. Alors, question à la con. Je demande un contrôle d'huissier pour que Stetson n'utilise pas son Mac. Quelle est l'année de naissance de Mikhail Gorbatchev? 1900, attends. 1900 déjà, non oui, pas 1900. Vous voyez tous les deux, qui c'est? Oui, ouais. Je vois qui c'est, non. Wotska, KGB. Naissance. L'année de naissance. 1932. Bien messieurs, je dois vous annoncer une grande première dans l'histoire du BGS. L'année de naissance de Mikhail Gorbatchev est 1931. Oh, cette somme gagne son premier BGS. Bon, merci. Bravo, applaudissements s'il vous plaît. Montrez que je suis sport. Applaudissements pour cette somme. Bravo, cette somme. Bravo, bis. Beau match, monsieur, beau match. C'est vrai jusqu'au bout. Bah, c'est vrai que sur ce genre de questions, c'est pas... il fallait quelque chose pour c'est vous départager. Ce qu'on a... Tu peux l'admettre, c'est ce qu'on appelle du hasard. J'aurais dit la même chose, c'est vraiment au pif. Oui, mais... J'ai tapé en me disant qu'à l'heure actuelle, il devrait situer à l'âge de mon grand-père, qui est né dans ces eaux-là, et je me suis dit... Dans ces eaux-là, t'étais pas très loin. Hein. Ouais, j'étais pas loin, mais bon, c'est pas ça. Mais lui, il est vraiment tombé et tout. Et je me suis dit, 32, c'est trop loin, donc je vais taper plus bas, parce que je me disais, c'est dans les années 20. Limite, t'aurais dû dire 31, quoi, juste en dessous de lui. Donc ça, t'aurais eu toutes les années en dessous. Ouais, mais je me suis dit, c'est trop... Si c'est au-dessus, t'es niqué. Mais ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Bah, en même temps, c'est une question de la con, quoi. Enfin oui, voilà. J'aurais peut-être dû dire 31, ça j'étais sûr d'avoir tout le bas, ouais, c'est vrai. Et là, j'aurais eu... Putain, j'aurais dit 31, hein. Bon, ben voilà. Bravo, Stetson, je te félicite. Stetson, première victoire, une victoire, 5 défaites. Je crois que ce BGS est à marquer d'une pierre blanche, pour plusieurs choses. Comme le premier BGS sans problème technique, et le premier BGS où Chauve prépare son sujet, et surtout le premier BGS où Stetson gagne un jeu. Alors là, c'est... Grande. C'est le BGS grand. Des grandes premières, là, c'est extraordinaire. Mais le dernier jeu, déjà, ça avait été plus chaud. Hein. Les blind tests, je me ferais toujours défoncer. Mais le dernier jeu, c'était plus proche, quoi. Ouais, bah, j'avais essayé d'innover, parce que les blind tests, ça devient un moment, mais on y reviendra, de toute façon, mais c'est vrai qu'il faut un peu changer, quoi. Ça vous a plu, comme... C'était excellent. Ah, franchement, bien travaillé. Les questions avec les indices dévoilés au fur et à mesure, j'ai adoré, c'est vraiment bien préparé. Non, mais j'ai voulu innover un petit peu. Content que ça vous ait plu. Bah, c'était nickel. On va essayer de... Terminer tout doucement ici, parce qu'il nous reste la rubrique en vrac, et ça va faire un long podcast. Je pense que... J'espère que les gens arriveront jusqu'au bout. Bon, ils peuvent écouter en plusieurs parties, hein. C'est scindé, c'est pour une bonne raison. Hein. Bon, donc, les enfants, si vous permettez, on va tout de suite embrayer. Alors, sur la rubrique en vrac. Embrayons. Et on clôturera alors ici ce magnifique BGS6, le BGS des grandes premières. Que Stetson est en train de taper et qu'on n'entend que lui sûrement à l'enregistrement. Merci Stetson, c'est bien aimable à toi. Merci connard. Bravo Stetson. On va embrayer sur la rubrique en vrac pour terminer ce petit podcast un peu à la cool. Donc la rubrique en vrac, c'est quoi pour résumer très simplement? On parle de ce qu'on a vu, lu, entendu, joué, manger si vous voulez, récemment, ce qu'on a aimé, ce qu'on a peut-être un peu moins aimé. On en discute très sommairement. Pour clôturer un peu tout ça tranquillement et donner un peu des avis rapides sur certaines choses. Voilà, je ne sais pas si un de vous deux veut éventuellement commencer, a quelque chose à dire, ou je démarre et... Démarre, cher hôte. Comme d'habitude, quoi. On laisse... La motivation et tout le monde suit. Moi, je veux bien démarrer. Hein. Ah, chauffe, vas-y, je t'en prie alors. Que, Faites-en plaisir. Deux choses, en fait. Je sais que vous deux, vous l'avez déjà dit sur nos ondes, vous n'aimez pas du tout, mais... les ondes. La grandiose série Spartacus a désormais une suite. C'est pas que je n'aime pas du tout, c'est que c'est... Hein, une préquelle, oui. Qui s'appelle Spartacus Gods of the Arena, un truc comme ça. Mm-hmm. Qui est une préquelle à la série qui était déjà sortie il y a un an ou deux. Ah non, je suppose qu'ils ont fait une préquelle parce que l'acteur principal était malade et qu'il ne savait pas tourner la suite. Ou à moins que ce ne soit déjà, c'était déjà prévu, je ne sais plus exactement. Non, c'était déjà prévu. Ils ont recast pour pouvoir faire Spartacus la suite. Un autre acteur. Voilà, la suite se fera avec un autre acteur tout de même. Donc, c'était prévu plus qu'à ça. Je ne pourrais pas te dire pourquoi, par contre, ils ont prévu le préquel. Ouais, oui, c'est un peu bizarre de prévoir un préquel à une première. Enfin, généralement, tu prévois ce genre de choses. Plusieurs années en avance, quoi. Enfin, bon, soit. Quand tu dis je vais avoir un spin-off parce que ça a du succès. On est en train de le couper. Non, mais. Ouais, c'est le principe de Ravrak, on est là pour ça. Et pas de surprise, hein, toujours aussi mauvais. Du sang qui gicle partout, des combats. Je crois savoir pourquoi ça te plaît d'ailleurs, Chauve. Bah oui. C'est pour ça, simplement, c'est très simple. C'est l'excuse pour mater du porn en fait. Non, c'est Chauve. Bah non, Chauve, ça se résume à du cul, du sang, de la guerre, du sexe, c'est bon, voilà, il y a ce qu'il faut quoi. Bah, enfin, limite, le cul, on s'en fout, mais moi, des scènes de combat... Des bons gladiateurs mouillés. Vrai non, des scènes de combat bien filmées avec des mecs en armure et des grosses épées, moi, c'est... Voilà. Les films historiques où ça se met sur la gueule. Tu aimes les films de gladiateurs? Qui aime les films de gladiateurs? Moi, j'aime bien, donc, voilà. Sinon, niveau scénario, etc... Sincèrement, moi, j'ai réessayé, et je peux pas, quoi. J'arrive même pas à finir l'épisode tellement. Mais je n'ai pas réessayé parce que moi j'ai laissé tomber et je ne veux pas recommencer. Mais je vais réessayer Gods of the Arena pour voir. Mm-hmm. En me disant c'est un préquel, tu vois, c'est pas grave que j'avais pas vu Spartacus. Et non, quoi. Pas moyen. Bah, t'as vraiment essayé le préquel après... Ah ouais, d'accord. Non, j'ai pas poussé le vice jusque-là. Mais je me suis dit c'est un préquel, peut-être que tu vois, Spartacus est censé être amélioré. Mais je sais que j'aurais jamais le courage de regarder genre les 6 premiers épisodes. Et donc je me suis dit, mieux... Automatiquement recommencer. Oui, il y en a que 6. Je t'ai dit, autant recommencer à zéro sur quelque chose d'autre. Voilà, en me disant, je teste. Si ça me plaît, peut-être que je serai plus motivé à regarder Spartacus. Et non, j'y arrive pas. Mais, ce que je voulais dire... Oui, pour ceux qui n'aiment pas, il n'y a aucune chance qu'ils aiment. Puisque c'est exactement la même formule. Et pour ceux qui aiment, bah voilà. En même temps, il y a un public pour pas, ça. T'as pas de raison qu'il sinon, ils ne seraient pas en train de produire le préquel et la c'est suite. C'est moins subtil que Rome, par exemple. Beaucoup. Beaucoup. Bah. Oh, quand même. Rome, c'est quand même fort ancré dans l'histoire. Et il y a beaucoup de choses dans Rome, en réalité. Autour du cul, du sexe, de la violence, il y a énormément de choses dans Rome. Puis c'est fort historique, centré, basé. C'est très bien fait. C'est cul et baston, mais il y a aussi toutes les. Mais niveau jeu acteur, niveau mal, scénario... C'est mal joué, c'est mal écrit, voilà. C'est le résumé. Et en plus, moi, je n'aime pas personnellement... Mal écrit, non, je dirais pas. Ah, c'est j'aime pas le sang de Spartacus. Oui, moi non plus, c'est le truc qui m'a énervé au début. D'un 300, quoi. Mais oui, mais j'en aime justement. Mais c'est bizarre, parce que j'aime bien 300. Ouais. Mais... Moi, ça me rebute, Non, j'arrive pas. Ouais, pareil. Mais bon, c'est vrai que c'est une question de goût. Il y a public, original, de toute façon, il y a un public pour ça. Je trouve ça original. Autant Rome est bien fait, très, très réaliste. Rome, c'est presque plus un roman. Faut être motivé. J'ai toujours dit de The Wire qu'il fallait être dans l'idée de le regarder. Tu vois, c'est pas une série que tu vas aller ça, voir. Ça, j'ai regardé. The Wire sur écoute, c'est excellent. Je trouve que Rome, c'est la même chose. Spartacus, tu peux regarder là, voilà. Objectivement, Rome est meilleur, mais je trouve Spartacus plus facile à regarder. Ouais, beaucoup plus facile, ça, je suis d'accord. Même si j'aime pas. J'ai jamais dit que c'était du grand art. Hein, mais non. Moi, ça me plaît. Heureusement. Voilà, ça me fait passer le temps et je trouvais ça. Ouais, trouvais ça assez bien foutu. Nous le concevons, n'est-ce pas, cette surprise par rapport à l'autre. Moi, je conçois qu'on peut aimer, franchement, ce style. Au début, j'ai vraiment eu du mal avec les gens qui me disaient non, mais c'est bien. Puisque le premier épisode m'avait vraiment insoulé. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de séries comme ça où les gens me disent oui, c'est bien et où, en persévérant, effectivement, ça devient sympa. Donc, post-Spartacus, je me suis dit, je vais essayer. Et je me suis envoyé 3 épisodes, mais au 3e, je pouvais plus. Je n'y arrivais pas. C'est comme de quai, on m'a dit. Mais je pense que dans notre génération et notre groupe, on est assez rare dans le cas de ne pas aimer Spartacus. La plupart des gens que je connais aiment bien Spartacus. Quoi. Mm-hmm. Ah, moi, je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas, justement. Ouais. C'est l'inverse. Ben voilà. Ouais. Sinon, deuxième chose. C'est une série qui divise, par contre, je dirais. Ouais. Bah, y a des gens qui aiment bien ou t'aimes pas du tout, quoi. Ouais. Ouais, c'est le genre de série où tu où t'accroches et t'es directement dedans et t'adores ça, ou ça te rebute complètement comme nous et tu, c'est fini. Mm-hmm. Parce qu'on n'arrive même pas à se forcer, quoi. Bref, je trouve ça super facile à regarder. Deuxième chose, monsieur Chouf. Deuxième chose, encore une série, mais qui est déjà un peu plus ancienne, enfin, c'est jamais que de l'année dernière. C'est pas. Oh, ben, je regardais des séries qui sont commencées il y a parfois 6-7 ans. Et... Ouais, déjà dispo en DVD et tout le bordel, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas très vieux. Sauf que c'est quelques temps que j'avais vu que ça existait, mais j'avais jamais eu l'occasion de regarder. Et c'est quoi ? C'est l'adaptation en série, mini-série des Piliers de la Terre. Oui, j'ai entendu parler beaucoup. J'ai pas vu, mais j'ai entendu qui parler. Qui est, justement pour le sujet, qui est adapté d'un bouquin, excellent d'ailleurs, très, très connu, et, qui en gros raconte toute une série, mais c'est deux bouquins en fait. Il y a les Piliers de la Terre et Un monde sans fin, qui sont deux bouquins de 800 pages, c'est très gros, c'est très dense, c'est beaucoup de personnages. Autant histoire, autant récit de guerre ou romance. Le bouquin, je l'ai eu ici et je n'ai jamais réussi à le lire en entier. Ou intrigue politique, tout basé autour de l'histoire de la construction d'une cathédrale au début du deuxième millénaire, donc dans les années 1100 en Angleterre. 12e siècle, je crois. Ouais, en 1100, ça commence en 1142, dans la Zarassi. Donc ils en ont fait une mini-série, je sais plus combien il y a d'épisodes, 6, 8, un truc comme ça, 8. Apparemment un petit budget, mais... 40 millions. Voilà quoi. T'as ouvert la page Wikipédia ou IMDB ou un truc comme ça ? Wikipédia, mais je savais que c'était... Il n'y avait pas beaucoup d'épisodes. Je connais pas les budgets moyens. Mais c'est une série de... C'est une série qui passe sur Starz, non ? Ouais, c'est pas une série américaine, je pense que c'est canadien, allemand, en basant ainsi. C'est anglais. Et quoi, tu t'en as pensé quoi ? Ouais, j'ai trouvé que c'est quand même assez bien foutu. Bien joué par certains acteurs, mal joué par d'autres. Et c'était une adaptation correcte, quoi. Il y a Ian McShane qui est excellent, c'est de Deadwood. Il y a aussi Rufus Sewell qui joue le rôle... Ça, je vois plus. Qui c'est Tom, le Il a joué dans quoi ? Je ne pourrais plus te dire, mais sa gueule est connue. Donc oui, c'est assez correct. Maintenant, le bouquin est tellement touffu, tellement dense que c'était impossible de tout condenser là-dedans. Il y a quelques ajouts, quelques oublis. Mais d'une façon générale, c'est quelque chose que je conseillerais. Et ça m'a donné envie de relire le bouquin, chose que j'ai entrepris depuis 2-3 jours. C'est laborieux. Enfin, le bouquin, il faut... Non, je trouve que c'est super facile à lire. Quoi. Après un moment... Enfin, moi, le début, j'ai... Pour rentrer dans l'histoire. Mais le début, ça a été, je suis rentré. Mais après un moment, j'ai eu du mal à continuer tous les jours à me lire quelques pages. C'est long, c'est le problème des gros bouquins, il faut être motivé. Parce que j'ai lu 300 et quelques pages. Mm-hmm. Et puis après, j'ai eu du mal à continuer à régulièrement me lire mes... Non, j'aurais peut-être dû persévérer un petit peu, je ne sais pas, si mais c'était peut-être mon humeur du moment qui a fait que, mais ça m'a semblé long. Je me rappelle que j'avais lu le deuxième épisode qui n'était pas encore sorti en livre de poche en français, donc je me l'étais tapé en anglais, tellement j'essaie dedans, quoi, donc je me suis tapé les livres en anglais. Juste personnellement, c'est pas vraiment l'époque qui me plaît, donc... Ah, mais je trouvais que c'était... Je suis plus passé que... Bien écrit, que ah, bah moi, je suis plus anticipation. Pas science-fiction, anticipation. Ouais. Bah, moi, je suis beaucoup plus... Moi, je suis plus science-fiction, justement. Mais pour le coup, là, j'ai... Bonne époque, j'ai bien aimé, c'était bien écrit, j'ai trouvé. Mais je sais peut-être que mon humeur du moment a changé, que j'ai eu envie de faire autre chose, je ne sais pas, mais j'ai eu du mal à rester accroché au-delà des 300... Je ne sais plus, j'ai lu 300 pages, en général, quand tu lis 300 pages, t'as fini le bouquin, là, t'as même pas la moitié. Ah là, oui, voilà, là, t'as même pas... Et juste, c'est peut-être ça qui m'a désespéré, je ne sais pas. Mais j'ai décroché. Je conseille la série et encore plus le bouquin. Mais la série doit être sympa, parce que si vraiment elle est... Bon, on parle des adaptations tantôt, mais si vraiment elle est bien faite par quelqu'un que le sujet intéresse et dont... On voit que le mec a lu le bouquin ça maintenant, c'est vraiment très condensé tellement le bouquin ça aurait gagné à être une meilleure chaîne à mon avis. Pour moi qui ai lu... Ça aurait gagné à avoir deux fois plus d'épisodes surtout. Oui mais ça c'est un autre problème, mais tu vois ça aurait gagné sûrement à être sur HBO et qu'ils en fassent quelque chose Sûrement, oui. J'ai une question. Oui. Pour moi qui ai lu une partie, on va dire la moitié, parce que je sais pas ce qu'à la moitié du bouquin... regarder la série, ça peut être un bon... Pour terminer cette histoire, pour voir enfin ce... Ça peut être un bon... complément. Vu que j'ai décroché le bouquin, j'ai pas envie de reprendre à... Si je reprends, c'est au début, donc... Oui, t'auras pas toute l'histoire, t'auras le gros résumé, enfin... Mais je m'y retrouverai. Mais oui, tu t'y retrouveras, et pour un aperçu de ce qu'est le bouquin. Je vais essayer, je vous dirai quoi. Totalité. Je vous dirai quoi au prochain. Dans le même style, entre guillemets. Toujours avoir en vert. Ça, pas sous-titré. Surtout pour Stetson, ça va de soi. C'est de l'anglais assez facile, donc il y a moyen. Il y a... Je sais pas pourquoi je fais le lien entre les deux, mais pour moi, ça... c'est pas du tout la même époque, mais il y a Games of Thrones qui débute d'ici deux semaines. Oui, c'est pas... Et comme je disais, moi, c'est pas tellement ma période, et le médiéval fantastique, c'est... je sais pas si j'en ai bouffé trop, ou que... Enfin, moi, ça me passionne plus trop, mais bon, je pense que je ferai l'effort quand même pour... Moi, je suis plus tourné vers le futur maintenant, et le médiéval fantastique, à un moment... C'est peut-être d'avoir bouffé trop de jeux de rôle et trop ouais, de... Ouais, je pense. Mais bon. La Games... Ouais. Bah, Games of Thrones, c'est ton... C'est quoi que tu dis ? Non, c'est Games of Thrones. C'est ton... Games ? Jeu ? Game... Ouais, comme... C'est ce, qu'on appelle... c'est ce qu'on appelle ton gonomètre Games. Du moment, quoi. Oh. C'est ce que t'as envie de découvrir et que tu attends avec impatience. Thrones. T-H-R-O-N-S. C'est ton gonomètre, donc ce que t'as envie de découvrir. C'est du trône de fer. C'est ce que tu attends avec impatience, quoi. Ouais, parce ça que promet, je pense ça, que ouais, ça promet. Ça, je pense que c'est la série la plus attendue de cette année, mm-hmm. et je pense que c'est la série la plus importante pour HBO depuis quelques temps. Mais c'est pas mon coup de cœur ou quoi que ce soit. Enfin, faudrait que j'attende de voir pour dire. Ça me dit quelque chose. C'est un énorme livre. Hein, c'est adapté d'un livre. Mm-hmm. Ouais, c'est énorme. C'est une série même de livres. Hein. Ouais. Ouais, c'est une série de livres. Mais je livre, pense hein. que ça peut être très bien ou ça peut être. Enfin, je pense pas que ça peut être très mauvais, c'est HBO. Mmh. Oui, c'est rempli de bons acteurs. Au moins du grand spectacle. C'est le seul que je connais dans les acteurs. Ouais, mais à mon avis, il y en a que tu connais pas de nom, mais que tu as vu leur visage, tu vois. Mmh. Je pense, connaissant un peu HBO et connaissant un peu l'histoire, à mon avis, ça va être au minimum du grand spectacle et du bon spectacle. Quoi. Après, à voir si ce sera réellement bien adapté, s'il y aura un scénario derrière qui tiendra la route, si les acteurs seront bons, tout ça, on peut pas le savoir, évidemment. Je ne peux pas savoir en avoir vu, mais... C'est une série qui est en développement depuis très longtemps. C'est à partir du 17 avril. Ouais. On verra. Je note. Il y a aussi... Tu veux continuer ou oh, bah, tant que j'y suis. Il y a aussi Jason Momoa là-dedans. Ah, il joue aussi je... C'est bon, il est partout, lui. C'est Stargate. J'ai trois trucs, en fait. Hein. Donc, j'ai moi, une j'ai plein de trucs, moi. Ouais. J'ai ouais, une série qui vient de finir... la semaine dernière, je pense. Une adaptation d'une série anglaise. Non. Shameless. Alléluia. Parce que Skin, Oui, Skin, c'est affreux. Je me suis enquillé 6 épisodes. Je me tue à vous le dire. Tu sais non, pas mais en Angleterre, c'est pas non, mauvais. C'est la merde. Je me suis enquillé 5 épisodes de la série... 5 ou 5, je crois, enfin bref, de la série américaine. C'est... Ah, même la série anglaise, ah, c'est du caca. J'en fais ça, Skin, j'en fais un comme ça tous les matins. donc, c'est une série de Showtime. Ceux qui font Dexter et tout ça pour situer. Mmh. C'est sur une famille dans le South Side de Chicago. Et le père est un alcoolique très très fort. Et, comme le mien. À mon avis, bien c'est pire, sympa, hein, mais bon. Non, mon père n'a pas du tout. Qui a 6 enfants et la plus vieille des filles s'occupe de tout le monde et voilà, ils essayent de. Je sais pas si on peut dire survivre, mais ça a pas le côté très sombre comme Winter's Bone que j'ai parlé plus tôt, qui a un côté très sombre. C'est plus un petit peu plus exagéré, mais c'est bien écrit, c'est bien joué. C'est une adaptation d'une série anglaise qui a 8-16 ans, je crois. Et la version américaine Elle est vraiment très bien. Je dirais même qu'elle est meilleure que la version US. C'est rare, c'est très rare. Que la version anglaise. C'est vraiment très rare. Ouais, mais bon, en même temps, c'est Showtime. Ils ont fait des mauvaises séries, hein, mais. Ouais, bon, ils sont quand même connus pour. Ouais, je dirais que leur plus mauvaise, c'est les Tudors, qui est un peu naze, mais bon. C'est sympa les Tudors, moi j'aime bien. C'est historique, donc ça devrait me plaire en fait. C'est historique, mais. Ils viennent d'enchaîner sur. C'est pas trop. C'est pas. Comment. C'est historique, mais sans être vraiment braqué sur. À fond sur l'époque, sur le style de vie. Il y a quand même des dialogues qui ne sont pas. Qui sont un peu dans d'autres temps, il y a quand même des Mais c'est historique arrondi, quoi. Oui, voilà. Merci, ah, jolie expression. Quoi je retiens. Je ressortirai. Historique arrondi. Historique arrondi. Oui, c'est joli, j'aime bien. Mm-hmm. Ça correspond tout à fait. Mais moi, les Tudors, je trouve ça sympa, moi. Enfin, j'ai pas. C'est, comme lui, j'aime pas trop l'acteur, donc peut-être que ça m'aide pas. J'ai gardé que les deux premières, mais bon. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est qu'à la fin, ici, je crois qu'ils sont sur la fin de la vie et de Henri VIII. Et à la fin de sa vie, il était gros, gras. Oui, j'ai du mal à imaginer comme l'acteur. Voilà, comme Stetson. Mais beaucoup le problème, plus. C'est que justement, l'acteur, ils ne l'ont pas spécialement, on l'a dit ou quoi. Mm-hmm. Donc, j'ai pas encore suivi la quatrième saison, mais les échos que j'en ai entendus, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'il se prend une femme qui est censée être dégoûtée de lui, mais il garde quand même un physique de jeune premier. Pas spécialement crade. Maintenant, ils l'ont quand même un petit peu crédifié, ouais. Mais crédifié, c'est joli comme mot. Mm-hmm. Bref, j'aime bien les tutos, c'est sympathique, ça se laisse regarder. C'est Rick qui est fini, hein, maintenant. Ils ont arrêté à la saison 4 ? Bah ouais, parce que j'ai lu que... une série l'a remplacé, une série sur... un pape, mais je sais plus lequel. Donc encore une série historique, mais Jean-Paul II. Non, beaucoup plus, il y a beaucoup plus longtemps. J'aurais pu dire, mais bon, c'est facile à chercher si vous avez quelque chose. Mon autre, c'est un truc que vous ne connaîtrez pas, je suis quasi sûr. C'est série documentaire, on va dire. Donc c'est une série, la dernière série de Ross Kemp, qui fait toutes sortes de documentaires pour la TV anglaise. Il a fait, il y a déjà quelques années maintenant, mais c'était Ross Kemp and Gangs, où il allait voir des gangs dans différents pays, il y a 4 saisons de ça. Et où il discute avec les membres de gangs de différents pays. Et c'est très, très, très, très réaliste, très, très bien fait. Il en a fait d'autres, il a fait des spéciales sur les pirates en Somalie. Il a fait deux... tour en Afghanistan avec un bataillon où vraiment il allait au combat avec eux, donc pas une tafiole le mec. Et sa dernière, c'est Extreme World, et ça parle de... Il y a 5 épisodes, c'est chacun dans une ville différente. La première, c'est à Chicago. À Chicago, ça parle principalement de comment l'héroïne est fort, est devenue très très importante là-bas. Quand il est à Haïti, ça parle de comment le pains ne se reconstruit pas malgré toutes les aides et tout ça. Voilà, c'est, si on aime le style un peu documentaire réaliste, c'est fort sympa. Je le conseille vraiment. Il faut vraiment que tu nous ouvres une section documentaire sur le forum. C'est ça, quoi. Franchement, ouvre Topic et propose-nous de te documenter. T'as jamais posté un seul truc sur le forum. Il m'a promis qu'il allait venir. Ouais. Je lui ai dit de me mail. Histoire de faire un... Bon, rappel quand même, parce que je le fais à chaque fois, mais comme ça, à tripoter du monde. Le forum, vous venez sur bg-show.be. Et là, vraiment, il n'y a personne. Hein. Un magnifique lien forum dans le menu tout en haut. On n'a que deux à poster dessus, mais apparemment, vous êtes environ 60 à nous écouter. Il suffit de cliquer dessus. Oui, parce que vous êtes quand même plus de 60 maintenant à télécharger le podcast régulièrement, et pourtant pas de réaction. Donc on aimerait bien un petit peu de commentaires. Bougez vos culs, putain. De gens qui interagissent, n'hésitez pas, on ne mord pas. On est là pour débattre avec vous. Je suis pas sûr qu'il mord pas. Moi je vous traiterai éventuellement de connard si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais... Non, il n'est pas si méchant qu'il en a l'air. Il est poli dans la vraie vie. Sous son vrai visage. Sous son vrai nom. Jean-Luc. Be... je m'appelle pas Jean-Luc. J'avais pas révélé ton vrai nom quand même. Ouais, je m'appelle pas Jean-Luc. Petite note, Ross Kemp, il ressemble énormément à Vic Mackey, donc c'est très marrant au début à voir, mais c'est pas un truc très connu, quoi. Oui, il est chauve, il est un petit peu moins un petit peu plus large d'épaule, hein. Vic Mackey est un peu plus bas aussi, un petit peu. Ils ont le même style, quoi. Et enfin, c'est pas ultra connu, c'est pour ça que je me disais que j'en parlerai, comme ça peut-être que ça vous intéressera. Ça intéressera peut-être d'autres gens. Franchement, poste tous tes ouvre trucs un topic documentaire. N'hésite pas. Quoi. Et les gens, venez sur le forum poster. Ben, c'est pas un documentaire, c'est une série, mais je sais pas trop comment. On peut pas dire que c'est de la TV réalité, quoi. Tu vois, le but, c'est un sujet. Je sais pas, une émission d'investigation, si on veut. Ouais, un jour, j'ai découvert un bête jeu auquel je joue un peu maintenant. Ben voilà, j'en ai fait un sujet. Oui, j'ai vu sur le forum, effectivement. Ben moi aussi, d'ailleurs, j'ai fait un sujet sur un bête jeu que j'ai découvert. C'est un jeu, d'ailleurs. Bon, Stetson... J'ai un coup de gueule, mais je vais te laisser faire. Non, tu peux, vas-y. Non, vas-y. Je me parle, parce que j'ai beaucoup de choses, hein, je te préviens. Mais vas-y. Bon, ben, sauf si tu veux pas finir sur un coup de gueule, évidemment. C'est pareil. C'est un coup de gueule très geek. J'ai des coups de gueule aussi. Bon, Bah je vais alors, je me lance. Encore une heure de route à me taper. Moi. Je vais commencer. 2h30 du matin. Je vais commencer, comme vous vous en doutez tous les deux, par parler un tout petit peu de ma découverte de jeux vidéo très récente, Minecraft. Hein, puisque bon, j'ai commencé à jouer très récemment, complètement par hasard. J'étais en train d'écouter un podcast, Labyrinthe du Capitaine pour ne pas le citer. Et dans le, puisque c'est un podcast en live, dans le chat, j'ai vu quelqu'un qui mettait je vais jouer au Minecraft en écoutant. Et je me suis dit, j'ai beaucoup entendu parler de ce jeu, pourquoi pas essayer, j'ai jamais joué. Et en fait, c'est génial. Tout bonnement génial, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, je recommande à tout le monde d'essayer ce jeu, c'est vraiment une tuerie, c'est le jeu, je trouve, de ces dernières années. C'est le jeu qui m'a donné envie de recommencer à jouer, et en multi aussi, et c'est là qu'il prend tout son essor. Bon, pour résumer rapidement, je vais essayer de faire ce qu'est Minecraft. Ce qu'est Minecraft, mais c'est vraiment très rapide. Il faut chercher un peu plus sur Internet pour découvrir parce que c'est énorme. C'est un jeu de construction. C'est un jeu de, oui, de construction, si on veut. La base du jeu, vraiment. Le principe, vous arrivez dans le jeu, il y a une carte qui est générée. Donc vous arrivez, il y a des montagnes, des forêts, des déserts, de la glace, de la mer, toutes sortes de choses. Vous arrivez sur ce continent totalement vierge. Et en fait, tout est fait de comme tête seule. Merci, chaud. Tout est fait de cubes. Donc tout est en cubes. Donc il y a la terre, et il y a des cubes de terre qui sont attachés pour les montagnes, les cubes de roche, des cubes. Et le principe, vous êtes un personnage qui est à la base un mineur. Mine, c'est pour la mine. Et donc vous devez commencer à. Vous allez commencer à casser par exemple des blocs de terre ou des blocs. Et avec les blocs que vous récupérez, que vous venez de casser, vous allez fabriquer des choses. Donc vous pouvez d'abord fabriquer un atelier de crafting, qui permet de mélanger différents éléments. Quand vous mettez des blocs de certaines choses, par exemple vous mettez deux blocs de bois et au-dessus trois blocs de pierre, ça vous fait une pioche. Avec cette pioche, vous pouvez creuser plus loin, vous pouvez chercher d'autres matériaux, et ainsi de suite. Et le but de ce jeu, c'est en même temps un jeu de construction, parce que vous récupérez tous ces blocs et vous pouvez aller les poser ailleurs et les entasser pour faire des constructions. Il y a des gens qui font des choses magnifiques sur Internet grâce à ça. Mais c'est également une sorte de jeu d'aventure, parce que vous pouvez fabriquer une épée, par exemple, ou un arc. Et en fait, il y a un cycle jour-nuit dans le jeu. Le jour et la nuit durent chacun 10 minutes. Et quand la nuit arrive, la journée, vous avez des animaux qui se baladent et qui vous servent à récupérer aussi des denrées. Donc le cochon vous sert à récupérer, par exemple, des espèces de steaks qui vous donnent des vies. Le lavage du cuir pour faire votre armure. Vous pouvez vraiment, tous les éléments que vous avez, vous pouvez les casser, les récupérer et les crafter, donc en faire quelque chose. Et la nuit, il y a des monstres qui apparaissent, des zombies, des saloperies qui explosent, dont j'ai oublié le nom, mais c'est vraiment les pires monstres qui existent dans Minecraft, des squelettes qui tirent à l'arc, enfin vraiment des monstres. Et le but est d'un peu vous planquer ou de commencer à combattre avec cette épée. Vous avez également des donjons dans des grottes. Enfin, c'est vraiment énorme. Là, j'ai fait vraiment que la base de chez base. Donc si vous voulez découvrir, je vous recommande de chercher un peu Minecraft sur Internet, de chercher des vidéos. Et là, vous tomberez vraiment amoureux de ce jeu-là. Ou peut-être pas. Mais bon. Beaucoup de chances que vous tombiez amoureux. Non, mais j'approuve complètement de son jeu, mais moi, c'est pas. Enfin, j'ai acheté le jeu, hein, donc. Alors, voilà, justement, l'achat. Alors, avant toute chose, cherchez un conseil. Cherchez sur YouTube Fantasio, c'est plus le chiffre qu'il y a après, mais bien débuté à Minecraft par Fantasio. C'est un joueur Minecraft assez connu et qui joue depuis un moment et qui a fait des vidéos tutoriels qui expliquent le jeu. Ouais, je pense que ça peut aider. Moi, j'ai commencé. Vous regardez, il y a 17 vidéos, c'est vous dire le contenu du jeu qui est assez énorme, qui vous présente les différentes possibilités du jeu. Et une fois que vous avez regardé ça, c'est là que vous comprenez vraiment l'essence du jeu. Parce que la première fois que vous vous lancez, si vous vous lancez sans aucune marque, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce que je dois faire en fait. Moi, la première fois, je me suis lancé là-dedans, j'ai commencé à creuser mon trou. La nuit, dès mon réveil, je me planquais. Le jour, je ressortais, je me dis mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Il y a rien à faire. Et quand j'ai découvert ces vidéos, j'ai compris le mélange des éléments qui pouvaient créer tel objet, qui donnait tel autre objet par après. Et c'est là que le jeu prend tout son essor. Donc, cherchez Fantasio, bien débuté à Minecraft sur YouTube, et vous verrez. Et alors, deuxième chose, c'est le prix du jeu, et après je m'arrête là, c'est que le développeur, donc c'est un développeur indépendant, Notch, pour ne pas le citer, qui a développé ça, et qui continue d'ailleurs à travailler dessus. Il y a une mise à jour qui vient de sortir ici. Il vient d'être en bêta en fait, hein, il était en alpha avant. Ouais, mais il continue. Enfin, ici il y a deux jours, il y a quand même mise à jour de la bêta. Ouais, mais je veux dire, il est toujours en bêta. Très pratique pour tuer les monstres. Donc cherchez qui peut sur internet. Vous verrez son site, donc c'est sur minecraft.net si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez en fait. Le principe c'est que le jeu est maintenant en bêta et il vous le propose à 15€. Et si vous l'achetez à 15€, vous marquez donc que vous voulez le soutenir en version bêta. Le jour où la version finale sortira, vous l'aurez, votre jeu sera automatiquement mis à jour gratuitement. Vous ne devrez pas payer le prix de la version finale, un prix plein d'un jeu. Et toutes les updates seront gratuites. Dire, tout sera gratuit et toutes les updates qui arriveront par la suite seront gratuites. C'est bien ça. Donc ça, je trouve quand même que c'est bien. Et encore en mieux. Temps, vu qu'il le fait tout seul, je crois. Non, il le fait plus tout non, seul. Il n'y a plus tout seul, mais au début, il est multimillionnaire hein, maintenant. Mais ouais. Au départ, il a quand même lancé le jeu en version alpha, il proposait à 12 euros. Et pareil, les gens qui ont acheté la version alpha ont été mis à jour automatiquement en bêta. Moi, j'ai acheté en alpha depuis très longtemps. Donc c'est quand même un bon jeu. Enfin, c'est un bon procédé de sa part. Ouais. Maintenant, la communauté Minecraft, c'est vrai que, comme dit Stetson, il a beaucoup d'argent parce que la communauté Minecraft est très très. Il a beaucoup d'argent en même temps, c'est le mec. Sur Internet, hein. Quand tu le lis en interview, il est tellement cool, quoi. Il en a rien à. En fait, son seul plaisir d'avoir de l'argent, c'est qu'il se dit que toute sa vie, il pourra créer des jeux. Il en a rien à foutre d'avoir de l'argent, tu vois. Ce qui est énorme dans Minecraft, c'est qu'il se sert en fait de tout ce qui est. Je trouve, de tout ce qui est logique. Donc, des réactions physiques logiques, des réactions de l'ordinateur logique. Et on peut créer des choses, mais quasiment à l'infini. Les mondes générés sont quasiment infinis. C'est énorme. On peut se perdre dans le monde de Minecraft, dans la carte qui a été générée. On peut construire une maison qui va jusqu'au nuage, et on part tellement loin qu'on finit par ne plus la retrouver. Ça m'est déjà arrivé. J'avais une tour de pierre qui allait jusqu'au nuage pour indiquer où était ma maison. Elle était énorme, et j'ai tellement été loin dans le décor que je n'ai plus jamais retrouvé ma maison. C'est un monde, mais c'est extraordinaire. Et les serveurs sur Internet, parce que le jeu prend tout son sens en multi, cherche un petit peu, vous verrez des vidéos assez énormes de ce jeu. Sur les serveurs en multi, les gens créent des pays entiers avec des lois qui les régissent, avec des villes à l'intérieur de ces pays. C'est énorme, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment. Voilà, pour moi, c'est une tuerie du jeu vidéo. Et comme disait Stetson, tant que les jeux indépendants, ce qui fait leur force, c'est le gameplay. Pas souvent le scénario ou les graphismes. C'est mais ils vont faire un. Enfin, Nudge va faire un nouveau jeu avec. Ce sera un jeu de cartes, je crois. C'est comment encore le nom d'un jeu de cartes connu. Enfin bon, soit. Mario Kart. Non, de cartes. Oui, je sais. Je et il va faire ça avec le duo derrière Penny Arcade. Bah, quand tu ne trouveras le nom, tu es facile. Voilà, donc c'était mon coup de cœur Minecraft, donc je vous conseille vraiment, cherchez, vous verrez, c'est extraordinaire. Cherchez un petit peu les montagnes russes par exemple, faites avec les rails de mine. C'est Scrolls, leur prochain jeu. Et c'est un mélange entre les jeux de cartes et un jeu de plateau. Alors ensuite, je vais quand même en parce qu'on n'a pas toute la vie. Deux coups de cœur cinéma. Parce que quand même, Stetson, je crois que tu auras les mêmes que moi. Pour commencer, Black Swan évidemment, qui est. Pour beaucoup, c'est le film de ce début d'année. Je crois que Stetson sera d'accord avec moi pour dire que c'est effectivement le film. Peut-être pas le film, mais... Peut-être pas le film. Peut-être pas le film de ce début d'année. Il y a eu d'autres films très bons, mais c'était très bien. Et, oui, mais c'est... Enfin, pour moi, c'est quand même... C'est le meilleur film que j'ai vu depuis bien longtemps. Ça m'a retourné. Mais c'est Black Swan, ça m'a... Non, mais j'étais... excessivement surpris, je te l'ai dit tout à l'heure. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas pourquoi je me suis senti forcé d'aller le voir, dans le sens où tout le monde en parlait. J'aime bien Nathalie Portman, même si je trouve que ses derniers films de. Ça dépend d'un film à l'autre. Ouais, voilà. Voilà. Et je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ça du tout. Tout d'abord, franchement, c'est. Ouais, non, c'était excellent. De bout en bout, ouais, c'est magnifique et la fin, on a apothéose. Tu ne sors pas de là différent, quoi. Non. Par contre, vraiment, est-ce qu'elle méritait son Oscar pas sûr. Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment... Mais t'as pas vu un autre film que moi, je trouve qu'elle méritait plus. Mais bon, je peux en parler après. Vite, peut-être. Non. Winter's Bone. Ah non, j'ai pas vu, effectivement. Et donc voilà, je trouve que tu n'as pas vu Black Swan, encore. Pas encore. Mais... Je te le recommande. Au premier abord, on peut se dire que c'est pas le style de film que... Mm-hmm. Bah oui, ça m'a étonné. Surtout avec ton côté bourru. Oh. Franchement, non, c'était vraiment bien. Ça m'a donné envie d'aller voir le lac des cygnes. C'est vraiment excellent. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une descente dans la folie. C'est très maîtrisé, très, très bien écrit, pensé, joué. Pour moi, c'est le film de ce début d'année, tout simplement. Et alors, le deuxième coup de cœur cinéma, c'est King's Speech, qui est un film, je trouve, simple, sans débauche d'effets, acteur extrêmement connu. Oh, Colin Firth quand même, il est connu. Mais il bon. Est connu, mais je veux dire, sans tête d'affiche, c'est pas un gros blockbuster, c'est pas une débauche d'effets spéciaux, c'est un film simple, mais qui te qui te prend de bout en bout et qui t'emmène dans une histoire complètement différente de Black Swan. Hein. Mais dans le sens où même quand on va voir King's Speech, ce qu'on s'attend, c'est à peu près ce qu'on a. Quoi. Ah oui, voilà, c'est tout en étant très très bien. Hein, mais... C'est sans prétention, tu t'attends. On te résume le pitch, tu vas là-bas, tu as le pitch, tu sais ce qui va se passer. Puis comme c'est un peu basé, c'est historique, donc un petit peu. Donc si tu t'intéresses en tant qu'un peu à l'histoire, tu sais de quoi ça parle. Mais voilà, ça t'emmène de bout en bout. Et moi, je suis sorti de là content, agréable. Vraiment, je me sens bien. Afrique. Ouais, quasiment. Si le roi n'était pas aussi. Enfin bon. Bref. C'est qui? C'est un beau pote. Non, du tout. Le roi, donc. Le roi. Ouais. J'ai compris Laurent. Laurent, c'est un de nos potes, oui, mais ça n'a rien à voir. Ben voilà, mais avec Kingspeed, je plus sois et je recommande. Je vais peut-être laisser la parole à mes deux camarades avant de continuer. J'aurai d'autres choses après, mais. En vrai, peut-être ton coup de gueule, Stetson. Moi, je dis ce que j'aurais à dire. Moi, je comptais pas en parler, mais vu que tu l'as pas vu et qu'on a parlé, Winter's Bone, donc. Non, pas vu, effectivement. C'est. Il m'a fait penser au film des frères Dardenne dans le sens où il est. Bon. Dans le sens où l'environnement est fort sombre et dépressif. Ça se passe dans une région. Moi, j'y réfléchis, j'aime pas spécialement le frère Dardenne. Putain, je déteste ça. Cinéma belge. Ça se passe dans une région désuète, les Ozarks. C'est principalement dans le sud du Missouri. C'est une région. Historiquement, c'est la région où la guerre civile a été la plus sanglante. Une région assez forte anti-gouvernement, plein de MATLAB. Plein de MATLAB. Quoi de MATLAB? Là où ils font de la MET. Et ce film ne sait pas parler comme tout le monde. C'est pas dire laboratoire de méthamphétamine. Il faut dire qu'il. Le MATLAB, c'est plus court, quand même. Ouais, mais. C'est un peu comme Shameless, mais beaucoup, beaucoup plus dépressif. C'est une fille qui. Enfin, elle a 17 ans. Son père n'est pas allé à sa présentation pour. Au tribunal. Et donc, si elle ne le retrouve pas pour le présenter au tribunal. Ils vont perdre la maison où ils vivent et donc elle commence à le chercher, à interroger des gens qui connaissent son père et tout ça. Mais la performance de Jennifer Lawrence était beaucoup plus impressionnante que celle de Natalie Portman. C'est beaucoup plus sombre hein, comme film. C'est pas avis. Pour tout le monde. Peut-être une inférence. Peut-être à voir, mais c'est vrai que. La présentation que tu nous as faite, c'est pas contre toi, mais ne me donne pas spécialement. Non, mais de toute façon, parce que film dépressif et frères Dardenne. Mais 3h-20 du matin, le film dépressif. Et Dardenne. Film sombre, quoi. C'est pas le film qui te rend. Non, je sais, mais voilà. Je suis pas très film. Comme les frères Dardenne, un film social. Un petit peu, c'est un film social, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Bah, à quoi? Tu trouves que c'est pour tout le monde les films? C'est l'ami du peuple ici, le grand socialiste avec des pompes à 250 boules. La minute du peuple par Stetson. C'est pas non, ça que j'ai dit, mais c'est un film intellectuel quoi. Ouais. On se moque. Stetson se targue d'aller voir des films intellectuels. Le budget. Je ne sais même pas ce que le mot intellectuel veut dire. Les revenus de King's Speech et Black Swan, c'est au-dessus de 200 millions. Le revenu de Winter's Bone, c'est moins de 10 millions quoi. Donc voilà, la différence. Ça a fait des pertes Non, parce que le budget était de 2 millions. Ah oui, d'accord. C'est un petit film indé, vraiment très petit film indé. Bon, peut-être. Je sais pourquoi je le regarderai. Honnêtement, je sais pas. À voir. Tu as fini ou... Vas-y, je ferai mon coup de gueule en dernier. Ah oui, c'est juste avoir un coup de gueule. Difficile. J'ai encore plusieurs choses, donc. Vas-y. Je dis une petite chose et puis tu feras ton coup de gueule. Juste pour dire que mais bon, je suis très dans. Bon, 36-15 My Life, on va dire. Je vous ai parlé un petit peu de ma vie. Je suis très, en ce moment, musique qui motive. Musique, tout le monde met les mains en l'air. Oh, David Guetta. Non, du tout, mais des Beastie Boys pour le moment. Ah. J'écoute énormément de Beastie Boys. J'ai envie de musique très rythmée de ce style-là. Mm-hmm. Et je sais pas si tu as vu Chauve, tu as dû le voir. Sa future paternité qui veut ça. Peut-être. Profite de ces derniers instants où il peut mettre la musique fort. Peut-être, Je te dis, la voiture, c'est Beastie Boys et Prodigy, pour te résumer. Voilà, Fatboy Slim. Donc, c'est un peu une musique très put your hands up. Hein. Et bref. Put your hands up. J'ai entendu des extraits du prochain album des Beastie Boys qui va enfin arriver. Ah ouais, ils sont encore là. Oui, bah, ils avaient prévu, je ne sais plus le titre, je retrouve, mais ils avaient prévu un part 1 et tout compte fait, ils l'ont abandonné tellement ça faisait longtemps. Donc, ils ont. Stetson et les choses s'écrivent des petits mots pendant que je parle. Donc je disais, ils ont voulu faire un album, je ne sais plus le titre, mais quelque chose part one. Et disons que ça a mis tellement de temps que tout compte fait, ils ont laissé tomber et ils se lancent direct dans le part two. Mm-hmm. Mais voilà, on a entendu les premiers extraits sur internet, ça devrait sortir ici dans le courant de l'année. Et ça promet honnêtement d'être du bon Beastie Boys, du... comme d'habitude, hein, le trip, tout le monde les met en l'air, hop, musique très rythmée, très. Moi j'aime bien, voilà. C'est... Ouais. J'écoute que Ill Communication. Moi. Oh, c'est pas le. Ça, c'est un des meilleurs, mais c'est pas le seul. Non. Bah, c'est quand même le grand classique. Quoi. C'est le grand classique, oui, ça je ne nie pas. Hein. Mais il y a d'autres, quoi. Moi j'écoute par exemple sur l'album Anthologie de 99. Mm-hmm. Il y a la chanson que j'adore, c'est Body Moving, celle avec le remix avec Fatboy Slim, qui est excellent pour se motiver, se mettre la patate le matin. Voilà, ouais, Stetson, à toi, j'en brillerai après. Donc ça va pas du tout l'intéresser, mais alors vraiment pas. Mon coup de gueule, c'est le fait que Engadget, qui était mon site d'info principal pour. Engadget. Non, Engadget là, parce que c'est pas engagé, c'est Gadget et que c'est fait. Non, bah attends, avec sa prononciation. Oui. Ou je crois non. que c'est. Quand même. Bah, excuse-moi. Six éditeurs importants sont partis sur une période de un mois, quelque chose comme ça. Tous des seniors éditeurs et l'éditeur en chef. C'est principalement. Enfin, certains ont avoué que c'était à cause de. Certains ont avoué que c'était à cause depuis la reprise d'AOL. Et dernièrement, c'est Arianna Huffington qui est devenue le grand AOL chef. AOL a pris le Huffington Post et voilà. Et donc, depuis ça, il y a eu des emails qui ont été leaks qui s'appellent The AOL Way, où ils demandent qu'il y ait beaucoup plus de pages vues, quitte à essayer de... pas spécialement à bâcler, mais à faire du sensationnel et tout ça. Et donc, chalons avec des titres accrochés. Sachant qu'AOL possède quand même TechCrunch aussi, un des autres gros sites. AOL, ils sont vraiment recentrés sur le contenu, ils rachètent un peu tout ce qu'ils peuvent. Ouais, donc, dans les gros sites, on peut dire qu'il y avait TechCrunch, qui n'a jamais été vraiment mon site, Gizmodo et Engadget. Et Gizmodo, je trouve un petit peu trop vouloir faire les malins tout le temps. Et Engadget était un bon équilibre. Et le podcast était très sympa, leur show était très sympa. Et, le site n'a aucun avenir avec 6 personnes qui partent d'un coup. Quoi. Et le podcast Le podcast, il était fait par Josh Topolsky, Neil Patel et Chris Paul Miller. Et ils sont tous les trois partis. Donc il y aura peut-être un autre podcast avec des nouveaux, mais ce ne sera plus la même chose. Quoi. L'influence de Josh après après que les fondateurs soient partis, elle était fort importante. Et c'est lui qui a fait le site qu'il est maintenant. Quoi. Donc, c'est ton goût de gueule. Ouais, le site n'a plus aucun intérêt. Quoi. On voit déjà maintenant la différence de qualité depuis qu'il est parti. Donc, Si je peux rebondir sur ton coup de gueule, moi, c'est un autre petit coup de gueule, mais plus franco-français. C'est la version FR de Read. J'ai jamais le prononcé. Read Wide Web. Facile à dire. J'ai mal prononcé. Pas compris. Mais... Je vais faire en français cette fois-ci. Read Write Web. C'est un site assez connu d'information tech aussi, qui est américain aussi, et qui avait une version française, une version espagnole notamment. Et la maison mère, en fait, a décidé, pour recentraliser ses activités, essayer d'avoir un modèle économique... Mettre fin à ses éditions européennes. Et de faire du profit, de mettre fin à ses éditions européennes. Mais c'est des raisons un petit peu obscures. Et surtout... L'explication contradictoire et sommaire. Attends, surtout, c'est pas ça. Une absence totale de communication. C'est obligé. Ils ont décidé, c'est juste pour rebondir sur son coup de gueule, donc c'est très rapide, mais ils ont décidé de fermer les deux versions. Mais la version espagnole, ils leur ont dit, ok, vous pouvez garder vos articles, repartir sur une... une autre base avec un autre nom, etc. Mm-hmm. Tandis que la version française, et on ne sait pas pourquoi, ils leur ont dit non, vous nous rendez tout, vous n'avez plus le droit de rien. Donc ça fait, je crois, 2 ans qu'ils étaient en train d'écrire dessus, qu'ils écrivaient du contenu, d'ailleurs très très intéressant et très documenté, vraiment des gros articles, des gros dossiers. Et la maison mère a décidé non, on reprend tout, on saisit le serveur, on récupère les articles, la base de données, vous ne pouvez rien conserver comme archive, allez vous faire voir en gros. Voilà, on ferme boutique et vous démerdez, vous repartez ailleurs si vous voulez, mais vous ne récupérez rien de ce que vous avez fait. On garde tout. C'est quand même, quand c'est leur propriété, ils ont le droit. Oui, quand t'es écrit, mais t'as... c'est un petit peu. Voilà, la façon de faire est un petit peu. Ils ont oui, non, pourquoi... mais c'est la propriété. Et surtout la pourquoi. De son auteur. Non, pas nécessairement. Non, non, ici c'est écrit sous copyright du site de la maison mère. Bah, ils sont fous en tubeur. Ouais, mais bon, dans ton contrat, c'est soit tu fais ça, soit t'as pas de job. Bah, c'est un contrat. Chose, ouais, écrit, enfin bon, ils sont journalistes, ils ont peut-être envie de... C'est écrit pour un quotidien, par exemple, l'article n'est pas ta propriété. L'article, en partie, quoi. Non, ici, non, c'est, l'article est la propriété de... Quand tu fais un photographe une photo pour illustrer un article d'un journal... Ouais, mais c'est dépend, ça dépend. Puis, t'as des freelances, t'as des... Mais là, c'était des journalistes, des pigistes payés par les hommes. Ah, oui, c'était des employés, clairement. Mais oui, là où... comprend pas, c'est que les versions, notamment les françaises en tout cas pour ce qu'on en sait, généraient énormément de visites et ils commençaient à élaborer un modèle économique et allaient commencer à rapporter de l'argent. Et sur la maison mère est un petit peu inexplicable et un petit peu brutal en plus, sans explication aucune, sans raison. Mais... Mmh. Voilà, c'est un petit peu dommage parce que franchement, c'était un site d'information, en tout cas pour les sites francophones, vraiment très très fiable, très bien documenté et qui proposait des dossiers très très intéressants. Donc voilà, c'était pour rebondir sur ton coup de gueule. Bon, sinon, rapidos, comme ça, on termine, parce que j'ai plus grand-chose, mais un petit mot sur Ghost Trick. Non pas la trick du fantôme, comme Dub l'a dit il n'y a pas si longtemps. Donc Ghost Trick sur Nintendo DS. Je voulais juste en parler brièvement, parce que c'est un excellent jeu. Il faut aimer un peu le style, hein, c'est du point and click. Mais franchement, très, très agréable. Donc, vous incarnez un fantôme, en gros c'est un homme qui vient de mourir, et il a 24 heures avant que son esprit monte au ciel, et il doit simplement, en interagissant avec les objets, il a le droit de se mettre dans des objets et de... Ah oui, j'ai entendu ça. Faire évoluer l'histoire pour pouvoir résoudre les énigmes de l'énigme de son meurtre, en fait. Mais ce n'est pas sorti que sur DS, non? Si, je pense. Je n'ai pas vu... En tout cas, chez nous, ce n'est sorti que sur DS, je pense. Et voilà, donc un petit jeu sympathique où je passe un sur bon iOS moment aussi. Ah, c'est pas impossible, en effet, ça doit bien se porter sur ce type de plateforme. Donc voilà, si vous avez envie d'un petit jeu de toilettes, comme je les appelle, parce que moi j'y joue aux toilettes, joue à ça et à Tetris si vous voulez savoir aux toilettes. Je lis aussi Quartier Lointain que je dois encore terminer, qui est très sympa aussi d'ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à foncer sur ce jeu-là, il est sympathique. Ben voilà, je crois que j'en ai fini pour ma part. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter, les enfants. Personnellement, non. Il y a trois quarts d'heure dans vrac. Oui, donc je crois que ce sera le plus long numéro de l'histoire du BGS. Non, le premier, il était bien long. On va passer les 3h30, je pense. Hein. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Donc je crois qu'il est temps de s'arrêter là. Et il est 3h, donc... Ah oui, effectivement, donc tout ce que l'on dit. Il est temps que je rentre chez moi, sinon je vais me faire engueuler. Bon, ben on va... À la Marseillaise et tout. On va dire au revoir alors. Alors, juste peut-être quelques petits rappels quand même. Dis au revoir, Satan. Non. Sois poli, dis au revoir. Chauffe, s'il te plaît. Juste toi. Quelques rappels avant, parce que quand même, histoire de faire un tout petit peu d'autopromo, ça ne fait jamais de tort. Donc, vous pouvez nous retrouver sur bg-show.be, qui est notre site internet où on diffuse tous nos podcasts. Donc là-dessus, vous retrouvez le BGS, vous retrouvez Télécom, que j'enregistre avec Monsieur Stetson depuis maintenant un petit mois, hein, qui parle toutes les 2 semaines, qui parle de l'actualité high-tech et Télécom. On enregistre ça avec Monsieur Draven. Allez écouter, c'est sympa. Et le podcast des images, qui est un podcast qui se fait beaucoup plus à la cool, et qui parle de séries, BD, animation. Qui devrait un petit peu s'étaffer. Qui devrait, oui, revenir sur le devant de la scène. Monsieur Stetson est bien motivé par le thème, donc on va regarder à faire ça. N'hésitez pas à venir sur le forum qui se trouve sur le site, n'est-ce pas, Charles? Oui, j'y vais tous les jours, ouais, et il n'y a personne qui parle, quoi. Il y a un petit lien au-dessus, vous avez sur bgshow.be, il y a un petit lien tout au-dessus, forum, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez, c'est très facile, et après, ben, vous postez tout ce que vous avez envie. Vous pouvez retrouver également donc ce podcast sur iTunes, cherchez Belgian Geek Show, vous nous retrouvez. tous les liens de toute façon sont accessibles directement sur le blog. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit. Donc venez sur le forum, venez sur le forum, venez sur le forum. Et venez sur le forum. Merci Stetson. Je vois un petit mot à ajouter. Merde. Venez sur le forum peut-être. Venez sur le forum. Merci Chauve. Bordel de merde. Et dépêchez-vous. Voilà, ben donc on va conclure ici ce BGS très très long, mais très bon. Numéro 6. Numéro 6 déjà, quand même. Ça et bientôt on va fêter les 1 an. Hein. Ouais. Même si on a fait je crois même qu'on épisodes. Les a fait. Je on est censé faire un podcast mensuel, on a fait 6 épisodes en 1 an. Cherchez l'erreur. Ouais, bon, attends, on MJ aussi. Ouais, tout à fait. Mais bon. Pas moi, top 100 en borne, pour venir ici. Hein. Ouais, on peut dire que je suis courageux. Allez, 200. Ça, dire que c'est ça pour aujourd'hui. Il y a 3 heures, je rentrais chez moi à 4h du matin. Bref, donc j'espère que vous avez pris plaisir à... Je vais engueuler par ma femme, si elle se réveille. Pris plaisir à nous écouter. Et si tout se passe bien, alors on se donne rendez-vous... dans un mois. Dans un mois. Au mois de mai, alors, puisqu'ici on enregistre le numéro du mois d'avril. On se donne rendez-vous au mois de mai, alors, pour le numéro 7 du BGS. Et d'ici là, portez-vous bien. Hein. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, body body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving. bitch, you should put on your shrimp fins. Cause when it comes to quarries, I'm known to swim. And that rock light up the place. And if you pull my card, you pull the ace. And if you ask me, turn up the bass. And if you play Defender, I could be your hyperspace. So, body moving. Moving, body moving, we be body moving.